Joule sur Skyrock pour démarrer cette grosse soirée. Ça y est, c'est parti pour la radio libre en direct avec vous, hein, au 01 53 40 30 20. Je vous le disais, vous nous appelez et vous nous laissez des messages. On salue déjà tous ceux qui sont là. Et Joule et mon bijou qu'on vous offrira avant minuit dans la roulette place de concert à gagner. Romano. What's up? Yes, fine. Diffoul. Moi, j'ai bouffé avec une idiote samedi soir. Cédric. C'est qui Michel? Bah, Michel l'infirmier, alias le beau gosse. Ah ouais. Le tombeur de ces dames. Le piqueur fou. Super. Marie. Elle mouille. Oh, c'est bon, c'est branlé comme ça le soir. Samy et Karim. Sandwich 5 euros et 10 euros à la masturbation. Diffoul Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et tous les soirs et le jeudi soir aussi. Salut tout le monde, 21h pile. Bonsoir l'équipe, bonjour tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon jeudi soir, ça y est, le week-end arrive, c'est pour demain. Et semaine prochaine, ça y est, c'est les vacances pour ceux qui sont en cours là déjà. Ah, ça y est, ouais. Les premières vacances de la Toussaint, c'est quand mercredi? C'est ça, ouais, mercredi, ouais. Mais mercredi matin ou mercredi soir? Mercredi sortie des cours. Bah mercredi si t'as des cours mercredi, sinon c'est mardi soir. Ouais voilà, mercredi midi ou mercredi midi, ouais. D'accord, ok, bah écoutez, préparez-vous pour les vacances. Bon, il y en a qui partiront pas en vacances, hein, vous le savez. Peut-être vous d'ailleurs, bah on est là. En direct jusqu'à minuit déjà ce soir, semaine prochaine aussi, rassurez-vous. Et puis à n'importe quel moment de la soirée, vous pouvez nous passer un petit coup de fil. Bonjour à tous ceux qui sont là, je vois les messages qui défilent. Bonjour les vermines, nous dit Amine. Bonjour la vermine, Amine. Amine de Litry, salut à toi Amine. Bonjour. Salut à Mathéo, bonjour à Jennifer, bonjour à Blue, bonjour à Carmelo, à Lina qui nous fait un petit coucou. Bonjour à toi, bonjour à Ayrton, bonjour Ayrton. Et vos messages, comme vous le voyez, ça arrive directement salut dans les studios. C'est checké, ça fonctionne, ça va Romano, t'as l'air d'aller bien. Ça va bien, ouais. C'est plaisir de te retrouver, c'est jeudi en plus. Ouais, c'est problème du mois. Eh oui, jeudi c'est problème du mois, on va aller faire un tour sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux, sur tous les sites où il y a des gens qui ont des soucis, qui laissent des messages, qui veulent des réponses. Et les réponses sont les ultra connected. Ultra connected ce soir. Et d'ailleurs, si vous avez vous aussi l'occasion de tomber sur des gens un peu bizarres qui envoient une lettre dans un forum, un petit mail dans un forum, qui envoient une lettre à un magazine, ça existe encore. Bah, n'hésitez pas à transmettre. Il y a encore des gens qui envoient des lettres à des magazines. Eh bien, vous envoyez à Romano et nous, on s'en occupera tous les jeudis soirs. Tu feras un petit sommaire d'ici tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à Cédric également, que je n'ai pas salué, mais qui arrive. Et puis, la Marie, Samy, Karim. Salut. Du calme, Marie. Rien n'est grave. L'hôtel en panique. Je sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure. Non, mais je viens de me coincer le cou, là. Je viens de me niquer. Donc, je viens de me coincer le cou. Voilà ce que c'est de faire des folies de son cœur. Oh là, je vais te casser. Non, mais là, à l'instant, dans le couloir. Ah, mais t'as une tête bizarre, Marie, ouais. Bah, t'as les épaules complètement rentrées dans la tête, Guy. Je te le dis, t'as l'air complètement débile. Ouais, t'es une tortue. Entre nous. C'est pour ça que je posais la question. Tu vois, il n'y a pas que moi, Marie. Romano aussi. Débile à tendance conne. Oui, c'est ça. Si vous voulez ressembler à Marie, mettez l'épaule gauche très très haute, l'épaule droite très très basse et la tête penchée sur le côté. T'as pas de cou. Mais tu veux qu'on te fasse quoi? Bah, j'en sais rien. Tu veux qu'on te masse? Je crois que je me suis coincé. Cédric, on va masser Marie. Désolé, tu n'es pas là. T'as pas de chance, hein, dis donc. Putain, sinon je l'aurais massé, moi. Ah, t'inquiète, masser la bite pendant qu'on la masse. Ça lui aurait fait tellement plaisir à Marie. Comment ça va, Cédric? Bah écoute, ça va. Apprends à parler dans ton téléphone et puis on te garde toute la soirée avec nous, Cédric. Hein. Bah, c'est bizarre, moi j'entendais bien. Eh ben écoute, nous on l'entend moyen, mais bon, ça fait pas de mal, Cédric, jusqu'à minuit en direct avec nous, évidemment, direct de son lit avec sa clavicule, toujours son ami la clavicule cassée. Ouais, je sais pas ce que tu branles, mais bon. Bah pas grand chose a priori. Bah, alors, t'es parti en virée où aujourd'hui? À la plage? Non, j'étais à l'hôpital. T'es resté à l'hôtel? Non, je suis resté à l'hôtel, puis je suis parti vite faire l'hôpital, je suis parti voir le médecin qui s'est occupé de moi. Très bien. Mais tu vas lui foutre la perce? Tous les jours, il va voir son médecin. T'es tombé amoureux, Cédric? Qu'est-ce que tu veux encore? Non, mais je prépare une surprise pour demain soir, t'inquiète. Ah, une surprise pour demain soir, dans l'émission? Ouais, tu vas pas venir. Ouais. Je te rappelle que ton retour officiel c'est lundi. Ah non, mais tu vas pas venir. Mais moi, ça sera à distance que je vais gérer ça. Bon, bah écoute, tu nous expliqueras tout. Je sais pas ce qu'il nous réserve comme surprise, Cédric, mais il est lourd. Donc lundi, retour de Cédric en direct dans la radio libre. Alors le Belge, comme ça, entraîne dans des brasseries. Ah, c'est quoi ce truc ignoble? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Décris-nous, Romano. Alors, elle vient d'où cette photo? Bah, c'est pas une photo, c'est une vidéo parce que. Snapchat. Ouais, Cédric fait des Snapchat. Ouais. Il vient pas aux deux émissions, mais le mec Snapchat la journée. Et il y a exactement 5 heures. Allez, il y a exactement 5 heures et Cédric était dans une espèce de boui-boui avec une assiette dégueu. C'est un grec dégueu, Cédric. C'est un grec haut de gamme. La photo, on peut mettre la vidéo, Cédric. Ouais, vas-y, ouais. On va la mettre sur les réseaux. Qu'est-ce que tu mangeais? Qu'est-ce qu'il bouffe? Tu vas dire, c'est bon. Attends, on va vous faire. Oh! et t'as bouffé tout ça? Non, pas tout, j'ai pas réussi à finir. C'est une espèce de truc tout mélangé en fait. Mais hein, là, en fait, non, mais ce qui est chelou, c'est que déjà le grec, la viande, elle est en sauce. Oui. Ah oui, c'est vrai. Non, elle est pas en sauce. C'est vrai, c'est quoi ce truc? J'ai une espèce de sauce ignoble marron. En tout cas, du blé à la sauce tomate. Franchement, ça donne envie. Il est beau l'arrêt maladie. Eh bien, on pense à vous tous et à vous toutes qui êtes en train de manger actuellement. J'espère que vous mangez des trucs un petit peu plus comestibles que Cédric. Non, mais après, tu vas nous faire une chiasse avant minuit. Non, mais viens pas te plaindre que t'as la chiasse. Bon, Cédric, on t'attend avec impatience lundi, lundi soir dans l'émission en direct. Ah bah oui, ça. Le grand retour avec une grande soirée, avec des surprises, peut-être même des invités qui seront là pour fêter ton retour. Donc demain, tu te pointes pas. Non, demain, tu nous gâches pas notre soirée, Cédric. On reste, non, il viendra pas, on reste entre nous. Et lundi, non, c'est la grande surprise. Bon, voilà. Eh bien, écoute, bon appétit. Peut-être, et tu sais que j'avais faim là en démarrant l'émission. Ah, ça t'a coupé l'appétit. J'avais un petit creux. J'ai regardé ta vidéo, Cédric. Eh bien, ça m'a coupé l'appétit. C'est bien pour le régime. T'as pas arrêté de voir la vidéo, ça me reste sur le bide. Oui, mais il est capable de vomir, Romain. Il est très fragile. Ouais, eh bien écoute, ça se voit pas, Cédric. Bon, vous où vous soyez, quoi que vous fassiez, vous nous passez un coup de fil. On va mettre les images à on peut, Cédric. Ouais, mais attention, hein, avec un message de prévention, si vous n'avez pas encore mangé ou si vous venez de sortir de table, attendez un petit peu avant de mater les images. Les images, c'est parental advisory. Hein. Ah ouais, c'est clair. Pas de parental advisory, attention, c'est dangereux, c'est périlleux. Peggy 18. Peggy 18. Non, Peggy 18. Ah, Peggy 18. Peggy 18. C'est comme les trucs là pour les jeux vidéo qui disent là. Oui, Peggy 18, c'est ça, c'est vrai. Peggy 18. Oui. C'est vrai, genre interdit au moins de 18 ans, ils disent Peggy 18. Ouais, dis-le en français pour la marée. Ça y est, j'ai un capté. Ah bah écoute, je parle américain. Tu l'as dit en français, donc c'est bien. Bon, on va saluer les premiers qui arrivent, qui sont là avec nous. On prépare le double appel des familles, hein, d'ici quelques instants. Les familles du double appel en direct avant minuit. Le problème du mois, on vous a dit. Et puis vos FIFA 17 à choper. On peut vous les offrir à n'importe quel moment de la radio libre. Vous gagnez vos FIFA 17. Alors, on a qui pour démarrer la soirée? On a Wissem qui est au téléphone avec nous en direct de Nancy. Bonjour Wissem. Bonjour. Salut. Bonjour. Mais tu es une fille, Wissem? Oui, c'est ça. Je précise, je vois que tu as 20 ans, tu es à Nancy. Wissem, c'est pas un nom de mec? Et tu es là. Moi, j'ai cru que tu étais un mec aussi. C'est qui? Non, c'est Ben Yedder. Ben Wissem. Ouais, c'est Wissem. Ah, bah, c'est pour ça que je pensais que tu étais un mec. Mais c'est ce que je lui ai demandé aussi, c'est un prénom de mec. Mais vous parlez de qui, là? De Wissem Ben Yedder, un joueur de foot. Un joueur de foot, il joue à Séville. Wissem, l'auditrice, mais elle a un nom de mec. Ouais, parler de mec connu, quoi. Non, mais il joue à Séville, gros, il joue à Toulouse. Il joue à Séville. C'est l'ancien de Toulouse qui jouait, tu sais, sur. Qui jouait sur des petits terrains. Il est tout petit. Il faisait du foot en salle, ouais. Il faisait du foot sale et il s'est retrouvé dans l'équipe de Toulouse. Ouais, non, tu vois pas qui c'est? Il est tout petit, mais je crois même qu'il est. Absolument pas. Je crois qu'il est même plus petit que toi. Oh là là. Oh le nain. Oh là là. Oui, Seb, si tu nous écoutes, bah dis donc, Romano, te mange la soupe sur la tête. Il passe entre les jambes. Ça vient de manger ta soupe, lui. Et Cédric va te bouffer le grec sur la tête. Alors, bon appétit. Les cheveux vont tomber, je te conseille. Très bon, grec, je vous jure. Comment? Il était très bon, mais ça se voit, tu sais. Allez voir les images, on vous les met d'ici quelques secondes sur tous les réseaux de Skyrock, le Facebook de Sky, l'Insta. J'attends la chiasse de cette nuit. Le Snap. Et si vous faites un régime, ça c'est super. Dès que vous avez un petit creux, vous regardez la vidéo de Cédric et là, ça vous coupe tout, je vous assure. Bon, vous allez mater la vidéo, puis dites-nous ce que vous en pensez après sur les réseaux, puis au 41759 et sur la piste Skyrock. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous envoyer des messages, ça arrive directement dans le studio, directement, bah, jusqu'à minuit, à n'importe quel moment, vous pouvez nous envoyer tout ça. Bon, Wissem, bah, écoute, ça fait plaisir de démarrer la soirée avec toi. D'accord, merci. Dis-nous qu'est-ce qui se passe, Wissem, problème d'amitié. Exactement. Combien vous avez d'amis que vous considérez comme des amis vrais de vrais, des amis sur lesquels vous pouvez compter? Combien vous en avez en tout? Des vrais de vrais. Moi je vais vexer tout le monde, moi j'en ai pas. Oh, bah, d'accord, super. Non, bah, vous avez combien vous avez d'amis en tout? Sur lesquels vous pouvez compter, genre vous les appelez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit? À n'importe quelle heure, moi j'en ai 4. Rachid. Ouais. Mourad. Fouette, Rachid, Mourad, très bien. Petfou. Et 5, moi j'en ai 5. Petfou. Et nous? Petfou. T'as un pote qui s'appelle Petfou. Ouais, Petfou. Je le salue d'ailleurs, Petfou. Petfou, gros. Je lui rencontrerai jus de pisse. C'est un pote de Cédric. Combien vous avez de vrais amis? De vrais amis, ça se compte, on dit que ça se compte sur les doigts d'une main, les vrais amis. Ah bah, c'est clair. Moi 5, gros. Moi 4. Moi je n'ai que 3 doigts. Oh, tu n'as que 3 amis. Regarde, Pamela. Que trois, j'ai trois. Après, ouais, on compte vraiment ceux qu'on peut appeler en plein milieu de la nuit, toutes les galères, il est là, quoi. Oui, qui sont là. Bah, c'est ça, vraiment. Oh, des amis, ouais, tu peux en avoir entre 5 et 10, après, mais. Tu peux avoir des amis, voilà, ouais. Tu après, bah, quelqu'un. Ouais, je dirais 5, 6, ouais. Ouais, tu peux avoir, ouais, une petite. Bah, on se fera greffer un doigt, alors, si on peut tous avoir sur les doigts d'une main, là. Donc, tu vas nous parler d'une amie, d'un ami à toi, tu parles de qui, toi, Wissem? C'est un ami, ouais. Parce qu'en fait, il y a peut-être 2 semaines, on s'est fait la tête. Et depuis ce jour-là, bah, plus de nouvelles. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous avez fait du boudin? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour-là, il a voulu rire avec moi, mais la blague, elle n'est pas passée du tout. C'est quoi la blague? Une blague qui foire, alors vas-y. Ouais, et en fait, du coup, il m'a dit comme quoi j'ai pris une simple connaissance, alors qu'on se connaît depuis perpète, quoi. D'accord, mais c'était quoi la blague? Bah, la blague, c'est qu'en fait, il m'a dit comme quoi, ouais, bah, t'es qu'une simple connaissance. Mais elle est pourrie la blague. J'ai pas compris la blague, oui. Moi. Et... Ah, c'était voilà. Fini, excusez-moi, la blague c'était était fini. La blague était finie. Voilà. Attendez, bougez pas, je rajoute. Musique. C'est vrai qu'elle était assez drôle. Ah, Marie, adore. Ah ouais, troll. Alors, redis quand même la blague pour qu'on puisse la faire à nos potes, nous aussi, hein, pour voir. En fait, il a voulu juste me faire chier en me disant comme quoi, ouais, bah, de toute façon, ça fait qu'une simple connaissance, pourquoi tu me fais chier, quoi. D'accord. Mm-hmm. Oui, c'est pas ton ami déjà. Ouais. Voilà. en gros, tu l'as mal pris, quoi. Voilà, exactement. C'est et ça. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je lui ai raccroché au nez et depuis, plus de nouvelles. Voilà, et lui, t'as jamais rappelé. Voilà, exactement. Ah non, mais t'étais peut-être vraiment qu'une simple connaissance. Ah ouais, peut-être. Parce que, et ça fait combien de temps, t'as dit, plus d'une semaine? Ouais, ça fait plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Mais plus d'une semaine, lui, il n'y a pas de nouvelles. Mais pour une petite, petite connerie comme ça, il y a Tom Angel qui nous dit, encore une embrouille de merde. Exactement. Et derrière, il rajoute, on voit bien que c'est une meuf. Ah bah, c'est malin, ça, tiens. Je rajoute la fin, là, c'est Tom Angel, 21 ans, qui vient de nous laisser un message. J'ai pas compris la blague, mais Carmelo, tu es normal, nous non plus. J'ai rien compris. Non, il y a pas de blague, en fait. Il faut qu'elle parle doucement, nous dit Blue. Il a fait une réflexion de merde que t'as mal prise. Non, mais c'est débile de s'embrouiller pour ça, non? Oui, non, mais c'est débile. Bah, dis-le à Wissem. Je dis Wissem. C'est vrai, c'est débile de s'embrouiller pour ça. Pourquoi vous faites la gueule? Bah, c'est lui qui me fait la gueule, c'est pas moi. Oui, mais là, c'est toujours ça ce qu'on dit. Lui, tu dirais, j'aurais au téléphone, il me ferait. Ouais, c'est elle. Je confirme, c'est vraiment une histoire de merde. C'est elle qui me fait la gueule, ouais. Bah oui, c'est vrai ça. Vous êtes déjà embrouillé pour des histoires de merde, allez-y, hein, vous nous laissez un message. On demande quel âge tu as, attends, tu as 20 ans. Ça peut arriver, hein, parce que si je vois par exemple. Fiona, elle voulait savoir. Moi, c'était pas avec un pote, mais c'était avec ma mère. Avec ma mère, pendant un mois et demi, on s'est pas parlé. Hein. Je t'avais dit que t'étais con aussi à cette époque. Oh, mais toi, t'es un ouf, toi. Ah, ça ouf. Laisse-moi faire la gueule à qui il veut. Mais tu parles pas de ma mère pendant un mois. Eh bien, je ne te parle plus pendant un mois et demi. Décembre. Et toc, je boude. Voilà, on ne se parle plus, on fait du boudin. Voilà. Non, mais Souvent, les embrouilles d'amis, c'est vrai. Ça part parfois de certaines petites conneries. Romano et Cédric. J'appelais plus. Vous étiez embrouillé à cause d'une très belle photo que t'avais mis de Cédric. Pourtant, ça l'a peut-être très en valeur. Tu te rappelles, Cédric, la belle photo qu'il avait mis, Romano, de toi? Je me souviens, ouais. Mais j'ai jamais compris pourquoi tu lui as fait la gueule à Romano. Le pauvre, il a repris une photo que toi, tu avais mis sur tes réseaux sociaux. Mais que j'avais supprimé, qu'un connard avait fait une capture. Oui, et ben Romano a voulu récupérer la photo de peur qu'elle soit perdue. Bah ouais, c'était pour les archives. Se dire cette magnifique photo où on voit, où on voit deux mamelles. Mais on a l'impression que Cédric, c'est Kim Kardashian, quoi, tellement qu'il a des seins. Non, mais en fait, à la base, c'était un snap. Ouais, et ben je trouve que l'arrêt était pas mal. Un snap, il y a des salopards qu'on fait. Un arrêt sur image. Qu'on fait des screens. Un petit screen. Pile au moment où c'est vrai, Cédric, là t'avais déconné. En fait, ce con il était penché en avant et il y avait ses deux mamelles qui tombaient. On avait l'impression qu'il avait des seins. Ah, mais je m'en souviens, ouais. Ah, moi aussi. Ah ouais, nous aussi on s'en souvient. Ouais, oui, c'est quand on dit que c'est. Il m'a bien cassé les couilles. Ouais. On dit que c'est une embrouille à la con, on embrouille. Bah, celle-ci elle était pas mal non plus. Pas la poster, la poste. Ouais, non, mais je vois que ça le. Comme tu le dis, si mal, aussi, en effet, oui, c'était clair. Exactement, comme tu le dis. Et donc, le on peut level n'est pas, d'ailleurs, Cédric, la photo, je peux la remettre? Amuse-toi, tu vois. Oui, parce que des auditeurs demandent, la photo avec les seins, là, déjà, tu vois. Ça, c'est déjà énervé d'avance, quoi. Ah, mais sérieux, Cédric, vas-y, on la remet. Fais-le, je porte plainte, je t'ai dit. Tu portes plainte, t'es sérieux, en plus. T'as aucun moyen de porter. Ah, mais non, mais t'as aucun moyen. Bah, peut-être tu reliras ton contrat de travail. Je te le ferai lire par quelqu'un et tu verras que t'as aucun moyen de porter plainte, gros. Si, t'inquiète pas. Non, non, y a aucun moyen. Non, mais tu l'as posté sur tes réseaux, Cédric. Après, faut pas te plaindre que quelqu'un te la poste. Mais non, elle est sur aucun de mes réseaux. Et à la limite, tu sais, je trouve ça sympa parce qu'il t'a fait de la promo. Ouais. Attends, franchement, mais ta gueule sur mon Instagram, déjà, je suis bien courageux. À cause de ça, j'ai perdu des followers. Et tu sais que c'est peut-être là que Mathieu Delormeau t'a repéré. Kikou les boys and girls. Kikou, Mathieu. Tiens, d'ailleurs, t'as un autre copain qui veut te dire bonjour. Il y a le deuxième. Ah, tu as plein d'amis, dis donc, Cédric. C'est dingue, hein. C'est vrai, hein. Le deuxième. Bah, le deuxième, mais tu l'as pas reconnu. Déjà que je suis hyper stressée. T'as reconnu? Alors, c'est une nouvelle surprise qu'on a pour toi ce soir. On va essayer de te faire entrer dans les ch'tis, les Marseillais contre le reste du monde. En rajoutant un de toi, tu serais le reste du monde, tu représenterais la Belgique, par exemple. Ouais. Et on va essayer de te faire entrer avec des gens très très intelligents. Mais on en reparlera tout à l'heure. On te fera écouter. Et tu sais ton histoire de boys band, Cédric, avec Mathieu Delormeau et tu sais, j'y réfléchis parce que je bosse en dehors des émissions. Et je regardais les réseaux tout à l'heure et il y a un auditeur qui a trouvé votre nom de scène et je trouvais ça pas mal. Alors comment s'appelleront Mathieu Delormeau? Picou les boys and girls. Jérém Star. Bonjour, bonjour Vermi. et Cédric en trio. Salut les filles. C'est un boys band qu'on va créer. Les MJC, Mathieu, Jérém Star et Cédric. MJC, mais ouais. C'est les MJC, ouh. Les MJC. MJC, ouh. T'as ta-da, qui c'est qui a trouvé ça? C'est super ça. Attends, il faut que je retrouve. On va lui envoyer un t-shirt Skyrock, il mérite. Très bonne idée. C'est pour le groupe de Cédric, Mathieu Delormeau. On est en train de travailler, on se lance dans la production musicale. Faut trouver un petit slogan là, pas mal. C'est le M, c'est le J, c'est le C. Ouais, M, J, C. Et Cédric, un petit message de Jerem Star. Salope. Salope. C'est les mignons tous les trois là. Donc, tu vois, oui, c'est pour revenir à ton histoire de prise de tête avec ton meilleur ami. C'est débile, va retrouver ton meilleur ami. Regarde. Oh! Mais il y a quelqu'un qui est là, qui l'a la photo de Cédric. Ouais. Ah ouais. Hein, Cédric, il y a quelqu'un qui nous a envoyé la photo. Merci, Colonel Charlie. Ah ouais, j'avoue, les têtes. Ah, Colonel Charlie, il faut que t'ailles faire un tour au Bois de Boulogne en direct. Il nous a demandé l'autre jour, il nous a appelé. Il veut faire un tour au Bois de Boulogne en direct sur Skyrock. Ouais, bah vas-y, ouais. Pour le faire vivre à tous ceux et toutes celles qui n'y sont jamais allés, tous ceux et toutes celles qui habitent loin de Boulogne, loin de Paris. Venir me chercher. Mais toi, tu vas pas aller au Bois de Boulogne, Romain. Vas-y, je vais avec toi, gros. Mais ils vont tous y aller après. J'arrête comme des cons, nous. Les chimelles, c'est pour qui? Pour Cédric. Choisira, gros. Non, ça va aller, tranquille. Bon, tu vois, donc, pour revenir à la photo que vient nous envoyer Colonel Charlie, la photo de Cédric avec les seins magnifiques dessus. Beau gosse. Tu vois, Romano et Cédric, eux aussi, sont pris la tête pour une connerie, pour une pauvre photo, t'imagines? La tête, gros. Non, mais en même temps, je comprends qu'il ait fait la gueule. Pourquoi? Il a une tête de charpé là-dessus. Il a la gueule toute plissée. Cédric, il pousse aux toilettes. Et il a deux dents qui sortent. Et il a la coupe d'Adolphe un peu aussi. Avec ses deux seins. Et la poitrine. Mais t'as une sacrée. Mais c'est quoi ces snaps de biatch que tu fais? Tu te mets sur des réseaux, Cédric? Non, du tout, connard. Il cherche. Oh, connard. C'est mon snap perso à moi, quoi. Non, mais je vois, elle est jolie, la photo. Hein. Bon, donc ne te prends. Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Wissem? Vous avez un truc à lui conseiller à Wissem? Non, mais déjà, à la base, si t'as raccroché, il te rappelle pas, c'est que lui s'en bat les couilles, je pense. Non, mais déjà, c'est toi qui as raccroché, donc je pense que c'est toi qui devrais rappeler. Ouais, aussi. C'est ce que j'allais dire. Le truc, c'est que moi, j'ai fait un premier pas vers lui, j'ai envoyé un message peu de temps après. Ouais. Sauf qu'après, il m'a dit comme quoi qu'il était rancunier et il m'a plus calculé. Eh ben, laisse passer du temps. Ouais. Ça va nous passer. Ouais, après des vrais amis, ils se retrouvent et puis faut pas se prendre la tête comme ça sert à rien. La vie est tellement courte. Profitez de vos amis, les amis. Mais oui, Wissem. Tiens, une autre embrouille dans un instant, on aura qui? On aura David. Bah, ça va être si on démarre sur une soirée embrouille. On va y revenir dans un instant. Embrouille. Bon, Wissem, essaye de faire le premier pas vers lui, puis reste à l'écoute, on va en reparler dans l'émission, là. Et David. Non, puis au bout d'un moment, si le mec, tu vois, tu lui envoies des messages, à chaque fois il t'envoie bouler, ben, je lui dirais bien d'aller se faire enculer. Oui, et puis il y a bien un moment où il y en a un autre qui va faire le premier pas vers lui. Non, mais souvent, on se retrouve avec des amis quand on a une galère. Quand il y en a un des deux qui a une galère, là, tu retrouves ses amis, tu te dis, c'est quand même con, on a perdu du temps. Donc, évite de perdre du temps, essaye de le rappeler. S'il te répond pas, le temps, c'est de l'argent. Ouais, ou alors, rends-le jaloux, montre-lui que t'as plein d'autres amis. Regarde, c'est Susu de 71 qui nous dit ça. Bob Merlich, bonjour Bob Merlich, 25 ans. Suce-le, ça lui fera plaisir. Tu vois, c'est pas mal. C'est pas le premier qui dit ça d'ailleurs, hein. Ouais, non. Merci. Histoire de se réconcilier. Tu vois, par exemple, Romano, quand Cédric te faisait la gueule à cause de la photo, ouais, t'aurais pu sucer la bite. Ah bah voilà. Et ben tu vois le message. Je lui ai pardonné. Merci. Merci pour le message. Je savais pas que vous étiez réconcilié comme ça sur le. Je lui ai fait une buccale et puis après. Après il m'a fait une anale. Non, après je lui ai fait une anale, ouais. Et après une anale. Bon, on est sur les embrouilles. Cédric reste là parce que sur les embrouilles, t'en connais un rayon, c'est bien. Ouais. Et puis on aura David aussi au téléphone avec nous en direct. Et là, David. Ouais, salut du coup. Salut David. Salut David. Ouais, David. Ouais, alors. Tu vas nous expliquer. Marie, ça va? Ouais, bien, je te remercie. Ouais. Ça va. Oh, cool. Je suis chaud, je me débloque. Tu vas nous expliquer les embrouilles qu'on peut avoir quand on commence à sortir avec une meuf, mais que l'ex est encore dans le coin. C'est ça. Ah putain, les ex, ouais. Les ex, Marie, c'est ça. Voilà, c'est bien, Marie. J'ai eu du mal, là. Il y a deux lettres, quand même. Donc ça va pas être simple ce soir. Tu me dis ça. Ah bah, permets-moi de te dire qu'en tant que professeur de radio, tu as une diction de merde. Ah non, mais je rêve. Merci, Romano, de remettre les choses en place. Je vais faire un bulletin scolaire. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, les 21 Pilots. On a démarré avec Jules, mais pour continuer cette soirée. Et puis vous tous en direct. Et puis on va faire un petit tour du côté des familles du double appel dans un instant là. Oui. C'est sur Sky, c'est Radio Libre et c'est jusqu'à minuit. The Morning Show. Dans le Morning de Default sur Skyrock, elle t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Fabien. Bravo Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une. Une suprette. Une supérette. Non, on appelle ça supérette. On teste des arnaques. Vous me donnez 200 €, on n'en parle plus. Hein. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui me Soprano? Soprambaba. Non mais vous êtes un des tranquilles ou quoi? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Aussi, réveille-toi avec le Morning de Difool tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock.

taking my time on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. 21 Pilots sur Skyrock, on écoutait Ride. Default, radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Ah, ça t'arrache le cul. Mais pourquoi tu non, mais... raconte, non, raconte. Attends, c'est hallucinant, quoi. Difool, c'est une de ses pinces. Mais pour attends, pire que moi, ça me rend malade. Écoutez ce qu'il faut pas entendre quand même pour. Non, attends, il t'offre à boire tous les soirs presque. Non, mais tu rigoles. Il m'a... Non, en fait, j'ai de la chance. Ah, non, pas souvent. Je suis désolé de te le dire, Marie. Si c'est franchement, c'est pas quoi. Plus souvent que toi déjà. Oui, ah bah ça c'est sûr. Ah non, mais moi j'ai jamais. C'est pas marqué dans mon contrat que je dois payer à boire. Ah, non, ah, non plus. Non, hein. J'y crois pas, l'autre. En fait, j'ai de la chance. Ça fait deux jours de suite que je vais à la machine à boisson et je mets donc le prix d'une boisson, 90 centimes d'euros la bouteille. T'en as deux qui tombent. Et j'en ai deux qui tombent à chaque fois. Je vous conseille de prendre de l'eau plate. Prenez de l'eau plate et vous récupérez des bouteilles gratuites. Ouais, quand même, 90 balles la bouteille de 50 centimes. Non, centimes. Ouais, on s'est bien carotté. Mais bon, je suis content. Ouais, 90 centimes, c'est quand même pas donné. Mais du c'est coup, des petites satisfactions. Et du coup, Diffoul rentre dans le studio. Il fait, ouais, j'en ai eu deux. Et là, je lui dis, ouais, tu m'en donnes une. Vous auriez vu la gueule qu'il a fait. À la seconde, il a fait une gueule. Mais non. Bah, allez, bah, montrez-moi que j'ai fait une gueule. Bah, non, mais montre-moi que t'es pas radin. Donne-moi la bouteille. Elle s'accroche un peu là. Elle est bonne. Non mais donne-moi la deuxième. Bah non, la deuxième elle est celle-ci, elle est... Tiens, prends celle-ci. Il la prend en plus. Elle a déjà bu dedans, elle a craché. Ouais dedans. Mais pff, tiens. Non chier. Mais je préférais l'autre. L'autre il fait pitié. Je comprends qu'il réussit ses conseils pas chéri. Il est là, il tend sa main comme un... J'ai soif. Ouais. Vas-y, mais non, mais file-moi la neuve. La neuve. Je vais pas filer la neuve. C'est moi, je vais remonter pour Guillaume. Ouais, c'est moi la neuve. File-moi la neuve, Dieu. Bon, on allez. Non mais file-moi une bouteille, sérieux. Bah, donne-moi un verre, je te mets un peu d'eau dedans. Non, parce que justement, ça me casse les couilles, parce que ici, en fait, Marie se barre avec les verres pour chez elle. N'importe quoi. Elle se fait des services. J'ai des verres chez moi. Elle se fait des services. Des verres en plastique, il y en a, c'est du cristal, Marie, c'est du plastique. Non, j'ai plein de verres. Si vous aussi, je vais lancer un appel au secours. Si vous aussi, vous avez un pote relou dans votre entourage parce qu'il est radin, n'hésitez pas à témoigner, ça me ferait du bien parce que moi aussi, j'ai des problèmes, comme tout le monde. On a tous des problèmes, on en parle parfois le soir. Putain, il regarde tes bouteilles d'eau, Non, mais ouvre la bouche et il t'en verse comme ça. Non, moi je veux boire. Mais tu vas pas me prendre ça. Je vais avoir soif après, je vais. Non, mais tu la rempliras. Je vais pas la remplir avec l'eau du robinet. Non, mais t'en achètes une deuxième, ça fera comme. Voilà, c'est ça. T'en as deux, t'en ramènes une chez toi. Bon, Romano, on a plein de choses à faire. Ouais, je m'en fous, je vais me servir, parle donc. Tiens, Cédric, Romano, t'as volé des capsules de café ce matin à l'appart. Je te le dis juste comme ça. C'est juste un petit. Non, je te le dis direct. Le belge, je te dis direct, c'est pas moi, c'est Carriole. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il balance sa meuf. Il balance sa meuf, ouais, n'américain. Mais c'est parce que. Même pas, t'es grave, toi. Parce que, en fait, non, parce que je sais que Cédric à Carriole, il dira rien. Ouais, parce que. C'est Carriole, elle le met un peu à l'amende. Ah, bah, c'est peut-être toi, mais tu dis que c'est Carriole. T'es un peu son soumis. Mais bon, ça arrive. Bon, on parle d'embrouille, Cédric. C'est pour ça qu'on a besoin de toi encore ce soir. En direct de chez lui, Cédric, et le grand retour, c'est lundi dans la radio libre entre 21h et minuit. Ah, et demain, ouais. Demain, c'est piqûre de la grippe pour tout le monde, en fait. Hein. Ouais. Je l'ai pas dit. Ah putain, avant le week-end. Bah oui, juste avant le week-end. Putain, il aurait pu être un autre jour. Ah, ouais. Bah comme ça, si vous êtes malade, vous êtes malade le week-end, lundi, vous êtes en pleine forme pour le retour de Cédric. Ah non, mais. Vous pouvez pas le louper. Ah putain, non, mais non. Moi, j'en préfère être malade lundi quand il vient, mais. Bah non, faut qu'on soit tous là, Cédric. Lundi, tu vois, on sera en pleine forme. Mais Cédric, mais t'as gâché ma surprise. Mais c'est pas une surprise, on l'a annoncé il y a 3 jours, Cédric, on allait se faire piquer contre la grippe. Ah, mais c'était ça ta surprise pourrie, Cédric. Oui, c'est qu'il s'occupe de tout. Putain, mais c'est vraiment de la merde. Bon, d'ici là, il va se passer plein de choses. On a le problème du mois. Qu'est-ce qu'il va on va faire dans le problème du mois, ça? Il va y avoir une grosse mouilleuse de la chatte. Une grosse mouilleuse. Une grosse mouilleuse pour découvrir les autres. C'est dans une demi-heure à peu près. On lancera le problème du mois de ce soir. On ira faire un tour sur le net, sur tous les réseaux, sur les forums. Ah, il y aura un sextoy un peu égyptien. Un sextoy égyptien, une pyramide. En momie. L'hôtel se met une pyramide. Tu crois pas si bien dire, mais une pyramide un peu spéciale. Attends, c'était quand même un bel objet là. De la soumission. Et un anus qui passe du chaud au froid. Un anus glacé. Ah, vous verrez il est bipolaire alors, c'est ça, un thermostat. Brûlant. C'est ça, Karim, il est bipolaire. Voilà. Alors, lui dire oui comme ça. tu veux pas. Mais non, mais les gars, wesh. Tu veux pas aller te promener. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On dit comme on veut. Bon, le problème du mois, on va attaquer. T'es à double appel, t'es prêt, Samy? Les familles du double appel, elles sont prêtes aussi. Et on va revenir aux embrouilles. Wissem s'est embrouillé pour une connerie. Une embrouille de ouf. Raconte, Romano. Ben en fait, Wissem, elle a 20 ans. Ouais. Ouais. Elle est de Nancy. Et en fait, il y a un pote qui lui a fait une réflexion. Il lui a dit, ouais, de toute façon, toi, t'es pas une vraie amie. Genre, t'es juste une connaissance. Là, elle lui raccroche au nez. Depuis, ils font du boudin tous les deux. Là. Ouais. Et Wissem, elle a envoyé un message. Et le mec, qui lui a dit, ouais, moi, je suis rancunier. Ça... Alors que bon, au final, c'est quand même la faute du mec. Mais bon. Bon, on est parti sur les embrouilles maintenant, là, ce soir. Les embrouilles, on aura David, le témoignage qui arrive en direct ce soir. 21 ans à Dijon. Toi, c'est une embrouille, ouais, à cause d'une nouvelle meuf avec laquelle tu veux sortir ou avec laquelle tu sors, David. Explique-nous, dis-nous. Alors ouais, avec une meuf que je suis à peu près, je suis avec, ça va, on peut dire. Une meuf que tu es avec, donc tu sors avec. Ça va se faire. C'est tout neuf. Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble tous les deux là? Bah on se voit depuis un mois, un peu en cachette, on va dire. Donc en cachette, mais pourquoi tu la vois en cachette? Parce qu'elle a un mec, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, oui, donc bah, en fait, donc c'est pas son ex. Ouais, pour le moment t'es l'amant quoi. Elle est entre les deux, ouais. Ouais, t'es l'amant. Ouais, les deux, ouais. Dire. Ouais, mais elle est plus sec moi quand même. Vraiment, mais bon. Oui, bah j'espère pour toi aussi, David. Si tu démarres une histoire, si t'as confiance en elle, vaut mieux que tu sois sûr qu'elle soit plus avec toi, oui. Oui, c'est mieux. Ouais, mais à qui de ma cause. Et ouais, bah je sais quoi, je vous raconte comment c'est passé du coup. Bah raconte l'embrouille, ouais. Donc tu t'embrouilles en fait avec Lex, le mec, c'est ça? Bah en fait, ouais, je suis allé dans. Souvent, je vais la chercher au travail, cette nana. Ouais. Donc je me mets un peu plus loin quand même, pour pas faire chauffer devant les gens. Ouais, tu gardes un peu de discrétion, ouais. Ouais, voilà. Et après, ce qui fait pas... Donc je suis venu à pied, même si je vais en voiture, là je suis venu à pied. Et comme on se retrouve, je vois la voiture de son mec qui arrive. Ah merde. Vous êtes deux, t'imagines, elle, c'est le luxe, elle a deux mecs pour la ramener à la maison. La classe. Le problème, c'est ça, ouais. Ouais, c'est aussi un problème, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Et c'est là, j'ai compris direct. Bon, enfin, du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris un nana pour la main, on est parti. Mais le mec, il a... Parce que je l'ai vu arriver, donc là, j'ai fait un peu... Je me suis dit, là, je me taille, c'est pas grave. Mais du coup, il vous a vu, quoi? Il a vu, bah ouais, lui, pendant que nous on partait à pied, lui nous voyait, lui il arrive en voiture, il nous voyait. Moi j'aurais peur qu'il me roule dessus. Ouais, moi j'aurais peur qu'il me fonce dessus aussi, tu sais, tu peux tomber sur un dingue ou qu'il y a une pulsion. Ouais, mais c'était pas en configuration pour. Donc ça allait, ça. Bon, tant mieux. Bon, ouais, franchement. On va dire que tu étais protégé sur le trottoir, c'est ça? Ouais, il y avait le trottoir avec lui. Et du coup, bah il est descendu de la voiture. Et je sentais qu'il arrivait derrière moi. Donc, en plus je le connais un peu, mais sans plus, mais je le connais un peu. Patate dans ta gueule. Je le sens arriver derrière. Je fais quoi? Je sais qu'il y a une gérée, tu te retournes, un truc comme ça. Et dès que j'ai senti, je me suis retourné et tous les dents s'enclenchaient direct. Voilà, je suis avec toi. Ouais, tu sentais que ça, de toute façon, tu sentais que le truc allait venir. C'était sûr, ouais. Mais bon, mets-toi à sa place. Si lui, il a pas été largué par ta meuf, ou qu'elle soit claire, ta meuf. S'il a pas été largué par ta meuf. Ouais. Et, bah, il est cocu. Bah oui, pour lui, il est encore avec ta meuf. Et cocu, pour lui, pas content. Et il voit le mec qui lui a piqué sa meuf, en fait. Et donc il se dit là, il est monté. Heureusement, il y avait des protections sur le trottoir. Ouais, c'est mieux. Ouais, mais ça va. Mais vous vous êtes tapé sur la gueule? Ouais, on s'est bien tapé quand même. Et qui c'est qui a gagné, lui ou toi? On est tout. De quoi? Qui c'est qui a défoncé l'autre? Qui c'est qui a gagné la bagarre? Match nul. On est partis en même temps et on s'est couché en même temps. Mais franchement. Ah, vous êtes couchés tous les deux? Et ta meuf, elle gagne. Et la meuf, elle était là. Arrêtez! Ouais, j'imagine. Et au final, non, mais... ça s'est fini comment l'histoire? Il y a des keufs qui sont venus, les gens vous ont séparé, ta meuf vous a séparé? Ouais, bon, les gens, et on peut dire les gens à la limite, ouais. Ça s'est séparé tout seul, quoi. Et... Ah ouais, dans la rue. Du coup, il est reparti, moi aussi, et on était là, et voilà. Et elle est partie avec qui? Ah ouais, tiens. Ouais, avec moi, mais il n'y a pas eu d'échange entre les deux, en fait. Ils sont pas parlé? Ambigu. Ouais, ils sont pas parlé. Bon, au moins, c'est clair, au moins, pour lui. Bah, il pouvait peut-être plus parler si tu avais cassé la bouche en même temps. Peut-être qu'il essaie de communiquer, tu comprenais pas, ouais, c'est possible. Non, mais ça je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur. Vous avez la bouche qui saigne. Vous avez la bouche qui saigne, je ne comprends pas. Mais ta gueule, je comprends pas. Et en même temps, c'était à elle d'être claire, tu vois. Ah, on est d'accord. Non, mais c'est clair. Et puis là, il va avoir la rage, si ça se trouve, il va vous faire chier, hein. Bah, c'est fais gaffe, hein. C'est possible, David. Ah, moi, je pense, hein. Bon, après, le mec, c'est peut-être pas un dingo non plus. C'est clair que sur le moment, il vient chercher. Normal, hein. Non, mais il vient chercher sa meuf, il la voit avec un autre mec. Bon, il peut avoir un coup de chance sur le moment, quoi. Bah oui. On est d'accord. Ah bah oui, c'est sûr. T'as un mec qui a la main dans la main de ta meuf. Tu ne le connais pas ou tu sais pas qui c'est. Tu te dis c'est quand même assez bizarre. Ouais. Donc sur le moment tu peux t'énerver très fort. Après c'est pas pour autant qu'il vous fera chier par la suite. Tu te dis c'est son papa. Mais non, c'est pas son papa parce qu'il est un peu jeune pour être son papa. Et puis elle est un peu vieille pour tenir la main à son papa, j'imagine. Mais après Marie elle a raison. C'est qu'elle elle est pas claire non plus. Ah ouais, fallait qu'elle lui dise. Tu vois, c'est normal que ça porte en couille. Tiens, regarde le message que nous laisse Tristan là sur SMS. Il a raison, Tristan, c'est normal. C'est vraiment un ouf auditeur pour Mathéo Gaborio, 15 ans. Salut à toi, Mathéo Gaborio. Les gens sont trop violents. Regardez, la meuf avait qu'à être claire aussi dès le départ. Bah oui. C'est normal qu'ils le prennent mal. Ah non, mais c'est clair qu'elle a pas été claire. Tu devrais pas lui en vouloir, mec. Tu dois en vouloir à ta copine. Dimitri. Oui, bah tu vas pas lui dire merci de t'avoir tapé sur la gueule non plus. Oui, c'est vrai. T'as pas lui dire merci, mec. Bon, excuse-moi, je t'ai cassé la bouche. Attends, tu n'arrives plus à parler. Attends, je vais te la remettre. Et là, tu leur donnes un autre. Je t'en mets un au milieu. Ah, ça a eu. Et voilà, tu vois, ça va mieux. Non, mais c'est vrai, c'est ta meuf qui aurait dû être claire. Elle veut faire quoi, elle, alors? Comment elle va gérer cette histoire, ta copine? Comment elle réagirait? Non, comment, comment elle veut gérer cette histoire, ta copine? Comment elle réagit à cette histoire? Comment ça va se passer, la suite? Ça va? Hein, comprends ce que tu dis, mon ami. Comprends rien, mon pauvre David, parce que c'est vrai que t'as pas de chance. Il t'a foutu un coup dans la bouche lui aussi, hein. Ou dans la tête. Mais, non, mais pas de chance. Quand il t'a tapé, ouais, il a dû te faire mal. David, ouais, la suite, c'est quoi? C'est quoi la suite? C'est tu restes avec la meuf? Ouais. Non, avec la meuf, c'est sûr, c'est bon. Ouais. Et c'est juste. Mais ça y est. Entre deux, on peut dire que c'est fini. Mais ce que je me demande, c'est comment on va gérer après, en fait. Avec moi et avec ce type. Bah, faites un plan à trois. Voilà, allez hop. Génial, Karim. Allez. Bravo, Karim. Tu l'appelles, tu lui dis allez sans rancune. Et là, réconciliation sur l'oreiller. Ouais, c'est vrai, on peut faire la paix, hein. Moi, d'un côté, j'ai rien à y perdre. Ouais, toi, tu t'en fous. Eh bah, toi, tu t'en fous, t'as récupéré la meuf. C'est lui qui doit être, qui doit être vénère dans l'histoire. Mais vu qu'il est. Et ouais, c'est le problème. Ah, bah, après, c'est à elle de gérer son histoire. T'étais pas sorti avec lui, donc c'est vrai. Exactement, tu n'en sais rien, lui. Elle faut que. Ce que vous disiez sur les messages. Elle faut qu'elle gère l'histoire. Et toi, après, le mec le calcule pas, tu vois, sauf s'il vient de voir, mais toi, cherche-le pas non plus. Ouais, laisse traîner le truc, peut-être ça va rester. Non, mais je me demande si la meuf, elle joue pas sur les deux tableaux aussi, tu vois, elle fait genre, hey, je suis pas avec pour lui. Moi. Ouais. C'est les meufs, elles aiment bien ça aussi, tu sais, du style, putain, il y a deux mecs qui se sont battus pour elle. N'empêche, la mise, elle assure, il y a deux mecs qui viennent la chercher à la sortie du bahut. Bon, ouais, après, sur le coup, elle a mal géré sur l'emploi du temps, là. Ouais, elle a été comme. Et en tout cas, il y en aura plein qui auraient réagi comme le mec. Vous le comprenez, le gars, je vois Attila qui nous laisse un message du 76, qui dit, moi, direct, je lui pète la mâchoire sur le trottoir. Bah, moi, non, moi, je comprends pas, au fait. Moi, je comprends pas pourquoi tu vas t'embrouiller avec l'autre, alors que le mec, il est peut-être au courant de rien, il sait même pas que t'es avec elle en couple. Moi, je pense qu'il devrait prendre la tête à la meuf plutôt qu'au mec. Non, mais sur le moment, c'est, tu surprends en flag, je pense que t'es. Non, bah, non. Toi qui, t'as raison, Karim. Non, mais oui, t'as raison, mais alors toi, j'ai quand même des trucs que tu réagisses comme ça. Non mais vraiment Romano, moi par rapport à ça, j'ai toujours dit gros, si par exemple une meuf elle me fait un coup de travers, j'irai jamais voir le mec gros. Le mec, qu'est-ce qu'il a c'est à voir avec parce moi que t'as peur de lui aussi. Non, pas vraiment. Ah, oui, je pense que à moins que ce soit un pote. Comme dirait Cédric, je pense que t'as peur de te faire gonfler. Ouais, mec. Je crois que c'est ça, mal. Non, mais pas gros. Et Cédric, toi qui t'arrive exactement la même chose, puisque. Bah, Cédric, lui, s'est fait gonfler, lui. Ah ouais. Par qui? Bah, le mec en bas de la radio qui venait te narguer avec ton ex. Mais t'es malade, toi, quoi. Mais c'est la même histoire. Non, pour résumer, c'est simple. Cédric sort avec une meuf, la meuf le largue, et elle vient ensuite en bas de la radio avec son nouveau mec, narguer Cédric. Ouais, elle lui dit, regarde, après il est l'émission. Là. Regarde, il est là, il a pété la gueule, et Cédric s'est fait monter en l'air. Non, mais il a pris un rocher, il lui a balancé, je crois. Voilà. Un rocher, un menhir. Ouais. Bah, Cédric avait pris un caillou dehors, comme les hommes préhistoriques. Il a pris un caillou, je vais lui jeter mon caillou. Oh, j'ai un silex. Bon, du coup, Cédric s'était mis dans la gueule, voyez le résultat. Et voilà. Et voilà. Non, mais c'est vrai que le mec, il y était pour rien non plus, Cédric. Même histoire que pour David. Attends, le mec, il vient en bas de la radio, t'es gentil. Mais le mec, il vient en bas de la radio parce qu'il accompagne ta copine, mais lui, non, il est pas sorti avec toi. À moins que tu nous aies caché que ce soit ton mec. Là, pour ça, en fait, c'était ça. Moi, c'est pas pour défendre Cédric, mais je pense que là, quand même, c'était clairement de la provocation. Ah oui. C'est comme si, admettons, tu largues une meuf, tu largues ta meuf, et genre, elle vient taper à ta porte, elle te dit, tiens, voilà mon nouveau mec. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Non, mais si tu l'as largué, tu lui dis, j'en ai rien à foutre. Non, mais si elle t'a largué. Ah, si elle t'a largué, c'est pas pareil. Bah, ouais. Tu te dis, ouais, c'est de la provocation. Ah, c'est comme quand la gothique est venue avec son keuf chez toi. Non, mais elle est pas venue avec son keuf chez moi. Si, t'as mis les menottes. Ouais, bien sûr, ouais. Et puis après, il m'a mis dans la bouche, il m'a matraqué. Il t'a godé avec une matraque. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais David, ce qu'il faut que tu expliques à ta meuf, c'est qu'il faut qu'elle gère ses histoires. Et puis toi, t'as pas envie de rentrer là-dedans. C'est elle que tu aimes. Ce mec, t'as jamais demandé de le voir. Tu t'en branles, t'es jamais sorti avec. Ouais, c'est sa merde à elle au final. Au final, c'est ce qu'il faut faire. Tiens, on a perdu David. Peut-être qu'elle arrête de donner son cul à droite à gauche. Oh, David n'a pas entendu ça, c'est dommage. J'espère qu'il a l'écoute quand même. Hein. Mais c'est vrai, il faudrait qu'elle arrive de donner son cul dans ta gauche. Non, mais il faut gérer la situation. C'est-à-dire que si la meuf, elle a trois mecs en même temps, ça va être compliqué, quoi. Oui. Forcément, ça va créer des embrouilles. Et en plus, ils se tapent tous sur la gueule. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Bon, on viendra peut-être essayer. Vous, si vous arrivez la même chose, vous pouvez témoigner. Cédric, ça lui est arrivé. Vous, ça vous est peut-être arrivé aussi. Vos messages au 41759 sur skyrock.fm. Moi, ça me sera arrivé. J'aurais roulé sur les deux. Heureusement que ça n'était pas arrivé. Hein. C'est B-Boy Smoke qui vient de nous laisser un message. 15 ans. Salut à toi, B-Boy Smoke. C'est bien. T'as 15 ans. T'as pas encore de voiture. Donc tu lui roules dessus avec un scooter. Ça fait moins mal. Quoique. Bon, David a plus de batterie. Donc quoique, du coup, c'est pas grave. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute, David. Bouge pas. Moi, je serais parti en couille aussi. Mais j'aurais plus pris ma tête à ma, plus pris la tête à ma meuf. Bah tu vois, c'est ce que disait également Karim là sur SMS. C'est Samir qui nous laisse le message. Et oui. Regarde-le. Qui ah il te l'a volé. Tu m'as volé ma bouteille. Comment t'as fait? Et en plus il boit avec un petit sourire et il est tout content. Je sais qu'il en voudra plus. Non, je voudrai plus. Tu es en train de baver dedans. Ah ça y est, du full fait la gueule. Il boit la sienne aussi pour se venger. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Bah non, mais j'avais soif. Je pouvais pas sortir du studio. Le mec, c'est une grosse radasse, je vous le dis. Ne lui prêtez jamais rien. Toi, attends, t'as une bouteille gratuite. Bah, j'ai payé l'autre. Bah, et alors, c'est comme là, si t'avais payé normalement. Non, mais t'es un enfoiré, t'as un verre, t'aurais pu verser dans ton verre et lui rendre la bouteille. Mais il a fait exprès, comme ça, il reboit pas. Ah ouais. Mais c'est ça, parce que. Donc, t'es un enfoiré. Mais l'autre, il a eu grippe intestinale il y a deux jours, je vais pas boire après lui. Ça, c'est ah non, sûr. Non, évite, non. Je vais éviter, hein. Ah, puis il boit, il coule. Ah ouais, il rince le gosier. Non, Cédric, lundi, évite de rouler une pelle à Romano quand tu reviendras, parce qu'il a eu une grippe intestinale cette semaine, faut faire attention. Avec toi, ouais. Ouais, bah je peux te filer, ouais, c'est pas de problème. Bon, alors on fait le double appel, on y va ? Allez, c'est parti, les familles. Allez, c'est parti, go. À l'attaque. Oui. Mais alors, l'histoire de fou, c'est qu'on a tous les deux un coup de fil en même temps. Bah oui. Qu'on décroche et qu'on se trouve en communication. Et voilà. Ah ben voilà. Oh, aucun des deux n'a appelé l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ce pin, ça ? Ah, je sais pas. C'est le double appel de Default sur Skyrock. Je suis en train de me branler bien près de fou, là. Je dirais même plus. Derrière. Oui, ta gueule. Qu'est-ce que c'est ça? C'est, monsieur, il se branle, laissez-le se branler. Il faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Il fait ça tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Donc c'est qu'est-ce que c'est que ce pins, les amis? Mais oui, ah bah oui. Les amis, les familles. Hein, qu'est-ce que c'est que ce pins? Bon, vous êtes prêts? Allez, on est prêts. Alors on est prêts. Est-ce que Patrick est prêt? Parce que Patrick peut nous aider à garder les familles en ligne si on a une petite galère. Allô? Oui, Patrick. Oui, comment vas-tu? Très bien. C'est parfait. Moi ça va, en pleine forme. Je suis content. Ah c'est bon là. Ah oui, c'est bon là. Et là on va faire le double appel. C'est excellent là. J'espère que ça va être excellent. C'est parti, deux appels. J'ai Gérald et Marie-Laure. Simultané à deux familles. Simultané. J'ai Gabi, tiens, un autre pervers qu'on a eu souvent. Vas-y, balance. Moi, j'ai Cédric, un pervers qu'on a aussi dans l'émission. Salut les filles. Casse-toi. Chut. Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? T'es qui? Moi, je suis Patrick, hein. Allô? Oui? J'ai une pute de grosse vache. Salope enculé. C'est du calme. Allô? Oui, j'écoute. Oui, comment vas-tu? Elle est contente. Ça va? Moi, je suis Patrick, hein. Oui? Oui. Je ne vous reconnais pas. Écoute, tu le suis bien. Comment? Tu le branles bien comme il faut, là. Salope. T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là? Oh, c'est bon, la pompe, ça va. Allô? Allô? Allô? J'adore. Et là, t'as essayé le double appel chez eux. Là, ils sont partis tous, là. Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. C'est qui fait le double appel chez lui? Antoine, 20 ans. J'adore le double appel. J'ai déjà essayé. C'est trop drôle. Jamais. Ah, c'est vrai que tu peux faire, on va dire. Petit conseil qu'on vous donne, jamais plus de 4 appels à la suite. Hein. Ouais, faites gaffe quand même. Faites oui. gaffe au-dessus de 4 appels. Ça peut être dangereux. Vous terminez. On a déjà eu des problèmes. Vous terminez à la police. Je vous le dis, on a testé pour vous. Oui, hein. Oui, oui. Oui, on a testé, cette histoire. Bon, un autre. C'est pas dénagé. Allô? Allô? Non, il y en avait qu'une, mais ça a coupé direct. Ah, d'accord. Ah, bah, fallait nous l'envoyer, Samy. Ouais, mais parce qu'en fait, j'en teste plusieurs en même temps, et des fois, ça décroche et ça raccroche derrière. Ah. Bon, alors. On enchaîne avec qui? Allez, on va chez Sandrine et chez Edouard. Sandrine et Edouard. Allô? Du Cap, oui. Patrick. Vas-y. L'autre. Oh, voilà. Ouais, c'est ça. Vas-y. Edouard? Ouais. Sandrine. Edouard. Je vais te baiser comme il faut là. Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? Allô, oui? Oui, comment vas-tu? Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Allô? Oui. Oui, qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est vous qui m'appelez, monsieur. Ah non, monsieur, mon téléphone sonne, je suis avec mon mari. Oui. Qui peut témoigner, et ça fait au moins 15 fois que vous nous appelez, monsieur. Pardon? Ça fait au moins 15 fois que vous nous appelez. Il y en a deux. Allô? Oui. Alors t'arrêtes d'appeler. Mais j'ai pas appelé. Ah si, t'as appelé. C'est encore toi qui appelles. Ah non. Ah si. Non, je regrette. Ah bah moi aussi je regrette, monsieur. Vous savez qu'on est en train de dormir. En plus, moi je travaille très tôt le matin. Moi je travaille, monsieur. Oui, il y en a qui bossent, monsieur. Oui. Mais oui, on a autre chose à faire que de rester au téléphone comme ça avec ma femme. T'es ma femme ou c'est moi? C'était ma femme. Ah, avec mon mari. Non, je suis ton mari, moi. Non, je suis ta femme. Oula. On est mari et femme, quoi. Ah, nous sommes mari et femme et nous sommes dérangés par le téléphone. On en a marre, monsieur. C'est du harcèlement sexuel que vous faites. C'est ça, du harcèlement sexuel, ça c'est bien dit, dis donc. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? C'est une blague ou pas, là? Je sais pas que ça faire. On n'a pas assez l'âge, hein, nous, de faire des blagues. Hein. Si toi, ça t'amuse de faire des blagues, nous, ça nous fait pas rigoler. Hein. Parce que si t'as un problème, tu viens et mon mari, il te pète les dents. Oui, bah, pas de soucis. Ah, parce qu'il va te monter en l'air, il va te gonfler. Mais il n'y a pas de soucis. On peut venir maintenant prendre l'apéro, là? Pas de problème. Ah, pour se réconcilier. Par contre, on n'aura pas l'apéro, hein, t'auras autre chose. Ah, tu vas nous offrir à bouffer? Non plus. Ah, qu'est-ce qu'il peut nous faire, le monsieur? Tu veux qu'on vienne dormir à la maison? Non plus. Une partouze? Si tu veux. Ah, bah voilà, ma chérie, tu vas te faire baiser. Ah, nickel. Ça faisait un moment, j'avais plus envie de la baiser, ma chérie, depuis qu'elle est chauve, j'ai du mal, je sais pas pourquoi. C'est vrai, hein? Enculé. Non, mais c'est vrai, t'es chauve, regarde. Tu dégoûtes un peu. Tu baiserais une meuf chauve, toi? Non, je mets une perruque. Ah, elle mettra une perruque ce soir. Bon, ben on arrive, hein. Comment il s'appelle, lui? C'est Edouard? Ouais. Ah, bah, Edouard, on te souhaite une belle soirée, on t'embrasse, hein. Bah, c'est trop du cul. Qu'est-ce que tu dis? Bah, tu vas venir, tu m'as dit. Mais on vient. Bah là, on arrive, on raccroche et on arrive. On arrive. Bah, tu vas prendre une grande volée, hein, par contre. Ah, ma chérie, tu vas prendre une grande volée. Ouais, non, mais je crois qu'avec mon mari, tu feras pas le point. Hein. Parce qu'il est balèze. Ça me dérange pas. Très bien, bah écoute, moi, y'a pas de problème, mon gars. Bon, bah, on se retrouve d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, pas de problème. Ouais, on sait où t'habites, dans mon cul. Bite dans mon cul, blague, drôle, rire, humour. Bon, ben, on arrive avec mon... excellent, là. Ouais, Patrick. Excellent. On arrive. Bon, allez, salut à toi. Salut, Edouard. Les autres ont disparu. Ouais, les autres ont disparu derrière. Tu vas pas mettre le son que t'allais mettre, Romano, là, j'aime bien lui. Pervers, là. Quand il dit le trou du cul, là. Vas-y. Attends. C'était quoi, attends, le truc? T'as mis que le début, tu l'as enlevé, après. Ah oui. Attends, non, putain. Ah, putain, t'en as trop, gros. Ouais. J'ai un trou du cul bien ouvert. J'ai le trou du cul bien ouvert. Salut les filles. Et Cédric qui fait son arrivée à ce moment-là. C'est magnifique, Cédric. Tu entends? Il y a les gros tétons qui bandent. Les gros tétons qui bandent. Eh ouais. Ils bandent. Tu vois. Bon, on en fait un dernier. Vas-y. Et on prépare Nicolas qui arrive dans un instant. Faut le prendre en spin. Nicolas, c'est quoi, Nico? C'est une réaction, gros, pour David. Ah. Salut, Nico. Salut l'équipe. Salut à toi. Donc ouais, Nico, t'es à la Chaux-sur-Saône, tu voulais réagir. Oh, c'est la Bourgogne, va Dieu. C'est la Bourgogne. Beuillant, Romano. Beuillant la Bourgogne. Beuillant les Bourguignons. Alors. Ouais, c'est pour réagir par rapport à David. Qu'est-ce que tu veux lui dire à David? Tu vas nous dire dans un instant dès qu'on. Attends, on appelle des familles là. Ouais. On fait chier le monde et on arrive. Mais non, on fait pas chier le monde. On les met en contact, on leur permet de discuter un petit peu ensemble, c'est sympa. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Ok. Allô? Oui? Allô? Oui, comment vas-tu? Oui, bien. Bah, très bien, là, bon. Je pense que vous devez faire une erreur. Non! Non, c'est vous qui appelez, madame. Ah, pas du tout. Ah, je suis désolé, j'ai ma famille comme témoin, on est en train de regarder Nicolas Sarkozy à la télévision. Et vous nous interrompez pendant le grand débat de Nicolas Sarkozy. Allô? Yes. Eh ben oui. Et donc nous on aimerait bien garder Nicolas Sarkozy tranquille parce que ma femme l'adore. Ah, il est trop beau. C'est vrai? Ben oui, madame. C'est magnifique. Bah écoutez, c'est magnifique, sauf qu'on est dérangé par vos appels toutes les 5 minutes. Nous, on n'en peut plus, je vous le dis tout de suite. Quand on est malade, on prend des cachets. Dépêchez-vous, il y a Jean-François Copé, il va parler à la télé, ça c'est super. Mon loulou. Comment? C'est vrai. Mais oui. Mais oui que c'est vrai. C'est quoi cette casse? Eh oui, c'est vrai. décalote complètement. Ah, je suis avec un ami qui est en train de jouer avec son zizi. Qu'est-ce que je fais? Bah, c'est super. Moi, je suis décaloté complètement. J'ai le trou du cul bien ouvert. Mm-hmm. Il est en érection ou pas? Ouais, dans la chatte, là. Allô? Ah. Là, je suis à poil, là. C'est marrant, Patrick. Ah bah là, ça les a calmés direct. Alors, on a eu en érection, décaloté complètement, folle. Un doigt dans la chatte, et je vais éjaculer direct. C'était quoi le dernier? Là, je suis à poil, là. Ah, là, je suis à poil. Là, la grande classe, poil, quoi. La grande classe. Comme d'hab. Elle était tarée, super. Ouais, elle a pété les plombs. Mort de rire, Jean-François Copé. Oui, ils sont à la télé, là, les hommes politiques, là, ils discutent ensemble. Ouais. Ouais. Et ouais. Ah ouais, elle a pris des extas, là. Elle était mieux, là. Ah bah, nous, on est bien entre nous, oui, c'est vrai. Bon. On est ensemble et on est avec David. Bon, double appel, on retentera le coup. Ça s'est terminé un peu en clash de la drague, l'appel d'avant. Ouais, hein. C'est vrai, ouais. En partouze avec ma femme. Tu fais très bien ma femme, Romano. Hein. Merci, mon amour. De rien. T'as vu comme je l'ai impressionné? Ouais, non, mais c'est clair. Je serais ton mec, Romano. Tu vois, t'aurais pas de soucis. Tu te ferais pas embrouiller, tout ça. Ah, c'est clair. Tu m'envoies à la rescousse, mais je sais que tu préfères Cédric. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Non, non, mais Cédric. Faites-vous un bisou. Mon amour. Les deux. Ah, non, mais ça va. Elle vient me faire un bisou. Non, non, mais désolé, Cédric. Je te laisse avec tes nouveaux amis. Non, ça va aller. Parce que maintenant, Cédric rentre dans le showbiz depuis qu'il a créé son boys band. MJC. Les MJC. Mathieu Delormeau. Coucou les boys and girls. Jérém Star. Salut les vermines. Et Cédric. Salut les filles. Ça sera quoi votre premier titre? Ça sera maman dans ta gueule, tu vas voir. Pas mal, ouais. On pourrait faire un titre, je sais pas. Salut les. On skiffe dans la baignoire. Ouais. Salut les boys. Ah, ou salut les boys and girls. Ouais, c'est vrai. Kikou ouais. Les boys and girls. Mathieu Normand, il dansera derrière toi. Vous avez fait un. Ouais, en fait, je sais pas, la baignoire dance ou. Ça va être joli, tiens. C'est la baignoire dance. Ouais, c'est ça, ouais. Vous dansez tous les trois dedans. Nico était avec nous. Avec de la mousse, avec des canards. On va te prendre, Nico. On fait aussi un point sur le problème du mois. On va attaquer le problème du mois. On va y aller. Le problème du mois, retrouvé en direct sur Sky. Et donc oui, ta réaction, tu voulais la faire en speed parce que t'es un peu à la bourre sur David. Donc David, histoire avec une meuf. La meuf, elle a oublié d'annoncer au mec qui était avant David que c'était fini. Exactement. Donc ils se sont croisés, ils se sont patatés. Et, et on a dit que c'était à elle de gérer le problème. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on a raison? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? Moi, je pense que vous avez raison, comme il disait Karim tout à l'heure, c'est elle d'éclair, c'est un peu elle la chétane dans l'histoire. C'est elle la chétane dans l'histoire. Eh ouais, c'est le chétane, mais t'as raison. Non, mais elle aurait dû être claire, ça, d'accord. C'est sûr. Bah, elle aurait dû être claire, mais même lui, il doit se méfier d'elle, du coup. Pourquoi? Au lieu de se dire, parce qu'il se fait taper dans la rue gratuitement à cause d'une meuf et écrire, il reste avec elle, tout va bien. C'est vrai que l'histoire démarre un peu. Faut être clair, faut se méfier un peu, tu vois. Mais et je dirais même plus, il devrait se méfier parce que bon, vu qu'elle a fait ça à l'autre mec, pourquoi elle peut le faire à lui, ouais. Ouais, voilà, déjà. Faut qu'il fasse attention, David. Peut-être que demain, il va rencontrer un autre mec qui va lui bouffer la gueule. Et ce sera encore un des ex de un des ex de la miss. Bon, ça veut rien dire. Après, il y a des meufs, elles font ça une fois et puis elles ne font pas forcément derrière. Hein. Ouais, mais t'as vu. Mais quand on démarre une nouvelle histoire, il faut avoir fini la précédente. C'est ce que nous dit M. C'est mieux. C'est mieux en général. M.A. sur SMS. Bon. Il a raison, M.A. Bah ouais. Et toi, il t'est arrivé la même chose, Nico? Non, du tout, mais juste, voilà, j'écoute l'émission. Ah, t'as bien fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bah, très bien, merci Nico. Donc on est d'accord, bon courage à David. À vous, et on prendra les nouvelles de David, là, d'ici très vite. Si c'est pas fait, manger la bouche. Hein. Ouais, c'est ça, casser la bouche en deux. Oui, oui. Et Chalon-sur-Saône, ça bouge, là? Ah, grave, ouais, grave, là, c'est la place. Grande volée à Chalon-sur-Saône. The place. C'est l'Ibiza de l'hiver, un peu. Ça, si vous savez pas quoi foutre, allez à Chalon-sur-Saône. Et après, vous retournez chez exactement. Vous, vous êtes content, mais. Non, mais attends, je suis désolé, à Chalon-sur-Saône. Je rigole, mais j'ai des amis parisiens, ils viennent faire tourter à Chalon-sur-Saône. Ouais, mais ça m'étonne pas. De Paris. The place to be. Non, mais attends, Chalon-sur-Saône, c'est toujours mieux que Firmini. Dans ta gueule. Romano, à Chalon-sur-Saône, est-ce que les 1 500 € sont tombés cette semaine? Je crois la semaine dernière. Mais cette semaine, moi, je te dis, non. Eh ben, à Firmini, c'est tombé. Mais en tout cas, on salue aussi Chalon-sur-Saône. C'est l'événement, quoi. C'est passé dans le journal local. On a appelé l'habitant de Firmini. Ah ouais. On t'embrasse, Nico. Salut, Nicolas. Merci, salut l'équipe. Ciao à toi. Et PNL qui arrive tout de suite sur Skyrock, le son de PNL. Bah, vous nous l'avez demandé, on va vous le passer. On se mettra aussi du Ghetto Phénomène tout à l'heure. Avant minuit, on vous offrira vos places pour Jul. Parce que sur Ghetto Phénomène, il y a aussi Jul. On écoutera ça tout à l'heure, d'ici une petite heure. Et les places de concert à gagner dans la roulette tout à l'heure. Ouais. Du Booba aussi à écouter. Ouais, DKR. Avant minuit, c'est DKR, le nouveau Booba. Et puis, bah, vous en direct, à n'importe quel moment, vous pouvez débarquer ici. Vous nous appelez, vous débarquez ici. On fera un petit tour à Montpellier dans un instant où ça inonde. Ah ouais, c'est le flambé là-dedans.

pané ce son de PNL, nous dit Olivier. C'est vrai, ça fait pané. PNL, Stena, énorme pour Mathéo. PNL sur Sky. C'est comme si moi on me disait que j'ai un nez difforme. Non mais t'as le nez complètement déglingué. Romano. Non mais j'ai des remontées jaunes. C'est dans la bouche. Cédric. Bon, Cédric, c'est quoi, Navran? Non, quelqu'un de désopulent, c'est quelqu'un de déconcertant, par exemple. Marie. Oh, le vrai, allez hop. Samy. C'est un Parisien, lui, c'est pour ça. Ouais, Samy, excuse-moi, Samy. T'inquiète, mon pote. Et Karim. Cédric, tu sais nager? Ouais. Bah, normal pour un ton. Ouais. C'est pas mal, ça. Diffoul Radio Libre, 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, une des célèbres blagues du Karim Comedy Club pour vous ce soir. Magnifique. Ouais. Bah, et pour toi, bon. Cédric, également, petite dédicace. Tiens, j'ai une petite surprise pour Cédric, on vous en reparle dans un instant. C'est que lundi, il revient. Hein. Il est de retour dans la Radio Libre. Ah, de ouais, retour super avec lui. De retour, Cédric. C'est lundi, le grand retour. Ouais. Attends, on va faire une bande annonce. On va annoncer ça à la France. Non, mais on va faire un truc bien. C'est l'événement. On va appeler les télés, Cédric. Hein. Ouais. On va essayer de faire venir des stars. Coucou les boys and girls. Mais ouais. Des stars qui vont venir peut-être lundi. Là. Ah bah dis donc, Mathieu, tu veux venir? Mais il veut venir, coucou les boys and girls. Coucou les boys and girls. Et ouais. Cédric, tu veux qu'il vienne? Salut les filles. Bah, écoute, non, ça va aller. Non, bah, on va faire venir des invités. Il y aura des invités lundi. Non, mais t'inquiète. Surprise. Émission exceptionnelle, faites tourner, dites-le. Cédric est de retour et on va lui faire vraiment, on va lui montrer. Est-ce que c'est des vrais amis? On va lui faire la fête. Des vrais amis qui pensent à lui. Ah, il va s'en souvenir de cette soirée. Ah, tu vas, Cédric. Ah, putain, je crois que je vais pas revenir samedi. Que tu ne vas pas venir lundi. Non, samedi, ça sert à rien. On sera pas là non plus. Non, mais lundi. Il t'a opéré une partie du cerveau, non? Non, il est. Oui, ah, pas encore. Non, pas encore. Ah, c'est ça. Bah, vas-y vite. Hein. Ah ouais. Ouais, avant lundi. Tu étais plus en plus con, je te le dis. Hein. Ouais, bah, j'ai une petite surprise pour toi, là, dans un instant. Je peux même te le dire tout de suite. Allez. On t'a inscrit au ch'ti au Marseillais contre le reste du monde, Cédric. Mais je fais pas ça, moi. Mais on veut que tu deviennes une star. On t'a coquine avec des grandes stars. Jérém Star, Mathieu Delormeau, c'est pas n'importe qui. Il bosse avec Cyril Hanouna, man. Il vient d'Energie 12. Alors, je peux dire qu'il a un CV, mais. Long comme le bras. Le bras de Romano. Samy, vous voulez faire une émission de télé-réalité? Non, Samy, c'est pas le problème. Samy, il est là tous les soirs. Je viendrai te regarder si tu veux, Cédric. Tous les soirs depuis un mois, il fait pas son retour lundi parce qu'il n'est pas parti, lui, pendant un mois et demi en vacances. C'est pour toi le comité d'accueil, Cédric. Uniquement pour toi, Cédric, un beau cadeau qu'on va t'offrir et des invités qui seront là donc lundi soir pour Cédric. On vous dit pas qui est-ce, vous avez peut-être une idée, mais on ne vous dit pas qui est-ce. Soirée de folie, comme tu les aimes, Cédric, comme tu aimes. Des travestis, des putes pour Cédric, tout ça. Des travestis, t'as vu ? On est sur un plan. Ah, dis donc. Bah, Romano, on connaît 2-3, ouais. Après, bah, je les ramène. Ah, bah, c'est nickel, tiens. Et pour moi, ils veulent pas trop voir ta gueule, mais bon. En parlant de travesti, dans un instant, on aura Charlie avec nous en direct, qui allait faire un petit tour au Bois de Boulogne, qui va peut-être y retourner ce soir, je sais pas, mais il voulait témoigner, puis on va le prendre tout de suite. Salut, Charlie. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Tu le fais bien. Mais oui, ouais, kikou les boys and girls. Ouais. Même le salut les filles. Bah oui. Salut les filles. Salut les filles. Salut Charlie. Et bien bienvenue à toi. T'es à Paris, Charlie. Et on t'a déjà entendu dans l'émission. Hein. Ouais. Tu nous avais appelé d'ailleurs parce que tu te posais la question de savoir si t'allais au Bois de Boulogne ou pas. Ouais. C'est quoi si vous vous rappelez? C'est quoi, c'était en début d'année, septembre. Début septembre. Ouais, août, septembre, je sais plus. Et donc, tu nous avais passé un coup de fil, tu tâtais un peu. Et tu te tâtais même fort, Charlie. Et tu te disais, est-ce que je vais aller voir, est-ce que je vais au Bois de Boulogne? Est-ce qu'il y a que des travelots au Bois de Boulogne? Et s'il y a un travelot, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu es allé faire un tour au Bois de Boulogne et tu voulais me faire ton petit débrief ce soir. Ouais, bah, je suis allé hier. Déjà allé avant, parce que moi j'avais eu l'info avant hier. Avant, et je suis retourné hier pour faire un tour avec un pote. C'est devenu sa passion. Donc, depuis que tu nous as eu, combien de fois t'es allé au Bois de Boulogne? Bah, quand je vous ai eu il y a un mois, et je suis retourné hier, deux fois seulement. Donc, t'y es allé deux fois hier, t'as ramené un pote. Ouais. Et donc, non, j'ai rien fait, hein, parce que c'est vrai, c'est un truc de fou. Là-bas, c'est que des travestis, c'est incroyable. Ah, en fait, on t'avait prévenu, Charles. C'est la visite, hein. C'est chez eux là-bas. Ouais, mais je crois que c'est un mythe, tu vois. C'est moi, c'était vrai, en fait. Non, c'est le Bois de Boulogne. Bienvenue, j'ai du gros sein, grosse bitch. Ah ouais, jazz gang. Voilà, arrêtez, m'excite. Voilà, je vais bander. Non, mais a priori, il y a une zone où il y a des vraies putes. Hein. Ah. Pas des vraies putes, des femmes, quoi. Des vraies putes, des femmes. Non, mais des femmes, non, mais c'était pour préciser. Parce qu'au final, les travelots, ils sont prostitués aussi. Hein. Oui, ils sont payés, ouais. Oui. Si Romain des réseaux sociaux, regarde, il te dit que oui, il y va. Ouais, a priori, ouais. Non, j'y vais pas. Mais non, c'est mais la toi, zone, mais. Éclairée. La zone, putain, le mec, il y va pas, mais il connaît tout. Il y va pas, ouais, mais c'est la zone éclairée. C'est pas la zone sombre. Il va dans la zone sombre. C'est juste après le quatrième buisson. Comme chelou, toi. Non, sur la porte de la muette, là, il y en a un peu. Ouais, porte de la muette, ouais. Et porte de fine, c'est. Non, mais moi, j'y allais souvent, mais pas à consommer, hein, pour le En fait, c'est comme le bois de Boulogne. Pour ceux qui connaissent pas le bois de Boulogne, c'est comme un supermarché. Ah, c'est un spectacle. Bah, non, t'as plusieurs rayons. T'as le rayon homme, le rayon travelo, le rayon femme. Ouais, il y a quand même. Non, mais il y a quand même beaucoup de rayons travelo. Hein. Et Romain qui dit un bois de Vincennes aussi. Vincennes, c'est pas mal. Ah, t'as pas fait ça encore, Charlie. Là-bas, ouais, là-bas, c'est vrai aussi. Ouais, je suis allé une fois là-bas. Te trompe pas, il y a le zoo à côté. Hein. Oui. Moi, là, je suis au zoo, moi. Voilà. Bon, excusez-moi, madame la macaque. Il y a Johan qui nous dit à Lille aussi, il y a des travelo. Eh bien, on salue les travelo de partout. De Lille, de Marseille, tu nous avais raconté ça. Ah, bah oui, de partout. Et donc Charlie, t'as rien fait, gros? Non, franchement. Dis-nous à nous, Charlie. Hein. Vas-y, de toute façon, on est qu'entre nous, gros. Non, c'est vrai, moi j'ai rien fait. Une fois, je vais la voir, la meuf. Ouais. Alors, elle me dit quoi, je vais la voir et tout. Elle paraissait bonne un peu. Après, je vais la voir, je sais pas c'est combien. Elle me dit, ouais, c'est 30 euros. C'est 30 euros. Non, j'ai rien fait, t'es fou. Ah, mais quand t'y allais, genre, t'as mis ta capuche pour que personne te reconnaisse? Non, m'en fous, carrément. Non, je suis allé normal. Oui, puis bon. Non, il y a des mecs, ils y vont. Non, moi j'avais tâté les des dessins d'un trans, moi. C'était bien fait? Ils sont comment les dessins d'un trans? Mais t'as bandé ou pas? Ah non. Non, parce qu'en fait, c'était l'histoire, là, quand j'étais avec le mec qui voulait absolument se faire sucer par un travelo. Bon, ouais. Tu parles de Cédric? C'est moi, Romano, c'est moi. Bon, Cédric, mais bon, et si tu veux absolument. Excusez-moi, j'ai rompu le pacte qu'il y avait entre Romano et Cédric. Désolé, Cédric. Tu devais pas le dire, mais bon, désolé, c'est moi qui ai vendu. Non, mais c'était la première année où j'étais à Paris, et j'étais chez un pote, il y a un mec qui arrive, il dit, ouais, vous voulez pas aller au bois de Boulogne, je me ferais bien sucer par une pute. Bon. Et tiens, on lui dit, avec notre pote, on dit, mais non, mais il y a que des mecs. Donc il y va, tu sais, on arrive avec la bagnole, parce qu'en fait, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une route, hein, au milieu d'un bois, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Et là, tu passes, elles sont de chaque côté de la route. Oui, bonjour, ouais. Monsieur Romano, je vous écoute à la radio. Ah, bah, c'est très gentil, madame. Oui, votre ami Cédric, il veut se faire soucher. Oui, les brebis, madame. Oh, je peux le faire soucher, aussi. Ah, il préférerait. Oh, c'est très gentil, je vais lui mettre ma bise dans la bouche. Oh, ouais, vas-y, madame. Ah, ok, je vais lui tapisser la bouche avec mon foot. Et il commence à parler, donc, avec une pute, mais qui était en fait un trans. Donc, opéré. Ouais. Donc, en tout cas, en haut, quoi. Elle avait des seins. Et la meuf, en fait, la meuf mec, mon pote, il a ouvert la vitre. Et en fait, la meuf, elle a déballé les seins, tu sais, genre, ils sont tombés dans la bagnole. Tu les as ramassés, ouais. Hop. Non, mais, tenez, madame. Non, mais c'était ça, tu sais, genre, il a ouvert la vitre et la meuf, normale, elle a baissé son haut, elle a foutu ses seins, fait, ouais, vous voulez toucher. Bon, j'ai touché, c'était gratuit. Hein. Bah, tant qu'à faire, Romano. Et ton pote, il s'est fait sucer. Ouais, il est allé, ouais. Ah, mais il était persuadé que c'était une meuf. Ah, non, mais oui. Non, il savait que c'était un homme, mais il se persuadait dans sa tête qu'il était avec une meuf. Ah, ouais, mais il était content, hein. Il s'était bien fait sucer. Et toi, ton pote, il s'est fait sucer, Charlie, ou pas? Non, même pas, mais lui aussi voulait y aller, mais finalement il a dit non, il est pas allé aussi. Ouais, tu vois, je suis sûr qu'il a pris la voiture après tout seul et qu'il est retourné. Non. Tiens, à Troyes, on nous dit, il y a plein de travelo à la gare. Merci. Ouais. Si on va à la gare de Troyes, on ira faire un petit tour. Merci, on Zozo. On a l'adresse. Zozo, 26 ans. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Les travelo, il y en a partout à Lille, sauf les Renois. Ah, c'est-à-dire que si tu vois une Renois, c'est pas forcément une travelo. Par contre, les autres, c'est Sam Sider qui s'y connaît bien, a priori. La guite, lui, un travelo qui lui a touché les couilles en boîte de nuit. Dis donc. Salut. Ah oui, la guite, 18 ans, tu t'es fait toucher les couilles par un travelo. Ça t'excite, dis donc, mon petit Charlie? Non, c'est bon, un petit rire, tout. Hein? Quand on a dit toucher les couilles, travelo, tout ça. Non, ouais, parce que t'y vas souvent, je trouve, quand même. Depuis que t'as eu téléphone, hein. À Marseille, il y a des travelo au vélodrome, on dit. Demain soir, c'est Soprano et Fred qui seront au vélodrome pour Planète Rap. Dites-lui à Fred et à Soprano. Ah là, ouais. Dites-leur demain, 20h, 21h, Planète Rap en direct de Marseille, en direct du stade Vélodrome. Yes. Magnifique. Demain. Tifou, à Rouen aussi, il y en a. Oui, non, mais il y a des messages de France. Il y en a partout. Chez les Nantais aussi. Bonjour les Nantais qui nous laissent un message. On est Nantais et on peut vous dire que des travelo, il y en a aussi chez nous. Et ben c'est bien noté, les Nantais. Mais oui. Mais oui. Moi aussi, il y a un travelo qui m'a touché les couilles, mais j'étais content. Ah, ça c'est un Parisien. C'est Paco qui vient de nous laisser un message. Paco qui a dû les faire dans le bois de Boulogne, je sais pas quoi. Mais c'était Oran de notre sécu, s'était fait toucher les couilles par un travesti. Oui, une dame homme, tu sais pas comment dire. Hein. Ouais. Travesti. Et on a avec Cédric, la dernière fois on y était allé, pendant l'émission, on avait vu un travelon en train de chier. Très sexy. Accroupi. Mais il venait de se faire enculer, Romano. Contre un arbre. Bah oui, il fallait bien faire, le nettoyage. Tout descendait. Non, mais même pas, mais tu sais, ce qui est hallucinant, c'est que Mais je suis en train de chier. Le mec chiait à la vue de tout le monde. Oui, mais je chie. Oui, j'ai envie de chier. C'est-à-dire que, tu sais, t'as la route, t'as des arbres et t'as un petit passage, tu sais, genre piéton, quoi. Ah ouais, c'est normal. Et le mec, le long du passage piéton, tranquille, tu sais, on passe, il t'a accroupi en train de chier. Moi, je suis en train de chier, ma mère. Moi, je suis en train de chier. Ma race. Ça donne envie de louer ses services, quoi. Ah oui, c'est en fait. C'est super. C'est excitant, t'as envie de baiser après, ouais. Ah bah, c'est clair. Je sais pas qui c'est que ça peut exciter, ça, moi, cette histoire-là. Pas du tout, mais bon, écoutez. Le caca, c'est bon. Un témoignage, excuse-moi Cédric, trop bon. Un témoignage Cédric. Débarre-toi. Voilà, quand il fait caca devant moi, ça me fait tout bizarre. C'est dégueulasse. J'ai le zizi qui frétille. Mais t'avais bandé? Mais t'es malade toi quoi, j'étais dans la voiture pour aller mieux, toi quoi. Mais non, mais là à ce moment-là, on était à pied du con. Mais non, t'es en voiture quand même. Mais non, mais quand on l'a vu chier, on était à pied, on se trimbalait dans les bois, dans le sous-bois. Vous êtes bizarre aussi tous les deux. Ouais. Je dirais même, ils sont pilouches. Ils sont pilouches. Ah, ouais. Mais c'était pas dans l'émission. Ouais. On faisait un reportage un peu comme Bernard de la Villardière. Dans l'émission, un samedi, ouais. Un samedi soir, on faisait l'émission dans notre tête. Bon, et donc, tu vas y retourner, Charlie, ou pas? Comment? Tu vas y retourner au Bois de Boulogne? Bah, kiffe, mais fais-toi sucer, gros. Ouais, avec vous, hein. Quand vous voulez, moi je suis là quand vous venez. Tu veux y aller avec nous? Mais est-ce que tu vas. Ouais, il faudrait qu'on organise une virée, ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas céder à la tentation? Non, jamais de la vie. T'es sûr? Vas-y, ferme les yeux, gros, c'est rien. Non, jamais. Même si je suis bourré, c'est mort. C'est trop, non, c'est mort. C'est trop. Bon, pourquoi il y a Blacko, 18 ans, il dit, moi je baise régulièrement des traves et je kiffe, ce sont les plus cochonnes. Ah, mais bizarre, lui, non. Blacko, du 34, 18 ans. Moi, il l'assume, parce qu'il y a plein de mecs qui l'assument pas. Ouais. Après. Déjà, tous ceux qui y vont et qui disent, non, c'était une meuf. Non, c'était pas une meuf. Il y a un message de Simo, il y a un travelot à Firmini, il a un gros pif. Et voilà. Il y a Clément. Qui nous dit, moi je suis passé devant le bois de Vincennes avec toute ma famille. Clément, il a 14 ans. Un travelot nous a suivis en courant, tout nu. Ça fait bizarre. Ah ouais. C'est sûr que ça fait bizarre. Tu t'imagines, ta mère, tu l'amènes au bois de Boulogne, Romano, quand elle vient te rendre visite à Paris. Et on y est déjà allé. Et alors, elle a vu des travelots? Bah ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle rigolait. Oh le dos du Dieu. Je l'ai emmené un soir. Oh le bon Dieu, regarde. Regarde, il a une grosse zizi, la dame. Oh, il y a des travelots ici. Non, mais c'est, tu sais, Marie, parce que toi, t'as toujours vécu à Paris, mais je sais pas, quand t'arrives à Paris. T'es une parisienne, tu te la pètes. T'as envie de, tu sais, on t'en a. Moi, j'habitais à côté de la rue des Branleurs, déjà, donc. Donc j'ai passé mes soirées, alors bon. Marie, elle habitait en plein milieu du bois de Boulogne. Tu sais, quand tu viens, moi, en tout cas, c'était ça, quand je suis venu à Paris, tu sais, on t'en a tellement parlé du bois de Boulogne que tu te dis, ouais, il faut y aller voir. Faut que j'y aille, ouais. Ouais, faut aller voir. Faut y aller avec sa mère. Et Charlie, ah ouais. Moi, j'y vais souvent. Faut tester. Bon bah écoute, si tu. Non mais faut voir quand est-ce qu'ils y vont. Quand est-ce qu'on y va? Tu vas avec Romano. Bah, on organise ça. Bah on organise ça quand Cédric sera là, ouais. Bon. Donc on attend le retour de Cédric parce que si on va au bois de Boulogne sans lui, il va nous faire une crise. Il va encore faire la gueule à Romano pendant 3 mois. Il va encore faire du boudin donc. Quand on avait mis la photo avec ses seins dessus. Ah ouais. Mais c'est Charlie d'ailleurs qui l'a envoyé tout à l'heure la photo. C'est lui près de lui. Charlie, là ta photo Cédric. Ouais, t'es beau dessus hein. Allez, casse-toi de là, toi. Ouais, tu parles autrement, Cédric. Parle mal, hein, t'as vu, Charlie? Parle mal, Cédric. Hein. T'as craqué, mon pote. Moi, je veux bien à la limite baiser une pute, mais alors baiser un travelot, je pourrais jamais. C'est ce que nous dit Farid sur SMS, 19 ans, dans le 92. Salut à toi, Farid. Céphard, 17 ans, nous dit un travelot, il montre ses seins devant moi régulièrement, un feu rouge. C'est pas mal. Non, ouais, c'est Boulogne, pour un guichet, ouais. Non, mais passer une certaine heure. Limite, ils sont à poil. Ah non, mais ils sont. Ou alors ils ouvrent les manteaux, tu sais, quand tu passes et tout. En plus, des fois, ils caillent sa mère. Ah ouais, mais ils sont à walpé, normal. C'est ouf. Bon, en tout cas, ça doit pas être facile comme boulot, cette histoire, hein, quand même. Ah non, bah c'est spécial. Parce que, je sais pas, tu vois par exemple arriver des gens bizarres qui je sais pas, il y a des gens qui doivent être sales, des gens qui doivent être un petit peu pervers. Salut les filles. Voilà, ça. Ouais, puis il y en a qui font ça longtemps. Hein. Ouais. Imagine Cédric, tu es prostitué, il y a un gars qui arrive, c'est ton sosie, il a ta gueule. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai fait l'amour direct. Gratuit? T'as vraiment des goûts de chiottes. Bah ouais, attends, beau gosse comme ça là, je suis obligé. Beau gosse comme ça, je suis obligé. Comme quoi, il y a Non, mais c'est vrai, Cédric, tu te trouves vraiment beau. Bah ouais, parce que toi, ma gueule. Charlie, il est mort de rire. Romano. Oui. Est-ce que pour attendre une question qui me taraude depuis un long moment, est-ce que pour 10 millions d'euros, Au bain, tu lui laisses l'anus, tu lui manges sa merde et tu lui manges son vomi. Tu te poses des questions sympas, dis donc, Charlie. Ah, t'es pile sympa. Charlie, tu vas aller sucer au bois de Boulogne, je te sens. Toi, t'es en train de vriller là. Non, non, non. En fait, tu vas même pas te faire sucer, tu vas sucer un travelot. Non, non. Alors, Mano. Pour 10 millions. Pour 10 millions. Putain, 10 millions. Ah, 10 millions, je fais tout. Ah ouais, moi je pense que je le fais. Ouais. Eh ben voilà, tu vois, Cédric, Romano a craqué ce soir. C'est le jour de la vérité. Malheureusement, j'ai pas 10 millions pour lui. Dommage. Okay. Ma merde, on s'arrangera plus tard. Heureusement pour toi, Romano. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, non, merci. Mais vas-y, bouffe ma merde, on s'arrangera plus tard. Non, Cédric, t'es fantasme, tu les laisses à la porte. Non, non, c'est toi qu'on parle de ça. Mais t'es un gros sale, Cédric. Moi, je parle de rien. T'es un malade. T'as un problème, Cédric. Ton caca, t'as un problème. Le caca, c'est bon. Bon, là, je vais manger un petit plat, tiens. Oh, j'ai faim. Je vais me servir une petite assiette. Bon, je voulais vous faire écouter un truc. Charlie, reste là parce qu'on a une petite surprise, petite surprise pour Cédric. Je l'ai inscrit à une émission de télé. Alors, je lance un appel à W9. Les amis de W9, si vous nous écoutez, n'hésitez pas. On a le candidat qu'il vous faut. À nous contacter. On a le candidat qui va vous faire monter les audiences, mais grave, grave, grave. Ah, il y a des chances, ouais. Ah, on a la star du programme, Elena, elle est chez nous, exclusivité Skyrock. Oui, en plus, c'est pour l'Access Prime Time, comme ils disent, c'est-à-dire les programmes qui sont avant notre émission, en gros. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que c'est tous les programmes qui luttent les uns contre les autres, sont pratiquement tous à égalité actuellement. Pour faire la différence, W9, embauchez Cédric, je vous le dis. C'est une perle. Je vous assure, vous battrez le quotidien de Yann Barthès, vous battrez TPMP, vous battrez C'est à vous même, c'est à vous. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Peut-être même le 19-20, Bienvenue à l'hôtel, n'oubliez pas les paroles. Tout ça, on a Cédric pour vous et là vous allez faire un carton d'audience. Trouve-moi le numéro de W9 ou d'M6, Samy, tu l'as ? On doit avoir ça quelque part. Ouais. On va récupérer tout ça là. Cédric, donc cette grande surprise, tu vas pouvoir rencontrer des gens intelligents, beaux, sexy. Un peu comme toi quoi. Bah ouais, grave. Non, mais c'est vrai que tu serais pas prêt là-dedans. Ils sont les mecs qui sont dans les ch'tis, les Marseillais, Marie. Tu les trouves tous à peu près beaux gosses, ça va ? Ouais, ouais. Ouais, il y en a qui trouvent pas beaux. Non mais je vois plus trop qui y a. Mais ouais, globalement ouais. Globalement ça va. Globalement. Cédric dedans ça ferait pas tâche. Non, pas du tout, absolument pas. Tiens. Bah non, attends. Non. Allô. W9. Ah. Vous êtes qui? Vous êtes M6. Effectivement. Vous êtes qui vous? Nous on est Skyrock. Comment allez-vous? Eh ben comme un vendredi. Ben non, on est jeudi. C'est un aller fort. Oui, on est jeudi. Hein. C'est un même au standard, hein, W9, ils sont pas en direct. Quoi. Bon, on vous appelait parce qu'on a un bon plan à proposer à la direction de W9. Et on a le truc qu'il vous faut. Alors, allons-y. Ils sont là ou ils sont partis? Ils sont rentrés déjà, non, j'imagine? Ah oui, forcément. Ah, c'est dommage. Parce qu'on a à leur proposer, on a une inscription pour les ch'tis et les Marseillais contre le reste du monde. Ah mais les inscriptions sont closes. Ah non mais là il faut faire quelque chose parce que... Ah mais là faut les rouvrir. On a une star, la star du programme. Exceptionnel. C'est-à-dire que Nabila à l'époque à côté de lui c'était rien. Ah, alors de qui parle-t-on? Ouais, on parle moins bonne. Hein. On parle de Cédric le Belge. Salut les filles. Lui là. En personne. Ami personnel de Mathieu Delormeau et de Jérém Star. Et de Romano. Très beau gosse. Romano, oui. Pour les autres, moins. Non, je parlais de Cédric. Alors, si vous pouvez leur laisser un petit message, genre. Ils bourraient, là. Ils arrivent à quelle heure le matin? Oui. Ah, vers 9-10 heures. Vers 9-10 heures. Non, on finit à 9h10 demain matin. Peut-être qu'on peut leur passer. On essaiera peut-être d'appeler demain, du coup. Peut-être leur passer un petit coup de fil pour les inscriptions, là. Vous faites ce que vous voulez, demain, je suis en week-end, en fait. C'est pour ça qu'on est vendredi. Non, on est jeudi. Mais moi, je suis en week-end demain. Donc... Mais c'est pas grave. Donc, on est jeudi quand même. Si tu veux être vendredi dans ta tête, tu as le droit. Si. Dans ta tête. Non mais c'est vrai. Donc tranquille. Tu transmets ça. Tu transmets ça à la direction de. T'es dans le futur. Oui c'est vrai. À la direction de W9. Cédric le Belge veut participer au ch'ti au Marseillais contre le reste du monde. Très bien. Très bien. Tu oublies pas. Hein. C'est merci. Bon, hein. L'audience de W9 te remercie d'avance. Et on est jeudi. Passage. On est vendredi dans sa tête. Allez, c'est le vendredi. T'es sympa. Merci, monsieur M6. Ouais. Bon courage. En tout cas, c'est monsieur M6. Rajoutez ça. Monsieur M6. Oui, c'est pour lui. W9. Hein. Il est bizarre, il sait pas quel jour on est. Il est paumé. Il dit Tiffany sur SMS. C'est clair. Il est bourré. Non, il est peut-être pas bourré. Il veut être vendredi. Laissez-lui tranquille. Bah oui. Hein. Bah oui. Bon, Cédric, tu vas rencontrer peut-être Manon. Tiens, écoute bien Manon. Là, j'ai des mondes. Non, c'est qu'un ami. C'est que si, c'est que ça. Et mon œil, c'est du poulet. Et mon œil, c'est du poulet. Bien sûr. Alors que la vraie expression, Cédric, est... C'est mon cul, c'est du poulet. Bien joué. Bravo, Cédric. Cédric, c'est bien, mais ça te fait un entraînement, parce que lundi soir, il y aura le grand jeu. Question pour un gros con. qui opposera. Tu rigoles, Karim, mais qui opposera. Qui opposera d'un côté Karim. Oui. Et de l'autre, Cédric. Ce qui permettra de déterminer qui est le plus con de l'équipe. Qui est le gros con de l'équipe. Exactement. Mais il est bien le titre, question pour un gros con. Il est bien le jeu, ouais, c'est bien. Non, mais là, ça va être une organisation de dingue. Là, on est en train de récupérer des buzzers, tout ça. Ah, il y a la totale. Vous êtes sérieux? Ah, non, mais c'est un truc officiel. Ouais, ouais. C'est qui fait Julien Lepers? C'est toi. Et tu feras je suis, si vous voulez. Bon, donc lundi, ça fait partie de tes surprises pour ton grand retour, Cédric. C'est gentil, merci. Il y a le câble HDMI de la PS4 qui nous dit: je peux vous préparer des questions pour le jeu? Vas-y, envoie romano@carole.com. De toute façon, vous savez, l'émission on la fait ensemble, hein. Plus vous en faites, moins on en fait. Ouais. Mieux on se porte. Ah ouais, si vous pouvez faire. Quelqu'un pourrait venir à ma place pour finir l'émission là? Du caca? Quelqu'un peut faire le standard? Ouais, tiens, si vous avez des idées de questions, envoyez. Difool@carrock.com. Bon, envoyé à difool@carrock.com. Il est sympa, ce Difool. Je te présente également Jessica. Moi, Jessica, je l'aime bien parce qu'elle est toute bête. Ouais, elle est gentille, elle est marrante. Elle assume. Alors, Jessica, qui fait de la cuisine, Cédric, une émission où il y a de la cuisine, c'est parfait pour toi. Pour toi, ça. Ah ouais, écoute. Bah oui. Un Saint-Bernard, non, un Thierry l'Ermite. Mais non. Mauvaise réponse. Alors, pourquoi elle dit un Thierry l'Ermite, Cédric? Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est pas pour le dîner de con. Non, c'est pas pour un dîner. Ouais, si, quand ils mangent, c'est un dîner de con, oui, parce que sinon, oui, c'est vrai, oui. Non, Cédric. Écoute bien, Cédric. Réfléchis. Écoute. C'est grand, on dirait un œil, mais je suis pas sûre, parce que ça n'existe pas, un crustacé œil. Donc, ça peut pas être ça. Ils mangent des. Crustacés, Cédric. Tu sais pas ce que c'est. Bernard l'Ermite, non, peut-être. Bien joué. Non, c'est Thierry l'Ermite. Thierry l'Ermite. Voilà, Thierry l'Ermite. Mais le problème que je connais pas, c'est les marques des poissons et tout. Non, si c'est des poissons différents, je connais pas les marques, mais ils ont tous le même. Les noms, c'est des fruits de mer, c'est pas des poissons, Jessica, c'est rien à voir. Les fruits de mer, c'est que. Fruits de mer, c'est des fruits de mer, ça va être moule. Thierry l'Ermite. Thierry l'Ermite. Ok, des trucs comme ça. Mais Thierry l'Ermite, j'ai jamais goûté, par contre. Non, mais personne, parce que. Non, mais ça n'existe pas. À la limite, sa femme a dû le goûter, Thierry l'Ermite. Ses ex aussi ont. Non, mais ce qui est terrible, c'est que. C'est un Bernard l'Ermite, c'est un crustacé. Exactement. Au début, là, le son que t'as passé avant, au début, elle dit quand même c'est un Saint-Bernard. Oui, c'est un Saint-Bernard. Et pour elle, une moule, c'est un poisson. Ouais, tout est normal. Une huître aussi. Non, elle fait pas exprès. Tiens, Cédric, une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire, un continent? Facile. Voilà, les États-Unis, c'est un continent. Ah, ouais. Mais non, un continent, c'est qui je suis tout le temps, non? Ouais, tu peux être un continent de rectal, je pense. Ouais, pas que. C'est du pipi. C'est qui pisse tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu peux pas trop te tenir. Bon, accepté, on va dire. Bravo, Cédric. Ouais. Bah, écoute, Cédric, je te l'annonce, t'es moins con de Capucine à Nave. Ah bah c'est gentil. Parce que ce soir, en fait, il parlait d'incontinence, que c'était Isabelle Morini-Bosque, la mamie là. On a changé de scène, on est sur D8, C8. Ouais. Et du coup, après, elle parlait d'incontinence. Et l'autre, elle a fait: c'est quoi un continent? Donc tu vois, Cédric, t'es moins con qu'elle. Non, mais putain. Après, on a tous des mots. Ouais, non, mais c'est vrai, oui, aussi. Des mots qu'on connaît pas. Eux, par contre, c'est tout le dictionnaire qui connaissent pas. Hein. Moi aussi, il y en a plein des mots que je connais pas. Parce que le Bernard l'Ermite, tu connaissais pas, toi? Non, moi je connaissais Thierry l'Ermite. Oui, mais tu vois le coquillage, tu l'appelles pas Saint-Bernard, quoi. Ah non, c'est un coquillage, gros, mais. Oui, tu vas pas dire, tiens, c'est un caniche. Ah bah non, c'est un ange. Et une moule, c'est pas un poisson. Bah non, c'est un crustacé. Aime bien jouer, Cédric, mais tu es très fort. Tu es fort, Cédric. C'est un coquillage. Non, c'est pas un coquillage. C'est pareil. Si. C'est un fruit de mer. Hein. Coquillage. C'est un coquillage, d'ailleurs, ouais. Bah, crustacé, voilà. C'est genre les crevettes. Exactement. Voilà. Ah ouais, les man. Vous voyez qu'on a beau se moquer, on est cons, nous aussi. Hein, mais non. Donc, Cédric, l'inscription, t'as entendu, ça s'est fait en direct, c'est lancé. Génial. T'es content? Ah bah il a l'air. Et ouais, Cédric, peut-être bientôt à la télé. Son beau rire. Ouais, c'est le but de ma vie. Faites un hashtag Cédric sur W9. Mais non, laisse-moi tranquille. C'est Samy, vous voulez faire Koh-Lanta. Cédric, chez les ch'tis. Lâche-moi le belge, ou alors suce-moi, fais un truc, gros. Koh-Lanta, c'est moins honteux que ça. Ouais, voilà. Ah non, mais Koh-Lanta, ça va. Tu t'es fait caler de Koh-Lanta. Mais c'est le seul truc que j'aimerais faire, Koh-Lanta. Mais c'est truc. T'as essayé que. Non, mais là, il va avoir des inscriptions, je pense. Là. Tu vas te réinscrire. Ça passe en ce moment. Ouais, je me réinscris. Allez, on fera un appel à TF1 pour que tu sois pas jaloux. Chaque année, je me réinscris. On appellera TF1, on dira embaucher Samy et on va faire un appel audience. Ouais, vous allez voir. Ça, et les moules, c'est des mollusques. Ah, et les moules, c'est des mollusques. Vous voyez, hein, on se fout de la gueule des ch'tis, des Marseillais. Alors qu'ils sont quand même très intelligents. Vous avez entendu, hein. Écoutez, Jessica. Lui, il a peur du vertige depuis tout le temps. Il a peur du vertige. T'as peur du vertige. Ah bah non, ouais. Tu as le vertige. Tu n'as pas peur du vertige. Tu as peur du haut. Jessica, elle est super, elle. Bah, je laisse, mais un peu sur le côté, il me laisse discuter avec Manon. C'est peut-être le moment de mettre les barres sur les lits, les barres sur les lits. Oui. Mettez une barre sur un i, hein, et un point sur un t. C'est bizarre. Ouais. Elle est comme ça. Et pour finir. Qu'est-ce que je vois ? Kevin t'embrasse Fidji. Oh là là, c'est la cerise sur le pompon. Il manquait plus que ça. C'est la cerise. La cerise sur le pompon, c'est bien connu. Et oui, Cédric, on dit quoi ? La cerise. Mais où ? Sur le gâteau. Ah, eh ouais, pas con. Bravo, bravo. Oh là, la pêche. Non, mais bon, t'écoutes, t'as le niveau. Moi, je t'embauche. Non, mais c'est bon, Cédric, t'es pris. Les ch'tis, les Marseillais, c'est pour toi. Bon, merci en tout cas, Charlie, hein, pour le coup de fil. Tu le veux, toi aussi, dans les ch'tis, les Marseillais, sur W9, Cédric ? Comment ? Non, bah, obligé. Ah, tu le veux, hein. Tu vois, Cédric, tout le monde te veut, hein. Vas-y, Cédric. Ouais, ouais, j'entends ça. Et c'est vrai que. Je te parle pas du nombre de messages qu'on est en train de recevoir depuis tout à l'heure. Le téton gauche du Belge. Ouais, voilà, con. À Koh-Lanta, Cédric, il est avantagé, il peut manger son caca. C'est vrai, toi, t'as même pas besoin de chercher à bouffer, quoi. T'en as c'est vrai. Les autres, ils vont galérer à chercher des fruits, des trucs. Ouais, enfin, si tu manges pas, tu fais pas caca. Voilà, bah, moi, je vais manger ma crotte. Quelqu'un veut un bout. Non, c'est gentil, Cédric. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, Charlie, tu nous tiens au courant, t'es viré au bois de Boulogne. On en reparle quand tu veux. On s'organise. Et on s'organise la prochaine fois, tu viendras avec nous. Allez. On se fait une petite virée ensemble au bois de Boulogne. Et on va écouter Bruno Mars tout de suite. Le nouveau Bruno Mars, c'est juste après sur Sky. C'est, bah oui, le problème du mois. On attaque le problème du mois de ce jeudi. Ouais. Les 5 problèmes du mois sélectionnés par Romano en live et spécialement pour nous. C'est parti, juste après le son de Bruno Mars, le nouveau qu'on vous a présenté dans le morning la semaine dernière. Et ouais, on a découvert le matin sur Sky 24K Magic. Bruno Mars. Dans le morning de Difool sur Skyrock, on t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée ? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo ! C'est gagné, Fabien. Ouais, Fabien. Bravo, Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où ? Dans une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. Une de les 200 €, n'en parle plus. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est soprano. C'est qui le soprano ? Soprambaba. Non mais vous êtes un des tranquilles ou quoi alors ? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui ? Sortir avec Romano ? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le morning de Difool tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Avant toute chose, question basique, qu'est-ce que le service civique, Monsieur Blanc ? Comment nous l'expliquer le plus simplement possible ? Le service civique, c'est une mission qui peut durer entre 6 et 12 mois, qui est effectuée par un jeune volontaire qui a entre 16 et 25 ans. Cette mission, elle doit porter sur un projet d'intérêt général. Elle peut se dérouler dans une administration, un établissement public, une collectivité locale ou une association. Pendant cette mission, il touche une indemnité de 577 € par mois et il a toute la couverture sociale. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. Tic-tac-tic, c'est l'horloge biologique qui s'emballe. Parents, au 71-777, quand aurez-vous un bébé ? Très bientôt ? Pas tout de suite ? Parents, P-A-R-E-N-T, au 71-777. Nos experts vous diront quand, vous diront combien. Un bébé ? Votre enfant ? Parents, au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Eux sont les caïds d'une cité. Ouais, je suis con, l'ambiance. Lui est un sans-abri. Un clochard, frère. Tous les opposent. Un jeu va les réunir. C'est marrant, votre jeu. Vous jouez ? La pièce. Les derniers seront les premiers. Avec Dawala, Dry, Black M, Thibaut Viel, Fabi Gerba et Tonio Life. Que t'en as une de pièce. La pièce, les derniers seront les premiers. La partie commence actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Concert. Skyrock. Hoche, écoute, hoche, la tête s'y accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part. Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. En concert avec Skyrock, 22 novembre, Zénith de Paris. Brûle, Babylone, brûle. Toutes les infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Il y a un concert à gagner tout à l'heure, c'est le concert de Jul. On vous l'offrira tout à l'heure avant minuit. Jul sur Skyrock. Et attention. Ici, tu peux tout dire et tu peux tout faire. What the fuck? 21h, minuit, la radio libre de Difool sur Skyrock. Ouais, et grosse nouveauté, le nouveau Bruno Mars tout de suite sur Skyrock. 24K Magic. Players! Skyrock, c'est le nouveau Bruno Mars, 24K Magic. Difool, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et merci d'être avec nous tous les soirs. Dès qu'il se passe quelque chose près de chez vous, vous nous appelez, vous nous faites signe, vous nous dites si vous avez un truc à nous raconter, qui s'est passé dans votre vie à vous, ça nous intéresse aussi. Et si vous avez besoin d'un coup de main, vous n'hésitez pas. Pareil, 01 53 40 30 20. Difool. Oui, ouais, Romano. Super. On est en train de te voler de l'argent. Aïe. Ah ouais, putain. Il est au Karim. Hey, hey. Salope, toi. Merci Romano, merci d'avoir. Comment, on peut tout voler en fait. De rien, Difool. Je prends ton argent, je vais acheter un café, ouais. T'en veux un? Ah ouais, bah j'en veux un aussi. Merci Karim, c'est très gentil. Et Karim, tu m'en prends un. Ils sont sympas dans l'équipe, vous avez vu. Macchiato sucré. Ouais, super, c'est toi qui payes. Bon, ils sont tous là. Hein. Cédric au téléphone en direct avec nous. Marie au téléphone en direct avec vous. Exact. Samy au téléphone en direct avec je sais pas qui, mais là quelqu'un en ligne. C'est ça, ben je rappelle des gens qui laissent des messages. Très bien, laissez vos messages. 41759 et sur la piste Skyrock aussi. Juste hein. Charlotte, problème de dispute à cause du téléphone. Donc bon, tu vas nous expliquer, Charlotte. Ah, bah ça, le téléphone, oui, c'est. Source d'embrouille. J'imagine que dans la famille, vous êtes sûrement, c'est obligé, pris la tête à cause du téléphone. Moi, même mes parents sont pris la tête à cause du téléphone. C'est pour vous dire. De quoi, un téléphone portable? Bah oui, oui. Où il y a un truc qui marche pas, où mon père regarde le téléphone et ma mère, elle a pas envie qu'il le regarde. Enfin bon, c'est. Les téléphones, c'est source de prise de tête. Ah oui, oui, non, mais moi aussi. Ah bah, dans les coupes, c'est la même chose. Ah, la dernière fois, il y a eu l'embrouille parce que mon père, en fait, a voulu décrocher, mais il a des grosses mains. Ah. Et sur l'écran tactile, je sais pas comment il s'est démerdé, mais il l'a fait tomber par terre, ça a décroché. Mmh. Mais ma mère, elle lui a hurlé dessus. Ah oui, t'es trop con! Je t'avais dit de pas y toucher, tu sais pas t'en servir de toute façon. Ouais, c'est ça. Bon, on verra sur. C'est Charlotte, c'est ça que tu veux rappeler? Ouais. Ouais. On verra pour Charlotte là. Bon, le problème du mois, tu vas y aller, Romano. Juste avant, on va faire un petit tour du côté de l'Hérault. On a Maxime dans l'Hérault. Ouais. L'Hérault, il pleut. Ah, il pleut, mais grave. Ouais. Salut Maxime. Salut Maxime. Salut. Merci. Salut, beaucoup. C'est toi qui nous envoies la photo? Non, pas du tout. Ah, il faut. Est-ce qu'il y en avait un autre là? Parce que lui, il est inondé. Bon, je sais pas toi. Ouais, on a reçu des photos depuis l'émission. T'as vu qui toi? Attends, il faudrait que je revienne en arrière. Vas-y, reviens en arrière sur les photos. Bon courage, parce qu'est-ce qu'on a reçu ce soir, ça va pas être simple. Et lui, il y avait carrément de la flotte dans sa chambre, quoi. Ouais. Il s'envoyait une photo, il avait tout bâché, tout ça. Toi, t'es à Montpellier même, Maxime? Non, à côté, mais c'est la merde aussi. Ouais, c'est pareil, mais c'est toute la région. C'est quoi? C'est Montpellier, c'est même. J'ai vu dans l'Aveyron, ouais, aussi, dans l'Aude, du côté de Carcassonne, pareil. Tiens, c'est Matt0634. Oui. Matt 0634 18 ans. Putain, ouais, c'est tout inondé chez toi, Matt, dis donc. Ah, il habite à 7. Tiens, bah, essayez peut-être de l'appeler. Ouais, du côté de 7 aussi, ça inonde, ouais. Et donc, il pleut depuis quand? Depuis ce matin, Maxime? Ouais, depuis hier, aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, bah, ouais. Et en plus, il paraît que c'est pas fini, ça va continuer toute la nuit. Ouais, j'ai des alertes là. Donc. Ouais. Mais t'habites quoi, en maison? Non, maison, mais j'ai déjà le jardin qui est tout inondé là. Ah, mais t'as l'impression que ça va rentrer chez toi ou pas? Non, quand même, j'ai un petit étage entre eux, tranquille. Ah, c'est vrai que si t'habites sur les étages, t'es quand même mieux, ouais. Ouais. Après, si t'as une maison, t'as forcément un rez-de-chaussée aussi. Bah, pour rentrer chez toi, ouais. Et là, tu sors plus, comment ça, toi, tu fais quoi? T'as 20 ans, tu bosses? Obligé d'aller bosser, hein. J'ai pas le choix. Ah, tu vas bosser quand même, parce qu'ils ont dit, il fallait pas se déplacer, puis demain, y a pas de bahut encore dans l'Hérault. Et ouais, mais là, non, moi, je bosse, là, je travaille et tout, donc là, j'ai pas le choix, quoi. Le patron, il va dire non. Sinon. Et pour Carlson, ce n'est pas du tout l'ouragan Matthew. Non, c'est pas pareil. Ouais. Il est pas venu nous voir, l'ouragan Matthew. C'est aux States, ça. Il est décédé aux States. Et dans les Caraïbes. Ouais, il est fini, là. Il est terminé. Heureusement, parce que là-bas aussi, ça a été violent. Ils ont morflé. Mais vous, c'est tous les ans, hein, que c'est inondé chez vous, à Montpellier. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, ouais. C'est un truc de fou, ça, quand même. Mais ça a tout le temps été comme ça, ou alors c'est comme ça à cause des, je sais pas, à cause des constructions, des routes, des trucs qui n'étaient pas faits dans les normes? Non, bah, c'est historique. Non, je sais pas, ouais, moi, depuis que je suis petit, j'ai connu ça, c'est la même période, à partir de l'automne, tout ça, et ça plombe à un moment. Il y a le Gorée, 17 ans, il dit, merci, le réchauffement climatique, donc ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique pour toi. Non, je pense pas. Non, mais c'est surtout, il y a des constructions qui ont été mal faites, donc ça gêne le cours des. Ouais, mais j'avais entendu parler de ça, ouais. Ouais, il y a ça, et aussi. Ouais. Et il y a aussi, tu sais, dans les prés, il y a plein de prés, en fait, ils ont enlevé tous les petits. Avant, il y avait des petits buissons, des trucs, tu sais, pour séparer les propriétés, et ça, ils ont tout viré, et à l'époque, ça retenait l'eau avec les racines et tout ça. Ah, donc maintenant, L'eau, elle file, et donc, s'il suffit qu'il y ait un petit village ou une ville à côté, et se prend tout sur la gueule, quoi. Tu ramasses toute l'eau sur la gueule. Ouais. Et là, mais quand on dit il pleut, c'est quoi? C'est genre tu sors dehors, t'es mouillé en. Il pleut, merde. Ah ouais, t'es mouillé en 10 secondes, même pas. Ouais, c'est rapide. Il pleut, berger. C'est ça, Marie. Héron, tiens, je suis allé prendre le tram à la nage tout à l'heure, nous dit Aliane. Si vous êtes dans le 34, dans le 10 aussi, et puis c'est l'Aveyron aussi, c'est qui en alerte, je crois. Il n'y a pas le 30 pour une fois. Parce que le gare, vous êtes pas très loin, le gare. Vous devez avoir un temps de merde, vous aussi. Hein. Donc, c'est bien fait pour eux. Ils ont pas du gare aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est la guerre entre Montpellier et Nîmes. J'avais oublié que c'était la guerre. Allez. Eh bien aujourd'hui, pas de jaloux. Non, je crois que c'est moins violent du côté du gare, mais il doit pleuvoir aussi grave. Dites-nous si vous êtes du côté de Nîmes, de LS. Ouais, c'est régulier. Ouais, vous nous faites signe. Et toi, t'as l'impression que tu pourras bosser demain, ou alors que ça risque d'être inondé, tu pourras pas bouger? Je sais pas, sincèrement, je sais pas, on verra demain. Mais tu bosses dans quoi, toi? Mais dans l'immobilier. Ah ouais? L'immobilier, on vend des terrains. Ah bah c'est con. Ouais. Là, tu ah merde. Ah bah, je vais vous rendre une piscine aujourd'hui. Voilà, venez visiter le terrain. On la transforme en lac. Ouais, c'est pas mal ça. Pour vous baigner dedans, c'est pas mal. Ah mais tu peux rouler quand même en voiture ou pas? C'est déconseillé. Non, c'est praticable encore, mais bon, c'est un peu chaud. Mais il y a des routes qui sont. Non, mais il y a des endroits qui sont. Ouais, des routes qui sont déjà coupées. Armand 22 nous dit en Bretagne, il fait beau. À Nîmes, il pleut aussi depuis ce matin. Mais c'est tu vois, que... regarde, le message de Shaina sur SMS. On a vu la carte de la météo, là, tout à l'heure. On regardait avec Samy, c'est hallucinant. C'est vrai qu'il fait beau, juste, Bretagne et un petit peu la Vendée. Et tout le reste, c'est gris. Ah ouais, c'est gris, il pleut. Vous voyez, il pleut pas en Bretagne. Allez, les Bretons, c'est les vous déchirer. Pour une fois, le seul endroit où il pleut pas, c'est la Bretagne. C'est hallucinant. C'est quand même un truc de fou. Ça touche aussi le Tarn, nous dit Micmac, là, sur SMS. Moi, j'ai chopé la crève ce matin. Encore? Mais tu vas nous faire chier combien de temps? J'ai pas été malade depuis ma tendinite, trop. Non, tu nous as fait chier. Non, t'as eu des trucs. Si, t'as été malade, on a tous eu la crève. Mais c'est vrai, il fait froid. Bah oui, mais bon, non, on se plaint, t'as toi. Qu'à t'habiller. On se plaint, oui, c'est vrai que je sors en. Il sort en pull. Comme dirait Cédric, méta dudune. Méta dudune. On a des manteaux et tout, bah, lui, il est en pull. Méta dudune, ma gueule. Ouais, parce que moi, je sais vivre à la dure, ouais. Bah ouais, comme ça, t'es malade. Tu te plains après. Est-ce que vous avez déjà eu subi une catastrophe naturelle, quelqu'un dans l'équipe, non? Non, moi j'ai vécu un tremblement de terre, moi. Ouais, moi aussi. Bah, j'ai vu les. C'est une catastrophe naturelle. Non, mais c'était pas un gros tremblement de terre, j'étais. Il y en a eu un la semaine dernière à Nice. Ah ouais, Nice, ouais, Monaco. Ouais. Ah, Nice, ça tremble souvent là-bas. Si, si, on a eu un petit. Ouais, ma sœur a vécu le gros là, qu'on a. C'est le dernier, je sais pas. Ah ouais, c'était il y a peut-être 2 ans. Oh là, il y a un tremblement de terre. Je n'ai pas. C'était oh là, ça tremble. Non, mais c'était pendant l'émission. Ma sœur, elle avait flippé. Non, mais t'étais bourré, Marie. Ça a pas tremblé ici. Hein. Non, à Nice, je te parle. À Nice. Oui. Je suis avec Marie, tu sais que ça avait tremblé dans le studio, mais là c'était. Non, mais pas dans le studio. C'était raide mort. Mais c'était pendant l'émission, le tremblement de terre. Ouais, je me rappelle, on en avait parlé, ouais. Ma sœur était, mais. Bon, Évreux, il pleut pas, mais il caille grave le matin. Je suis à Marseille, ça souffle très fort, on a grave du vent. La bonne couille qui nous envoie un message. Moi, je sors en t-shirt quand il neige, très bien, Tristan. Mais fais très attention parce que tu vas choper la crève, mon Tristan. Ça va, toi? Oui, faut être attention. Le beau gosse s'est chopé la crève, lui aussi. Bah écoute, bienvenue au club. Salut, beau gosse. Et non mais ça dépend de sortir en t-shirt parce que je vois mon père par exemple. Il sort en t-shirt, il est jamais malade. Non mais c'est pas, ouais bon il sort pas, tu vois, ma mère elle lui dit arrête un peu, mais genre là cette période, tu vois, il va fumer sa clope dehors, mais genre il est en t-shirt quoi. Bah, alors il fait je sais pas 2 degrés quoi. Et il tombe pas malade. Non. C'est ouf ça quand même. Ah, putain, ouais, il est rodé quoi, il a l'habitude. Ouais. Bah je pense parce que c'est l'habitude, les anticorps de toute façon. Et c'est comme les mecs qui bossent dehors, hein. Je pense que les mecs qui bossent dehors, au final, ils sont moins malades que... Ils sont plus solides que nous. Ouais, c'est logique. Ouais. T'as jamais vu des reportages, genre, tu sais, que ce soit les Esquimaux ou en Mongolie, des trucs comme ça, où il fait genre moins 40. Tu sais, t'as le mec qui fait le reportage, il est dans des espèces de vestes. Il a 10 doudounes l'une sur l'autre. Et t'as le mec qui sort de l'Esquimaux, il sort de sa tente normale, tu sais, petit t-shirt à manches longues. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu sais, c'est les mecs qui sont rodés là-bas, en fait. T'as Amandine, elle a vécu les inondations en 98. T'as Théo de Montpellier, tiens, du 34, qui nous laisse un message. Salut Théo de Montpellier, qui lui dit que l'année dernière ça a été inondé chez sa grand-mère, c'était tout mouillé chez nous. On a connu les inondations de Paris, nous. C'est vrai. Inondations de Paris, bah, cette année là. En juin. Il y a quand même des apparts qui ont pris la flotte et tout. Hein. Ouais, et puis la tempête là où tout était. Moi, ma mère s'était pris une cheminée dans la voiture et tout ça. Là. Non, mais il y a pas la grosse tempête à Paris. Ça, c'était avant 2000. Moi, j'étais pas né, Marie. Ah non, on n'était pas né, Marie. Non, c'était pas avant 2000. Ah, avant 2000. Si, c'était avant 2000. Si, je crois que c'était 99. Ah ouais. T'es pas une Millenniums? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est ceux qui sont nés après 2000. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les milléniums. Bah, non. Ouais, bon, bah, bon courage, en tout cas, Maxime. Bon courage à ceux qui nous écoutent. Merci pour les messages, hein. La radio, ça marche encore à Montpellier. Ben, voilà, une bonne nouvelle. Tant mieux. Puis, restez chez vous. Si vous pouvez rester chez vous à Montpellier, c'est ce qu'on vous conseille, Il vaut mieux faire gaffe, ouais. C'est à chaque fois, tu sais, il y a des gens qui se trouvent coincés et tout, en bagnole. La bagnole, elle est emportée. Ah, bah, t'as pas l'air. T'as vu des maisons inondées, toi, Maxime? Toi, t'as dit que c'était pas inondé chez toi, sauf dans le jardin, ou ça commence à... Ça commence à monter, Non, autour de chez moi, il y en a déjà qui sont en galère, ouais. Ils ont mis les sacs et tout à l'entrée, pour que ça monte, mais bon. Mais les sacs, ça sert à rien, parce que quand t'as l'eau qui monte, l'eau, elle passe, ça bloque un peu, et après, ça lâche, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et à Nîmes, on nous dit que c'est moins violent que du côté de Montpellier, là aussi. Bon, bah, tant mieux, hein. Dans les messages que vous nous laissez, là. Ça arrive tellement souvent, aussi. Tiens, il y a Laura du 91, qui a été inondée l'année dernière. Ah bah, c'était peut-être pendant les inondations de Paris, parce que dans le 91, c'était toute l'Île-de-France, ouais. C'était dans. Et puis, il y avait même en Bourgogne, il y avait des villages qui était inondé. Ah ouais, plus de vignes. Et il répond pas à Mano là, Malo? Non, Matt, non. Bah, quoi, vous l'appelez Matt? C'était inondé. Envoyez-nous vos numéros là. Et à Alès, c'est le déluge depuis 19h. Ah ouais, bon bah voilà. Ah, dans le même coin. Hein. Sinon, j'avais connu moi les gros incendies qu'il y avait dans le sud là, il y a bloqué sans électricité. Ah ouais, ils avaient coupé ça, c'était ouf. Ah ouais, bah il y avait plus rien. T'as encore du courant toi, Maxime? Ouais, toujours. Et la dernière fois, quand il y a des grosses inondations, ils t'ont déjà coupé le courant, t'es retrouvé sans rien? Non, pas le courant, mais c'est souvent le réseau ou la télé quoi qu'on capte pas. Après l'électricité, ça marche. Mais bon, ça dépend. Tu dois être dans une zone pas trop à risque toi en fait. Non, mais ça dépend. L'électricité chez toi, il y a des poteaux électriques ou c'est dans le sol? Non, il y a des poteaux. Ouais, bah donc c'est pour ça. Parce que quand c'est dans le sol, ça inonde l'électricité, il coupe. Ouais, alors que quand c'est à hauteur. Bon. Et donc Romano, t'as vécu sans électricité comme un homme préhistorique? Ouais, pendant 10 minutes. Non, pas 10 minutes. Ça a été super long. Hein. Ils avaient coupé, je crois, vers 18-19h. Ils ont dû remettre le lendemain matin. Ouais. Imaginez. En fait, il y a tout qui cramait. Et le problème qu'il y a, c'est que la forêt qui cramait, là, c'était... comment ça s'appelait? Le massif des morts, là, dans le Var. Qui porte bien son nom. C'est ouais, mort, mais M-A-U-R-E-S. Ouais, hein. Les morts. Et le problème, c'est que les lignes à haute tension pour alimenter les villes de la côte, elles passent par ces. Et là, ils sont obligés de couper, ouais. Donc, ils ont coupé tout le courant. Imaginez vivre sans électricité. Mais déjà, on pourrait pas faire l'émission. Ah ouais, bah déjà, je peux te dire que dans le sud, ils faisaient la gueule parce que tous les restos. Mais l'électricité, c'est tout. T'as plus de réfrigérateur, t'as plus d'électricité. T'as plus de. Ah, mais t'as plus rien. T'as plus rien. Bah, par exemple, tu peux plus recharger tes téléphones. Bah, si t'es équipé, si, mais si t'es pas équipé, c'est. Moi, le truc à la con, tu sais, j'avais pas de thunes. Étonnant. Oui. Je n'avais pas de liquide. C'est bizarre, ça. Bah, les contributeurs, ils sont foutus, là. Bah, en fait, sans électricité, il n'y a plus rien. Est-ce que l'eau elle marche s'il y a pas d'électricité? Ouais. Ah ouais, oui, ça marche aussi, il y avait de l'eau. Bah bien sûr. Mais par contre, ouais, mais du coup, elle est pas filtrée, machin, et tout ça doit être chelou ce truc là. Non mais après, je pense que les trucs. Il y a des réserves, mais quand les réserves. Non mais les trucs, tu sais, importants. Par exemple, les hôpitaux, tu vois, c'est sécurisé. Ah non, mais ils ont des groupes électrogènes. Ouais, je pense que sur les trucs d'épuration, tout ça, ils sont quand même. Ça doit être équipé de manière à ce que quand il y a une coupure, il y a un truc qui prend. Comme nous, on a un groupe électrogène, ça nous était arrivé une fois. Sky, ouais. Ouais, c'est bien, on en a un, mais il démarre jamais. On a eu. Il démarre 10 minutes après. Le mec qui allait chercher des bouteilles de gasoil. Bien sûr, c'est vrai. À l'ancienne. Quand on a une coupure de courant aussi, parce qu'on a eu aussi des coupures de courant. Ouais. C'est arrivé, mais il y en a une. C'est pas hier matin qu'il y a eu un problème. Non, c'est une panne. Hier matin. Ah, une panne. Ah, c'est autre chose. Il n'y a plus d'essence dans le coup. Non, parce que le mec s'est arrêté de pédaler en bas. Il en pouvait plus. Non, parce que j'ai appelé le service technique de Skyrock. C'est la panique. Ah ouais, t'es en panique. Il me fait. Ah non, mais là, je peux pas. Il me fait. On a eu une coupure réseau totale. Il fait. Il y a des bécanes qui ont cramé là dans les. C'est la galère. Bon, bah, en tout cas, Maxime, bon courage à toi. Ouais, bah, merci. Du coup, je peux passer une petite dédicace. Et sois prudent. Vas-y. Ouais, bon, mais je passe une petite dédicace à l'agneau, Bobo, Bibo, Riccio, et une petite dédicace au Hit aussi, qui a brûlé il y a pas longtemps. Eh ben, c'est quoi, c'est une boîte? Ah, c'est une boîte de nuit, ouais. Ouais, c'est une boîte, ouais, qui a brûlé il y a pas longtemps. Du coup, on est un petit peu naufragé, ça aussi, on sait plus quoi faire. Ah, vous savez plus sortir. Bah, il y a d'autres boîtes, quand même, à Montpellier. Et c'est comment, ouais, c'est criminel? C'est criminel ou pas? Ah, oui, les boîtes qui brûlent. C'est pareil, ouais. Bah, en général, c'est ça, hein, c'est la mafia qui fait payer les boîtes qui veulent pas payer, pfft, elles brûlent. Parce que la mafia, ils viennent te voir et te disent, oh, bah, attends, je vais te protéger, parce que, méfie-toi, ta boîte, elle va brûler si je te protège pas. Ouais, c'est ça. C'est clair. La menace. Bah, ah, bah, de toute façon, les boîtes de nuit, oui, c'est pas le milieu le plus sain au monde. Eh bien, salut le Hit. Salut à toi, Maxime. Merci. Ciao, du coup. Ciao, Maxime. Bon courage. Mais c'est vrai, on parle de l'électricité, mais imaginez tout ce qu'on n'aurait pas. On n'aura plus Internet, il n'y aura plus la télé, il n'y aura plus la radio, il n'y aura plus de réfrigérateur. Ah non, c'est la merde. Il n'y aura plus de lumière, on s'éclairera à la bougie. Ça serait romantique. C'est ce qu'on avait fait, hein. Tu t'étais éclairé à la bougie. Bah ouais. T'es obligé. Et le chien, il comprenait qu'il n'y avait plus d'électricité? Bon, non, lui, il dormait, lui. Bon, il s'en fout, lui. Tant qu'il laisse ses croquettes. Non, les animaux, ils comprennent des trucs, hein. Quand les maîtres, ils sont pas bien, tout ça. Ah ouais, ça, ils comprennent. Ouais, non, ça, ils ressentent les émotions, ouais. Hein. C'est-à-dire que si t'es triste, le chien, si il ressent. Si tu pleures, il vient, ouais, ouais, tu ouais, c'est vrai, tout, ouais. Voilà. Non, mais alors, la lumière, non, là, il faut peut-être pas trop lui en demander non plus. Oui, non, là, il capte rien. Il y a fan de Pamela qui nous dit Pamela ne pourrait plus recharger son god vibrant. C'est vrai. T'imagines? Ouais, mais. Il y a des piles, sinon. Sinon, il y a des piles. Ouais, sinon, oui, t'as des pour batteries. La radio, par exemple, tu peux, ouais. Ouais, mais la radio, elle pourrait pas émettre, Marie. Ah oui, c'est vrai, bah oui, forcément, je suis con. Ou alors, on pédale. Un peu. On pédale. Ah, c'est vrai que vous avez commandé dépendant de ça, alors qu'il y a des hommes, les hommes, ils ont vécu sans ça pendant des millions et des millions d'années. Bon, ils vivaient bien. Et nous, tu nous enlèves l'électricité, ça y est, on est perdu. Bah ouais, mais c'est comme tu nous enlèves. Ils vivaient bien, ils crevaient à 35 ans, mais ils vivaient bien, quoi. Ouais, pas longtemps. Mais ils vivaient bien. Dans leur grotte. Ils vivaient bien, j'avais plus de dents à 10 ans. Oui. Non, moi, ça habitue, c'est comme les téléphones portables. T'enlèves ton téléphone portable, t'es un peu paumé, quoi. Ah bah oui. En général, personne n'a. Mais là, le portable, tu pourrais pas le recharger, quoi. Ouais, voilà, par exemple. Sauf si tu as les powerbank. Ah, mais la powerbank, comment tu la recharges? Tu la il faut qu'elle soit pleine, déjà. Ouais, mais une fois qu'elle est vide. C'est ça, c'est fini. Ouais, t'en as plusieurs. Ouais, mais il faut faire des stocks, Romano, et ça. Si, ou sinon, t'as les, je voulais m'acheter ça, mais le mec, il vendrait ça trop cher sur la plage, j'ai voulu négocier, il a pas voulu. Ça semble le bon truc, ça. Non, des chargeurs de portable, tu sais, comme les powerbanks. Solaire, ouais. Ça marche bien, ça, ou pas? Bah, je pense que, putain, le temps d'avoir assez de puissance pour recharger ton truc, accroche-toi. Ouais. Ouais, et puis le mec, il vendait ça trop cher. Parce que déjà, rien qu'un panneau solaire, gros, pour charger un téléphone, accroche-toi, donc il y a un truc comme ça tout petit. Ah, bah, tu te balades avec ton panneau solaire sur le dos. Ouais. C'est une solution. Non, mais là, le truc, il est tout petit, tu vois, c'est genre format de téléphone, et tu branches comme ça, et c'est. Ouais, pas peut-être ça dépanne, ouais, ça peut dépanner. Est-ce qu'il y a des inondations dans la culotte de Marie, nous demande Dave. Non. Très bonne question. Ça va, pour l'instant. Régulièrement. Les vannes sont ouvertes. Très bien. Non. Inondation dans le 06 l'année dernière, ça nous a fait très très peur. C'était horrible, putain, dans le 06. C'était horrible. Il y avait des rues, c'était devenu des vrais. Des lacs. Hein. Des vrais fleuves, non? Ah, c'était ouf. Ah ouais, non, mais sérieusement. Ma sœur était dedans, elle a dû remonter. Ah oui, c'est là où il y a eu la vidéo avec les trois flics sur la petite barque. Ouais, exactement. C'était tombé à la fameuse. Ah, ça, c'était énorme. Ah, Cédric, on me dit, c'est Simo qui me dit que au bois de Boulogne, il y a eu une inondation de ton trou du cul à cause du nombre de travelots qui sont passés dedans. Non. J'ai le message de Simo qui me dit ça. Au bois de Boulogne, les travelots ont inondé le cul du Belge. Non, il s'est trompé. D'accord. Désolé, mon pote. Ouais, Ah, et a priori, ça marche super bien, les trucs solaires. Hein. Ouais, ah c'est vrai. Ah, bon, bah il y a voilà. Susu 71, ça marche super bien, Romano. J'en ai acheté un, ça fait deux ans que je m'en sers. Bon, par contre, il y a quelqu'un d'autre qui disait Amine de Livry. Non, Romano, c'est de la merde, mon pote en a un, ça prend un jour à charger. Bah ouais, c'est ça, tu vas pas être pressé. Le temps qu'il faut. Il y a Sabi qui Non, c'est pas Sabi, c'est Arnaud le Boss. Qui nous dit qu'en Martinique, lui, il a vécu en 2009 un tremblement de terre magnitude 8. Ah ouais, 8, ça commençait à être gros. Ouais. Il dit que c'était terrible. Mais il y a souvent des tremblements de terre dans les Antilles. Ouais, ouais. Mais Marie, on parlait de vivre sans électricité, mais toi, t'as vécu sans électricité pendant 10 ans. Non, parce que j'avais mon voisin en face. Ah, Marie avait pas payé sa facture. Non, rien à voir. C'était mon... Ah non, c'était complètement foiré son installation. Ouais, c'est mon installation qui avait pété. Ah oui. Bah ouais, non, mais ça va, j'étais branché chez mon voisin en fait. Je suis safe de l'électricité. Non. Oh, bah, petit échange. Bah ouais. Mais non, il m'a rendu ça. Mais t'es toujours en travaux, Marie, non? Ouais, enfin, ouais. Mais ça fait combien d'années? Dix ans, les travaux. Je sais pas. Et une semaine sans électricité, Olivier, il est resté. Bah, faudrait que tu nous expliques pourquoi et comment t'as fait pour vivre. C'est une semaine sans électricité. Des fois, ça arrive, hein, dans des régions. Tu sais quoi, dans la Meurche? Dans la Meurche. Non, mais tu sais, des fois, dans les campagnes, ouais, tous les pylônes, ils se sont cassés la gueule. Le temps qu'ils retirent tout, il y en a pour plusieurs jours. Ah oui, pylône-moi. Et tire-moi après. Bon, on fait le problème du mois et dans un instant, on aura Adil. Adil qui veut changer. Est-ce que vous avez envie de changer quelque chose dans vous? Salut Adil. Ah bah t'as l'air heureux. Eh, change pas, c'est une humeur comme ça roule. Ça va Adil? Ça va et toi? Ça va Adil. À qui tu rigoles? Non, je sais pas, personne, parce que j'avais un pote à moi. On va me toucher mon micro. D'accord, bah big up aux potes. Donc vas-y, ramène tous tes potes Adil. On va te rendre service. C'est toi qui veux changer un truc. Qu'est-ce que tu dis? Ils vont tous écouter Skyrock. C'est bien. Comme ça fait plus de monde pour pouvoir t'aider ce soir. Ah, reste fidèle. Dites-nous s'il y a un truc que vous aimeriez changer dans votre caractère. Toi, c'est plus dans ton caractère ou c'est physique, toi? Non, moi, en fait, c'est plutôt un côté. Peut-être pas chez toi. Un côté de moi, en fait. D'accord. Ouais. Alors, côté gauche. S'il y a un truc. Je sais pas, moi, je propose côté droit, côté gauche. Donc, si vous avez envie de changer un truc chez vous, qu'est-ce que vous changerez dans votre caractère, dans votre manière de vivre? Je sais pas, vous êtes timide, vous aimeriez ne pas être timide, par exemple. Vous êtes chaud, vous n'aimeriez ne pas être chaud. On peut vous comprendre. Dans ton caractère, ça, c'est le caractère. Ah, grave, ouais. Non, mais ça peut arriver, hein. Je sais pas, t'aimerais être chaud, Adil, toi? Non, voilà, Romano, c'est chemin, Rocco. T'aimes bien, gros, mais vas-y. Non, mais je sais, hein, c'est de la merde d'être chauve, mais bon. Ouais, mais tranquille, de toute façon, tu restes beau gosse, comparé au gros porc, l'autre. Ah, merci, enfin de. Cédric va te dire bonjour. Ouais. Tranquille, gros, t'inquiète, 9-30. Non, mais t'es vilain, t'es vilain. T'es vilain, c'est pas ta faute, gros. J'aimerais bien voir ta gueule, tiens. Bah, vas-y, envoie-nous ta gueule et on te décrira, Adil, vas-y. Vas-y, y'a pas de soucis, je vous passerai. Envoie après Adil. Détends-toi. Bon, tu vas nous expliquer. Non, et on va vous demander à vous, donc vous nous dites, vous témoignez, vous nous dites un truc que vous aimeriez changer chez vous. On fait dans le caractère, donc un petit côté de toi que t'aimerais changer dans le caractère ou dans les trucs que vous faites. Je sais pas, moi, Cédric, t'aimerais changer quoi toi dans ton caractère? Moi, non, rien, j'aime bien mon caractère. Non, mais dans ta manière de vivre. Par exemple, d'arrêter d'avoir des galères, t'aimerais pas apprendre à savoir conduire bien, si. Par exemple. Non mais je sais conduire, ça va. Bah, c'est conduire. Ah bah, la preuve. Ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie qu'il est. Non, Difool, ça fait quasiment deux mois. Non, un mois et demi, je dis. Ça fait quasiment deux ou trois mois qu'il est absent. Bah oui. Ouais. Le 8 septembre, trois mois, t'es gentil. Parce qu'il a eu un accident avec son scooter parce qu'il s'est pas fait. Moi, je pense que Difool, il se fout de la gueule du monde, le Belge, parce que il traîne en dehors de chez lui. Moi, je pense qu'au bout de deux semaines, il monte la scène, Romano. Mais l'autre, c'est vrai, comme il essaie de le chauffer, espèce de petite salade. Parce qu'il aime bien, gros. Et Romano, il va terminer en disant votez Romano demain. Moi, je suis là. Non mais moi je veux pas dire Difool, mais à un moment donné il faut se dire les choses. Je sais pas ce qui branle depuis un mois et demi, quoi. Mais c'est que ça m'énerve. Si tu écartes les narines. C'est chaque fois que je vois des photos de toi dehors, tout ça, j'ai envie de te taper. Ça y est, c'est parti. J'ai réussi à le chauffer. L'autre, il a vu une photo de moi. Mais tu sais, et moi, je serais. C'est pas une photo, c'est une vidéo. Ouais, d'abord, il y a une vidéo pour aller mater. Regardez ce que mange Cédric. Le mec a eu une intoxication alimentaire la semaine dernière à cause d'un tartare pas frais. Regardez ce qu'il bouffe aujourd'hui. Ça y est, je l'ai chauffé. Non, mais c'est vrai. Ça y est, je pense même qu'il est à point, là. Il y a des grecs qui sortent. Moi, maintenant, je mets en position décontractée, en fait, j'écoute. Tu vas pas chasser. Attends, Adil, on t'entend avec ton pote, là, bouge pas. Bon, attends, non, mais finis avec ton pote. Et on te reprend dans un instant. Donc Adil, il a une oreille sur la radio, une oreille avec le poteau. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais raccrocher de façon avec mon pote. Et non, mais vas-y, finis avec ton pote. On va faire la présentation du problème du mois. Mais écoute quand même la radio parce qu'on aura besoin de ton avis là-dessus. Ouais. Donc un truc que tu aimerais changer chez toi, il y a rien que tu aimerais changer, Cédric. Je sais pas, la manière de vraiment des goûts de chiottes. T'as pété 15 caisses, ça fait un mois et demi que t'as une clavicule cassée et que tu Ça fait partie de la vie, mec, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Ouais, la vie, non, c'est quand même, la vie, c'est une galère alors. Non, mais c'est une vie de merde quand même. Tu sais, c'est ta vie, toi, connard. Bah, excuse-moi, mais. Tous les lundis, il est sur les chiottes. Ça, ah non, pas du tout. Lundi, attends, je parle pas de chiottes, Cédric, arrête. Ouais, c'est vrai, lundi, il y a pas été. Non, mais puis ouais, comme disait Samy, mais qu'est-ce que tu veux tailler sur les chiottes? T'as une chiotte. Tu passes autant de temps que moi sur les chiottes, gros. Non, mais t'es un ouf, toi. Bah, hier matin, t'étais où? Hier matin, j'étais sur mes chiottes. Ah, voilà. Non, mais hier matin, il avait une intoxication alimentaire, le pauvre. Quoi, moi, en tout cas, ça fait pas un mois et demi que je suis absent, quoi. Matin et soir. Femme dans les dents. Parce que moi, hier soir, j'étais là, moi. Et j'étais piné, en plus. Dans la route, mon pote. Bah, t'as qu'à apprendre à conduire. Bon, allez, c'est dites-nous. Pas mal, c'est le mec qui me rentre dedans. Ouais. On fait le problème du mois et pendant ce temps, vous nous dites les trucs que vous aimeriez changer chez vous. On va voir si vous avez le même truc que Adil. Adil débarque dans un instant et le problème du mois, c'est parti. C'est tout de suite. C'est parti. Alors, Romano, de quoi allons-nous parler ce soir? Je sais pas, mon. Non, alors. Ah oui, tiens, il faudrait que je vous en parle. J'ai un problème avec mon téléphone. Il vit tout seul. Ouais, c'est bien. Ah, la dame qu'on vient d'entendre, elle était dans ton téléphone. Et ben, le truc, en fait, se met en marche. Tu sais, le Siri ou machin. C'est écrit maman, un jour, une heure, 20 minutes et 40 secondes. Non, mais c'est super chelou. Tu es en ligne avec ta mère, Marie. Depuis une journée, Marie, je crois. Mais non, je suis pas en ligne. Ah, maman, bordel, c'est oublié. Regarde, il est bloqué. En fait, le truc, il y a le Siri qui se met tout seul en marche. Et là, je sais pas qui a dit, il a dit. Et en fait, elle a pris en compte, il a dit. Ah, t'as sûr, quelqu'un a parlé dans le studio, il a dit. Ouais, et c'est elle, ça. Et elle traduit. Non, mais ça me fait ça, là, depuis un mois, ça me rend dingue. Eh ben, débranche Siri. Cédric se fout de ta gueule. On d'ailleurs. Peut débrancher ça? Ben oui, tu peux le désactiver. Ouais, ben, t'as une prise, enlève-la. Tu peux désactiver, le, il a dit. Cherche la prise, Marie. Ben oui, t'enlèves. Marie, mon téléphone vit tout seul. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hashtag, mon téléphone vit tout seul. Mais quelquefois, la nuit, j'entends Siri me parler, quoi. Il y a un mec chez moi. Qu'est-ce qu'il y a, Romano? Non, je fais des signes à la caméra. D'accord. Tu penses que Marie a un problème dans la tête? Mais non, mais c'est pas moi, c'est mon téléphone. Voilà. Vous pouvez l'aider, elle aussi. Hein. Alors après, c'est un iPhone, j'ai pas fait la mise à jour, ça vient peut-être de là, j'en sais rien. Non, mais je pense qu'avec celui-là, tu pourras pas la faire la dernière. Ah bon? C'est quoi, c'est un iPhone 4? 5. Mais non, 5, ça va te planter, le fais pas. Je suis pas sûr que même le 6, pas 6S, ça le fera mieux. Non, je serais toi, Marie, avec ton téléphone, tu maîtrises tellement bien que je ferais pas. Non, faux, Samy, je dis faux, monsieur, je m'assure. C'est un 6S que tu as? 6, ouais, ça tourne très 6S, bien. 6S, tiens, non? Non, 6. Ah ouais, ça marche bien, ça rame pas? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Bah, c'est avec le 5, je dois confondre. Bah, on peut aider Marie, parce si qu'on vous m'a dit qu'avec un certain iPhone, aidez-moi. Tu fais la mise à jour et ça te plombe complètement. Non, mais attention, au bout des trucs qui passent. Au bout d'un moment, de toute façon, sur le téléphone, il est trop vieux, la mise à jour, ils disent, on peut pas l'installer sur votre téléphone. C'est une bonne manière pour te vendre un nouveau téléphone. Ouais, bah, c'est ça, exactement. Ils sont très forts. Bon, problème du mois, Romano, c'est parti, tu nous fais le sommaire. Allez, c'est parti, je suis entouré de mes caméramans, c'est la folie. Ah, c'est sur Facebook Live. Facebook Live, Periscope, yeah. Yeah, Skyrock FM. Welcome, Skyrock, yeah. Alors, problème du mois, voici la présentation des 5 problèmes du mois. Ah, il y en a toujours 5. Hein. Vas-y. C'est parti, mon kiki. Noémie, 26 ans, elle habite à Salindres. Oui. Je ne sais pas où c'est. Très bien, moi non plus. Si vous connaissez, vous nous dites. C'est quoi la ville? Salindres. S-A-L-I-N-D-R-E-S. Et elle a 26 ans. Oui, elle a écrit au forum au féminin bogum. Oh là là. T'es en train de chier? Oh mon dieu. Non, pas du tout. Alors, elle a un problème, c'est que depuis 2 ans, elle mouille sans cesse. Ah. On parlait d'inondation. Et voilà. Ouais, on est en plein dedans. Et elle mouille, mais elle ne peut pas passer une journée avec la même culotte. Elle est obligée de changer 2-3 fois par jour tellement elle mouille. Mais elle se pisse dessus. Non, non, c'est de la mouille, hein, elle a goûté. Oh. Ah, bah, j'aurais pas dû vous le dire. J'aurais pas dû vous le dire. C'était un petit truc sympa. Mais bon, il y en a d'autres. Ok. Elle mouille beaucoup. Et elle peut pas elle arrive pas à contrôler. Elle aimerait trouver une solution pour moins mouiller parce que ça la gêne quand même au bout d'un moment. Alors, Noémie, inondation, mais elle s'est dans sa culotte. Bah parce qu'il y a des gens qui font la réflexion, hein. Vous êtes uriné dessus, madame. Et elle explique, non, je mouille. Ça passe. Super. Mais même pour son mec, ça doit être horrible. Parce que si c'était son mec, t'es. Non, mais la des mecs, ça tourne, quoi. Elle a pas de Netflix. Et ben, c'est étonnant. Donc, elle met des couches. Voilà, une bonne idée, Cédric. C'est vrai, c'est pas con. C'est ce que disait également Léa sur SMS. Bon, c'est pas super parce que la meuf, elle est un peu jeune à 26 ans pour mettre des couches. Ah, c'est dans le Gard, apparemment. Oui, puis quand elle va coucher avec son mec, elle enlève ses couches. Ah, on est dans le Gard, inondation. Normal. Normal. Voilà. Bon, problème numéro 1, Noémie. Écoutez bien les autres, il y en a 5 et on choisira parmi les 5. Alors, Giancarlo, 38 ans, il est de Saint-Tropez, il a écrit au forum. Giancarlo. Ouais. 38 ans de Saint-Tropez, de Saint-Trope, quoi. Oui. Il a écrit au forum. Falaine la soumission. T'as du mal avec les noms des sites aujourd'hui. Au féminin, tout à l'heure, t'as eu du mal. La soumission aussi. La lecture, ça promet. Hein. Et en fait, lui, il adore. Bon, ça lui pose des problèmes parce que ça lui coûte cher à un moment donné. C'est qu'il adore payer des meufs pour qu'elles le maltraitent. Ah. Donc, par exemple, il invite une meuf chez elle, il lui demande insulte-moi. Il se fait insulter. Et il la paye. Et il se fait insulter à haute vire pendant une heure. Pendant une Et mais il faut pas qu'elle s'arrête. Si elle s'arrête, il ne paye pas. Ah, pendant une heure, il faut qu'elle enchaîne les insultes. Ouais, c'est ça. Et après, il va. Elle n'est pas au cours d'un un cours d'insultes pendant une heure. Elle a le droit de dire deux fois les mêmes. Ah non, non, non. Non, hein? Non, non. Ah bah ouais, non. C'est. Il faut qu'il non mais il y a pas que ça, il se fait après bon il fait ça derrière il va retirer de l'argent, il appelle ça des plans d'ab comme distributeur automatique de billets. D'ab, ouais. Et d'ab. Oui. Et chaque distributeur automatique de billets là, d'ab. Ouais. Ah bah, n'hésitez pas à taper devant hein. D'ab. Alors et du coup il fait ça également avec des meufs de temps en temps qui lui mettent des fessées. Il paye des meufs pour se faire humilier. Ouais c'est ça, ça ouais. Mais il adore ça. Le problème qu'il y a c'est qu'il est devenu complètement accro. Il bouffe toute sa paye là-dedans et il a déjà fait un crédit à la consommation là pour à la consommation de pute. Non mais c'est ça. Ouais, il dans la merde. Mais il peut pas s'en empêcher. C'est devenu complètement addictif. C'est comme une drogue. C'est Giancarlo. Philippe, 56 ans, de Livry-Gargan. Là, on est sur le problème du mois numéro 3. Depuis nombreuses années, avec sa femme, passionnée d'égyptologie. Ah. D'égyptologie. D'accord. De l'Égypte, quoi. Et là, il a gâté sa femme. Il lui a acheté un sextoy pyramidal. Le God Pyramide. Ouais, magnifique objet, on va vous mettre les photos sur les réseaux. Au début ça passe, après c'est plus compliqué. Bah ouais. Ouais, alors magnifique, hein, tu peux l'utiliser dans diverses positions, tu peux le coller au mur, ça fait un espèce de système de ventouse. Ah, pas mal. Tu peux le coller également au sol. Et là, t'as la meuf qui est collée au mur aussi. Au sol, tu peux le coller au mur, au sol, au plafond. Tu peux le coller dans toutes les positions. Non, bah attends, mais c'est pointu ce truc, ça. Bah oui, c'est une pyramide, Marie. Sur le ouais, oui, Marie, c'est pointu, tu peux. Bah ouais, mais ça va faire mal, non? Bah, si on peut faire tester à Marie. Si vous avez un God Pyramide chez vous. Ça ressemble à ça, Marie. Il y aura la photo sur les réseaux. Il y a plusieurs formes. Ah ouais, d'accord. Ah, mais ça passe. Easy, baby. Non, mais tu sais, je pensais qu'il y avait les quatre coins et tout ça. Mais en fait, c'est arrondi. C'est comme un cône, quoi. Ouais, c'est un cône, ouais. Ouais. D'ailleurs, ouais. J'en fumerai bien un petit après ma bière. Ouais, sinon, Marie, t'emmerdes pas. Tu prends un cône de chantier dans la rue. Voilà. Ouais. Ça fait bien l'affaire. Génial. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'elle est devenue complètement accro à ça. L'autre, elle passe sa vie dans toutes les pièces à s'enfiler son cône pyramidal, là. Donc, lui, il n'en peut plus. Il voudrait la priver, mais s'il la prive, elle fait la gueule. Il sait plus quoi faire pour la satisfaire et qu'elle arrête avec ça. C'est le problème du mois numéro 3. Le 4. Numéro 4. Eh oui, le numéro 4. Franklin. Franklin la tortue. Franklin la tortue. Ouais. Non, c'est Franklin de Nice. On a fait tous la même blague pour Yves. C'est clair. Au forum Doctissimo. Non, c'est Brice. Rubrique SM. Oui, parce que c'est Franklin de Nice, là. Non, c'est Brice de Nice. Non, mais là, c'est Franklin. Et Franklin, la tortue. Alors, bah, lui aussi. Il a quel âge, ce garçon? Il a pas d'âge. Il a 6 ans, très bien. Il a pas d'âge. Un peu jeune pour écrire, oui. Monsieur. Excusez-moi, j'ai eu un... Non mais tu vas pas bien. Pourquoi tu fais pu. J'ai eu une perte d'esprit. J'ai vu. Tu t'es de ma gueule en début d'émission parce que j'avais ripé quoi. Oui. Ah ben dis donc. Ouais mais moi je ripe pas sur un mode de lettre. Comme ex. Non mais déjà il n'y a pas de lettre. Lettre. Lettre il y a plus de lettres. C'est vrai que tout à l'heure t'avais du mal à prononcer le mot ex. Oui. De lettre. Oui c'est vrai. Bon le quatrième, Franklin la tortue de Nice. Bon alors lui aussi c'est un soumis. Alors le problème qu'il y a c'est que lui il se fait tellement marave. C'est qu'il a des traces. Et en fait les gens lui font des réflexions, genre ses potes, ils lui disent mais qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça. Ah ouais, donc il aborde bon, des trucs. Bah ouais, je suis tombé et tout ça, mais il sait que il a peur qu'en fait il y en ait un, tu vois, il prévienne genre la police ou des services sociaux en disant ouais il y a des problèmes, il se fait battre, alors que lui en fait il aime ça quoi. Et... Bon, c'est pas non plus, tu sais, il est pas ouvert. Bon, il a des petits bleus, tu vois. Oui, alors aujourd'hui je vous ai vu, je n'ai plus de bras. On m'a arraché un bras. Non mais il a. Mais qu'il arrive. Non, genre il a des bleus, des fois tu sais, il se fait griffer, des petites traces de fouet. Bon, ça reste. Mais bon, forcément, les ouais. Amis trouvent ça bizarre au bout d'un moment. Oui, c'est logique. Ils trouvent ça bizarre, oui. Donc, il aimerait bien trouver des solutions pour pouvoir masquer ses marques. Et le. Ah ouais, il veut pas arrêter de se faire marrer la gueule, lui. Non, il est complètement accro à ça. Hein. Très bien, Franklin, la tortue de Nice, c'est le 4 et le dernier, le 5. Alors, c'est Sandy de Villiers-sur-Suisse, dans le 52, elle écrit au forum Pornodépendance. Mmh. Grande adepte du sexe anal. Et elle a 710. Hein? Elle a pas d'âge. L'âge. Non, elle a pas d'âge. Non, mais elle a, mais elle a de la chance, comme elle le dit elle-même, d'avoir un anus très extensible. Très bien. C'est l'anus élastique. Non, non, mais attends, c'est ma fille. Et elle, elle a, et elle pratique le hot cold. C'est-à-dire? Alors, par exemple, elle se met une canette bien froide dans la chatte. Okay. Non, dans l'anus, pardon. Bah, j'ai étonné que c'est l'anus. Ouais, c'est pareil. Et ensuite, elle utilise, elle met quelque chose d'un peu chaud à l'intérieur et ça lui fait des orgasmes anaux de dingue. Et elle se demande quand même s'il n'y a pas des risques à se mettre des trucs froids et chauds dans l'anus au fur et à mesure. Bon, a priori, tu as une, un anus extensible, d'après ce qu'elle a dit. Elle a beaucoup de chance. Ah, attends, oui. Une canette, c'est gros, hein. Ah bah. Ah, Marie est jalouse, dis donc. Ah non, je suis pas jalouse. Oh, Marie, Marie ne fait pas la modeste. Alors, on a les 5 problèmes du mois. Dans la chatte, ça passe, Marie? Noémie, oh, enfin, le problème du mois numéro 1, inondation, mais elle, c'est dans sa culotte. Ouais, c'est dans la culotte. C'est le problème du mois numéro 1, ça mouille tout le temps. Juan Carlo, lui. Il paye des meufs pour se faire insulter. Il aime bien, mais... Ouais, c'est ça, mais ça lui coûte cher. Ça lui coûte cher. Le 2, c'est lui. Le 3, c'est Philippe avec son god pyramide. Le 4, Franklin la tortue de Nice qui arrive avec des bleus, mais il aime ça. Et le 5, c'est Sandy avec l'anus extensible et son cold water truc, là. Hot cold. Pourquoi tu me filmes, Romano? Parce que t'es beau. Ah, c'est gentil. Donc, vous votez. À vous de choisir. Faut choisir mais un parmi les 5. Mais quel beau gosse. Un problème du mois parmi les 5, Romano. Et Marie, Bon, allez, vous votez. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on doit vous offrir FIFA aussi. Et regarde, il y a plein de messages pour ton téléphone, Marie. Pourquoi ce téléphone vit tout seul? La réponse un instant sur Skyrock. C'est parti. C'est parti. On écoute juste Ghetto Phénomène et Jul tout de suite. Ghetto Phénomène et Jul, ça c'est du bon. Hein. C'est du bon. Et ça. C'est des bonnes places de concert qu'on vous filera tout à l'heure aussi, dans moins d'une heure. Il est quoi? 11h02, dans moins d'une heure. Ghetto Phénomène et Jul. Et les places pour Jul à gagner. Et la famille. Quand Soprano sort son nouvel album, il choisit Skyrock pour te le présenter en exclu. Ouais, ouais, c'est Soprano. Pour sa nouvelle tournée qui démarre le 8 mars 2017 en France avec Skyrock. Planet Rap. C'est Soprano dans Planet Rap. Soprano, tous les soirs dès 20h. Et demain soir, Planète Rap Soprano, en direct du stade Orange Vélodrome de Marseille. À suivre en vidéo live sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1 Tera Collector Final Fantasy XV, la console collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr sous conditions de réservation. Tu m'entends de l'autre côté du poste? Fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Concert. Drake en concert Skyrock pour le In The Boy Meets World Tour. 12 mars 2017, Accor Hotel Arena de Paris, Drake et des invités exceptionnels. Drake with special guests. Le numéro 1, Drake en concert Skyrock. Info et place sur livenation.fr et point de vente habituel. Drake en concert Skyrock. Allez, c'est parti sur Sky, le son de Jul et du Ghetto Phénomène. Jul, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Avec les places à choper tout à l'heure, Jul, Ghetto Phénomène, c'est Maria Maria. Et le problème du mois, votez 1, 2, 3, 4 ou 5, réponse tout de suite. C'est pas les données, la mama maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Je m'en souviens du Dortmund. J'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Fais pas l'étonner. Oh, la mama maille, ouais, il m'en fout. Tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Fais pas l'étonner. Oh, la mama maille, ouais, il m'en fout. Tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Je reste fidèle au Paris. Sur le son du ghetto phénomène, les Marseillais du ghetto phénomène, écoutez Maria Maria. Skyrock, c'est comme si moi on me disait que j'ai un nez difforme. Non mais t'as le nez complètement déglingué. Romano. Qu'est-ce non mais j'ai des remontées jaunes. C'est dans la bouche. Non. Cédric. Bon alors, Cédric c'est quoi d'abord? Non, quelqu'un de désopulent, c'est quelqu'un de déconcertant par exemple. Marie. Oh le vrai, allez hop. Samy. C'est un parisien lui, c'est pour ça. Ouais, Samy, excuse-moi Samy. T'inquiète mon pote. Et Karim. Cédric, tu sais nager? Ouais. Bah normal pour un ton. Ça c'est pas mal ça. Diffoul Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Ah je vous ai pas encore fait gagner FIFA ce soir. FIFA 17. Ah, hier c'est Romano qui vous l'a fait gagner avec sa super question. C'était hier hein, que t'as fait une super question. Non, c'était lundi parce que hier c'était attends. Ah c'est peut-être lundi. Décalé, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi qui offre une. Hier c'était pas... Non, c'est mardi qu'on a fait avec un bug. C'est. Ouais c'est ça. Donc hier. Ah c'est peut-être moi hier, ouais. Eh bien la super question, c'est moi qui la pose aujourd'hui pour gagner FIFA 17. Bon, on vous en offre tous les soirs, tous les matins aussi dans le morning. Et justement, une question qui, si vous avez écouté le morning, devrait pas avoir de secret pour vous. Quoi qu'il fallait être attentif, parce qu'on a parlé de beaucoup, beaucoup d'argent ce matin. Ouais. On a parlé de heureux, la renégociation du salaire de Cristiano Ronaldo, CR7. C'était notre winner du jour, CR7. Ouais, lui, ouais. Ah, c'est de l'oseille. À 8h05, le winner du jour, le winner du jour. Cristiano Ronaldo. Tiens, on a Adil qu'on va prendre avec nous. On va voir si c'est Adil. On a parlé de la négociation du nouveau contrat de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Il veut prolonger. Ouais. Et donc, il a demandé des sous. Et tu normal. Sais, normal. Il en demande plein, tu sais, Adil. 22 millions, et à ce qui paraît. 23 millions. Eh ben, la question que je vous pose, c'est combien ça fait d'argent par jour? Marie, tu fais juste le contrat, hein. On parle pas des contrats pub et tout le reste. Attends, salaire, c'est combien? C'est 22 ou 23? C'est 23 millions. 23 millions. Ouais, 23 millions. Enfin, 23 millions. Ouais, 23 millions parce que. Ah, non, mais attendez, il a que 21 millions actuellement. Oh non, mais attends. Oh, bah, c'est la crise. Pauvre. Donc il veut plus de sous. C'est dur. Donc on évoque le montant de 23 millions par saison. Alors, non, mais en même temps, il a raison de demander hein, s'il lui donne. Ah bah, ouais, c'est vrai. Ouais. Demande toi aussi. Appelle le Real Madrid, dis-leur. Non, mais. C'est vrai. Tiens, les mecs ils veulent le garder. Le mec il dit ouais, ok, moi je reste, mais par contre ouais, c'est il temps. Fait ah mais il a raison, oui. Oui. Bah, si oui. Le mec il lui donne, c'est bien qu'on peut le prendre. Hein. En plus tu l'enlèves de l'équipe, tu le sens quand même, Cristiano Ronaldo. T'aimes bien Cristiano, toi, Adil? Ah, Adil. Adil, es-tu là? Pourquoi tu l'as enlevé de l'antenne? Non, parce qu'il y a un bip. T'entends pas depuis tout à l'heure, ça fait un bip. Et ça, Karim, il supporte pas. Ah, il entend pas le bip. Ça l'énerve. Putain, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un bip. Si, j'ai entendu aussi. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, attends, Adil, je te repose. Ah oui. Tu vois, hop. Je vais rendre dingue Karim. C'est chelou, wesh. Bip bip. Et voilà, c'est il a fait des bips. Il y a un bip bip aussi. Je suis pas en conférence, je suis rien du tout. Bon, bip, écoute, bip. Les téléphones sont bizarres. D'ailleurs, merci pour les messages que je vais laisser pour Marie. Ah, on va peut-être trouver la solution. Ah, ouais, c'est vrai merci. Qu'il y a un bip. Toi, maintenant que tu l'as dit, ça m'énerve. Ouais, bah ouais. Moi, ça m'a énervé, gros. Bon, et t'aimes bien Cristiano, toi, Adil? Ouais, la vérité, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Moi aussi, j'aime bien Cristiano. C'est pas le poids. Enfin, c'est un Messi pour moi. Donc, c'est vrai, je suis d'accord. Combien ils gagnent par jour, c'est la question que je vous pose. Ah oui, il y a un bip. Ah ouais, bah, ça y est. Pour gagner FIFA 17. Vous voulez FIFA 17. Eh bien, vous envoyez vite vos messages avec votre numéro de téléphone pour qu'on rappelle derrière le premier ou la première. C'est un peu un exercice de mathématiques. Ouais, c'est un peu, c'est un problème. Combien ils gagnent par jour, Ah oui, il y a un bip. Ah ouais. Cristiano Ronaldo. Voilà. Ah, c'est bizarre. Je peux vous dire qu'il gagne 1 916 667 € par mois. Putain. 100 par 30, et voilà. Putain. Eh ouais. 30,5. Vous avez tous dit la même chose. Putain. Ah ouais, j'ai même envie de te dire putain de tarasse. Putain de tarasse. Ouais. Il est bien. Ça fait 42 307 € par semaine. Je vous fais les calculs de tête, hein. Et à la seconde, c'était combien? À la seconde, 0,73 € par seconde. Wow. Putain, même quand il dort, le mec. Et quand il dort, ouais, combien il se fait en 8 heures par nuit? Ah, j'ai passé une bonne nuit là. Il m'étonne. Il gagne 2 625 € par heure. Putain, ah ouais, bien, ouais, ça va. Il y a que nous qui le battons le matin, on offre 3 000 € par heure, on faisait le calcul ce matin. Ah ouais. 1 500 € toutes les demi-heures, 3 000 € par heure, on bat Cristiano Ronaldo. Pas mal. Que seulement 2 600. Ah ouais. Et Cristiano demande plus, hein, vas-y, hein, profite. Hein. Bon, la réponse arrive, on va le donner dans un instant. Les résultats pour les votes. C'est marrant parce que. Les votes du problème du mois aussi dans un instant. On voit que vous êtes pas tous des champions des mathématiques. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que franchement, il y a tous les chiffres, quoi. 6301, 5249, 273. Non. Ah non, non, oh là là. 273, 5000, vous êtes pas 60 000. Ah, 39 000. 39 000, non. 60 000, c'était pas mal. Vous voulez la réponse? On le fait tout de suite. Bah ouais, si on a le gagnant. Bah la gagnante. Déjà. Toufik, en direct de Vitrolles. Tiens, on refile dans le sud à Marseille, à côté. Salut Toufik. Salut Skyrock. Je te présente ouais, Adil, c'est l'homme qui fait de, qui fait un bip. T'as vu, ça rend fou, hein. Ouais. Ça commence effectivement à me rendre nerveux aussi. Alors, Toufik, tu es à Vitrolles et t'as la bonne réponse. Combien il gagne Cristiano Ronaldo par Cristiano jour Ron, par jour, il se fait environ dans les 64 034 €. 64 014 €. J'acceptais 60. Ouais, c'est bon. 63, 64. Bien joué. Bravo. Tu viens de gagner. Ah, c'est cool. FIFA, bah, il coûte moins cher le FIFA 17, hein, mais FIFA 17, c'est pour toi. Champion, mon frère. Exactement. Champion, mon frère. Bravo, bravo. Champion de ma sœur. Merci, le champ. Ah, de rien. Vois. Voilà. Et un FIFA. Il est bon, hein, sur FIFA, Cristiano Ronaldo. Ah, il doit être comme de la vie, ouais. Ouais. Si tu joues bien, quoi. 23 millions d'euros par saison. T'imagines, Toufik, tu gagnes ça. Hein. Ah, ouais. Franchement, moi je suis. Non, putain, non, je gagne pas ça. Ah non, mais moi je suis une saison, j'arrête, hein, c'est bon. Ah, tu fais une saison et tu te barres. Bah, 23 millions, ça va. Mais il aime jouer au foot, Cristiano. Ouais, à ce tarif-là, moi aussi, je peux aimer jouer au foot. Et en plus, c'est un gros bosseur, c'est le premier aux entraînements, il s'entraîne tout le temps, il bosse comme un ouf. Il repart en dernier, ouais. Ouais, il repart en dernier, c'est Cristiano Ronaldo. Sa passion. 23 millions. Ah, mais même si à la base, j'aime pas trop le foot, 23 millions, ça devient ma passion aussi. Pas faux. Bon. Faire n'importe quoi pour 23 millions, n'importe quel taf, je le ferai. Et on espère avoir le temps d'en refaire un autre jeu avant minuit, autrement demain matin, demain soir aussi, à choper FIFA 17. Pour toi, c'est fait, Toufik. Ah, c'est cool, merci l'équipe. Est-ce que par exemple, Difool, on dirait, je te file 1 million par mois, mais ton boulot, c'est de compter combien il y a de grains de riz dans des paquets de riz. 1 million par mois. Et si tu te trompes, t'es pas payé. Ah ouais, non, je fais pas ton truc. Tu comptes des grains de riz toute la journée, si t'en oublies un, il t'enlève ton salaire. Non. Autrement, 1 million pour compter des grains de riz pendant un mois, je le fais. Ouais. Ouais. Non, mais je vais te faire chier, hein. Mais, ah, c'est clair. Et à quoi ça sert ton boulot des riz? On sait pas. Ah, c'est vraiment combien il y a de grains de riz. Romano, c'est Oncle Ben ce soir. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un savoir combien il y en a. Non, mais moi, 1 million, ah, moi, je fais ça à vie, hein. À vie? Ah, compter des grains de riz? Moi, je le fais à vie, gros. Ah, mais je vois pas les couilles, c'est 7 heures par jour. Non, mais une fois, t'as 1 million, ou 2 millions, ou 3 millions, ou 4 millions. Non, c'est je bon. Le fais au moins un an, comme ça, j'ai 12 millions, c'est sûr. Ouais, c'est ça, après, t'en profites. Ah, non, moi, je continue, moi, je compte des grains de riz. Ah, ouais, ça Et tu profites quand de ton pognon? Bah, tu sais, entre ces grains de riz qui comptent, c'est super. Bah, Marie, tu sais qu'elle travaille. Mais 1 million par mois. Tu travailles pas 24 heures sur 24. Attends, 1 million par mois, si tu bosses un an, t'es tranquille, hein. Non mais 7 heures par jour, le reste du temps ça va, tu peux t'éclater. Oui, hein. Ouais, t'as je pense que t'as des problèmes psychomoteurs. Ah ouais, tu prends la tête. Non Bah, des fois, chiffres, des fois, je... Allez, vous envoyez vos messages au 41-759. Là, il fait une crise de nerfs. C'est clair. Arrêtez avec les chiffres. Non, je pense que pour me vider le cerveau, par moment, je compterais peut-être plus des nouilles. Pour changer un peu. Non, ou des grains de sable sur la plage. Tu sais. Moi, je sais pas compter. Les vermicelles. Moi, je les mange. Si j'ai compté à ce prix-là, ouais, j'apprends à compter même. Ah, bah, tu vois, Cédric, t'apprendrais à compter. Est-ce que Cédric, tu le ferais? Pour 1 million par mois, on te dit, ouais, tu comptes des grains de riz. Et tout le monde le fait, regarde des messages. Mais par contre, tu tombes. Qui veut pour 1 million? On peut te pisser dessus? Ah non, peut-être pas, non. Je suis sûr, Cédric, non, on sort 1 million en cash et on te dit on pisse tous dessus. Ouais, tous dessus. Tous les ouais. auditeurs, Adil, tu ferais pipi sur non, Cédric? J'ai même mieux. Ah, immonde. Ouais. Ah, tu vois? Par exemple, Cédric, il y a une aire d'autoroute, ils t'appellent, ils te disent ouais, on a un nouveau concept. Ah ouais, vous allez servir de chiottes humains. C'est-à-dire que t'as un box à toi et tout, quoi. Mais pour 1 million par mois. C'est-à-dire, on vous installe dans un chiotte. Un genou, il ouvre la bouche, la bouche ouverte. Et t'attends. Non, mais tu fais ça 7 heures par jour. T'es une pissotière, quoi. Mais Une chure, on te file 1 million par mois. Est-ce que tu le fais? Non, c'est mort. Je te jure, je le fais pas. Bon, allez, peut-être pas 7 heures, 4 heures par jour. Ah, mais moi, j'ai fait même 4 heures, mais même 1 heure. 4 heures par jour, tu te fais chier dessus, Romano. Tu fais toi, Romano? Tu ferais pas ça. Ben, t'es content quand il n'y a pas trop de monde sur le tour. Vivement les départs en vacances. Non, mais les départs en vacances, c'est. Non, mais là, c'est là où il y a le plus de monde. Ouais, il faut genre travailler la nuit. Tu sais, la nuit, il n'y a peut-être pas trop de monde. Tu ferais, toi? Horrible. Non mais ce qui est terrible c'est qu'il réfléchit. Non mais tu le ferais un mois, tu le fais un mois. Non, il le ferait, ce con. Non, je le ferais mais en Non, je le ferais mais en vacances scolaires. Et sur une route bien paumée. Non, c'est dans la Beurche. Non mais ce qu'il faut te dire c'est que combien. Non, mais imagine. Non mais non parce que regarde, il faut faire, faut réfléchir. Un calcul. Ah ouais mais dis. Ouais, il y a plusieurs choses. C'est faire pisser dans la bouche. Non, mais, je pense que statistiquement, bah oui. Au final. Il y a par jour il y a peu de gens qui te chieront dessus, mais même, dessus. Même. Parce que déjà bah, comme disait Samy, admettons si t'es chez les hommes, déjà t'as les urinoirs et en plus t'as les chiottes. Donc je sais pas, les chiottes il doit y en avoir une dizaine. Vous avez vu, il réfléchit quand même. Ah ouais, non, mais les urinoirs il y en a autant. Ouais, mais c'est... Tu peux te dire statistiquement il y a quand même peu de chances que tous les mecs viennent dans ton chiotte. Comment t'expliques que c'est dégueulasse quand même? C'est à dire qu'il y a du monde qui passe, tu vois. Mais oui. Et puis même, Romain, bah oui, même si t'en as trois qui viennent dans la journée, imagine, Cédric s'arrête dans ta station service. Là, tu l'es. Ah, hey, là, je suis en train de convaincre Samy. Hey. Et Samy, ouais, ouais. Non, lui, mais là, il est chaud, lui. Non, mais t'as dit trois. Trois pipis par jour. Tu le fais pour 1 million? Trois pipis par jour? Ah non, mais vous me dégoûtez, les gars. Pendant un mois, je le fais. Ah non, pendant un mois. Ah, mais de toute façon, pour avoir le million, il faut le faire pendant un mois. Bah oui, sinon, t'es pas payé, mon pote. Tu démissionnes avant. Trois pipis par jour? Ouais, tu le fais, 1 million. Ah, je le fais. Oh non. Non, mais je te dis, mais même statistiquement, il y a peu de chance que tous les gens de la journée vont pas venir te chisser dans la bouche. Cédric revient en fait, t'es le plus normal de l'équipe au final. Ah ouais, mais laisse tomber. Mais ça fait ça se voit que ça fait 3 mois que tu l'as pas vu parce que ça fait 3 mois qu'il nous fait son cinéma. C'est vrai, ouais, 3 mois. C'est cool. Bon, Toufik, c'est parti. Le FIFA 17 à Vitrolles, on t'envoie à la maison. C'est parti direct. Oh, ok, merci. Tiens, Toufik, tu es supporter de l'OM ou pas? Ouais, bien sûr. Ah, bien pour toi. Est-ce que tu veux une petite info sur l'OM? J'en veux, mais qui disent non, je m'en bats les couilles de ton équipe. Ça existe pas dans le sujet. Une info sur l'OM, je peux vous en donner une. 46% de spectateurs en moins par rapport à l'année dernière. Ça, tant mieux, c'est prévu. Ah, c'est normal. Mais ça, c'est prévu. Et pourquoi il est joli votre stade? Et c'est pour ça que vous l'avez, agrandi. Non, mais l'année dernière, quand il y avait Bielsa, gros, c'était blindé, tu vois. Mais voilà, après, ils nous ont pris pour des cons. Michel, gros, l'année dernière. Vous allez se faire enculer. Ouais, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait Bielsa, tu vois. Non, voilà. Bon, à partir de lundi, il y a un nouveau président, enfin, un nouveau propriétaire qui arrive. John McCouille. Hello, John McCroote. Hi, I'm John McCroote. Salut, John McCouille. Et donc là, en ce moment, je dois signer quand? Lundi. Ah, je serai pas là. Si. C'est repoussé. On va venir chercher, t'inquiète pas. Et là, en ce moment, toute son équipe de, tu vois, de dirigeants de conseillers sont à Paris, ils sont en train de négocier l'arrivée d'un entraîneur et l'arrivée d'un nouveau directeur sportif. Ah. Pour le directeur sportif, ça serait fait à 99%. C'est qui? Il s'agirait de Luis Campos. Luis Campos, peut-être vous le connaissez pas, mais c'est le. Ouais, c'est le mec de Monaco. Ouais, c'est celui qui a monté Monaco, en fait, qui avait fait venir Rames Rodriguez, Falcao, tout ça à Monaco. C'est un peu la star des directeurs sportifs. Ah, on peut le dire, avec beaucoup de succès à Monaco, puisqu'il était obligé de partir, et Falcao et tous les autres aussi. Ouais, bah, enfin, il a fait gagner genre un milliard d'euros. Ouais, bah, ouais. Ah, mais il aura fait gagner à Monaco. Bah, ouais, tu sais, il a acheté des joueurs 10 millions, il les revendait 100 millions. Bah, ça serait bien que l'OM remonte un peu. C'est une star, c'est un proche de Cristiano Ronaldo. Ah, c'est bien. Ouais, c'est vraiment un crack dans le domaine du directeur sportif. Donc, voilà. Normalement, c'est fait à l'OM. Voilà. Comment le mec va niquer sa carrière? Non, il va ramener des gros entraîneurs, des gros joueurs, tu vas voir. Non, mais ce serait bien. Ouais, mais bon, ça dépend combien l'autre il va cracher. Ça dépend de l'oseille. C'est marrant parce qu'on avait le message d'OM Forever tout à l'heure. Bah tiens, justement, Adil, tout fait quand on voit le jeu à la maison. Hein. Adil, viens voir. Adil, l'homme au bip. Il y a plus de bip. Oui. Ah, non, ça y est, ouais. Il y a plus de bip. Ah, on entend plus le bip. Alors, Adil, t'as 18 ans, t'es dans le 94. Toi, t'aimerais changer un truc dans ton attitude, une manière de te comporter. Ouais, dans mon comportement. souvent avec les filles. Il y a OM Forever, j'ai demandé qu'est-ce que vous changeriez. Il y a eu plein de messages. OM Forever du 14, 14 ans dans le 13, qui dit, moi, changer d'équipe de foot, mais j'y arrive pas. C'est vrai que tu dois souffrir ces temps-ci. Hein. Petra du 44, moi, j'aimerais changer ma timidité. Même chose pour Abdelou du 93. Stan Le Mac, tiens, qui a laissé un message tout à l'heure aussi. 17 ans, moi, je m'énerve trop vite pour rien. Même chose également juste en dessous pour Dim. Qui lui aussi s'énerve pour rien. Toi, t'es calme, t'es tranquille, toi ? Ouais, pas trop timide, pas du tout même. Vraiment non. Pas. Pas timide, pas nerveux ? Non, rien. Bon, non, c'est déjà ça. Moi, je suis pas nerveux, je suis. Moi, cool. J'aurais être plus patiente. Pas, je suis pas du tout patiente. T'es impatiente, t'aimes bien aller voir le truc tout de suite. Je suis en enfer là-dessus. Ouais. Romano, t'aimerais être moins capricieux. Je suis moins capricieux. Voilà. Et voilà. Romano. Non, mais on a dit un truc mental. Non, un truc, une manière de te comporter. Par exemple, t'aimes pas être moins radin. Si, hein. Mais je suis pas, mais je ne considère pas comme radin. Hein. Non mais tu te rends bien compte que tout le monde se dit. Mais non mais je suis désolé. Par exemple, en ce moment, je suis sur le permis bateau. Oui. Le permis bateau, on m'en a pas fait cadeau, je l'ai payé. Bah, ouais, tout le monde paye des trucs. Il va s'acheter un yacht. Ouais, c'est ça qu'on nous a dit. Un giga yacht. Voilà. Ouais, le plus gros. C'est ce qui est prévu. Hein. Ouais, bah il est en commande, là, il est en train d'être fabriqué. Il est magnifique. Il y a deux rames, il fait 3 mètres sur 2. C'est magnifique. C'est une barque. Oui. J'estime pas radin parce que je paye des trucs, donc. Ouais, franchement. Vas-y, paye ta canette. Voilà, paye ta canette. Montre-nous que t'es pas radin. T'es pas radin, 90 cents. Vas-y, t'es pas radin. Bah, 90 cents, je les ai pas, l'ami, parce que je viens sans argent ici, moi. Moi, je viens, quand je viens travailler, c'est pour en gagner, pas pour en dépenser. T'es venu avec ta bourse, la phrase de crevard. Montre-moi tes bourses. Ouais, mes bourses, je les ai sur moi, Marie. Non, ton porte-monnaie. T'es venu la dernière fois avec. Bah, ouais, mais l'autre fois, ouais, mais pas aujourd'hui. Ah, bah, voilà. Bon, enfin, bon, tu voudras pas changer ça. Ah, non, parce que je me considère pas comme radin, donc. Bon, mais t'aimerais changer quoi chez toi? Pas physique, hein. Parce que ouais, il y en a aussi Cédric en ligne, et si on commence par le physique, il est déjà 23h22, on a le problème du mois, les places pour Jules, on tiendra jamais avant minuit, jamais. T'es toqué, non, Romano? Non, je pense qu'il faudrait que je me calme. Les nerfs. Ah, tu vois? Ah, voilà. Parce que j'ai les nerfs facilement en pelote. Tu te calmes en fait, rien peut me faire vriller. Ouais. Je suis assez instable. Tu pètes les plombs, psychologiquement. Ouais, ça mais tu sais, en particulier le matin. Je suis très fragile psychologiquement. Par exemple, il y a son chien qui aboie le matin, ça peut te mettre à bout de nerfs, ça. Ah non, mais ou un truc, par exemple, je sais pas, ouais, mais dès le lever, si ça peut, rien peut me rendre dingue. Par exemple, ouais, t'as une ampoule qui pète, moi ça m'est arrivé ce matin, c'est pour ça que je t'en parle, t'allumes la lumière et l'ampoule à ce moment-là, elle fait ploup, et donc elle pète. Ça arrive le matin, ça peut te mettre à bout de nerfs. Bah, ça dépend des matins, parce que vu que je suis instable, psychologiquement. Donc, Deepool, tu vas rester sans lumière pendant combien de temps, du coup? Parce que, avec tes chiottes, là. Moi, non. Non, ouais, je fais revenir un pote pour qu'il change l'ampoule. Mais non, j'ai changé une ampoule. Non, mais t'as toujours pas, tu sais qu'il a toujours pas de lumière dans ses chiottes, hein. Ah ouais, ça change. Ah bon? Ouais, dans mes chiottes. Ah, ça fait 4-5 mois, gros. Oui, on parle avant l'été. À mon avis, c'est la douille. Ouais, j'ai pas de lumière dans mes chiottes, Cédric, mais j'ai pas des pompes qui puent, en plein milieu de mon salon et sur la table du salon. Et dans l'entrée. Moi non plus, hein. Des potes qui puent, sale. Et Deepool, lui, ça fait pas 2 mois qu'il vient pas. Voilà, merci Romano. Allez. Tu vas me lâcher avec ça, je reviens lundi, ma poule. D'ailleurs, espèce de grosse salope, je vais quand même vous dire ce qui se passe hors antenne. Vas-y. Tout à l'heure, Deepool. Je sais pas ça. Deepool, tout à l'heure, a balancé que il y avait eu du vol de café ce matin. Ouf, en m'accusant d'ailleurs à tort. Mmh. Et donc, moi, j'ai rajouté ces carrioles. Et tu sais que depuis tout à l'heure, le Belge est en train de faire chier carriole par SMS. C'est pas vrai. En lui disant, voilà, tu voles du café. Ah, carriole m'a envoyé un message, me dit, ouais, j'aurais bien fait de fermer votre gueule. Il parce que merde, mec, je peux pas dire rien. Ça fait depuis tout à l'heure, le mec, il la lâche pas. Bon courage, carriole. C'est bien de dire à l'antenne que je prends du café. Le Belge me mange la tête. T'as rien d'autre à dire. Ah, si, plein de choses. Bisous, ma chérie. À demain matin, carriole. Ouais, mais tu veux pas me répond, elle me répond, j'ai volé une capsule pour mon amoureux, il m'a forcé. Ah, ouais, je l'ai forcé, voilà, oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Vous pouvez continuer à nous laisser vos messages, allez-y, et on va t'écouter surtout toi, Adil, parce que c'est toi qui nous appelle pour ça. Qu'est-ce que tu veux changer dans toi? Bah, en fait, je vais t'expliquer. Tu vois, moi, j'étais un mec qui était un peu timide, tout ça, avec les filles. Je parle surtout avec les filles. Mm-hmm. Parce que moi, c'est mon comportement avec les meufs que je veux changer. Ah, d'accord. Cédric, t'aimerais pas changer ta précocité, par exemple, dans ton comportement avec les meufs? Ça va, ça va bien, t'inquiète. Oui, content. Tant mieux. Ouais, et donc, vas-y, comme je te disais, j'étais timide, tout ça, et vas-y. Après, j'ai changé un peu physiquement, tu vois. Oh, puis t'as grandi. T'avais quel âge quand t'étais tout timide? Je devais avoir, j'étais en troisième, un truc comme ça. D'accord, ouais, t'avais 14-15 ans. Ouais, mais t'étais un peu complexé. Ouais, voilà, pas trop confiance en moi, tout ça. Ouais. Et vas-y, là, j'ai changé, et on va dire que j'ai pris des ailes, ouais. On va dire ça comme ça, clairement. Là, t'es passé, c'est le contraire maintenant, t'es super à l'aise. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Bah c'est comme quand tu fais du vélo quand t'es petit, tu sais pas faire, on te met trois roues, après on t'enlève les roues et après tu fais du cross. Ou alors tu tombes comme Cédric. Ou alors tu tombes comme Cédric parce qu'il n'a pas de merde. Comme une merde. Et tu te pètes la clavicule et quatre queues. Et quatre queues. Et tu viens pas bosser pendant deux mois. Deux mois. Non mais c'est bien ce que tu dis pour les timides, parce qu'il y a eu plein de messages. Il y en a plein qui aimeraient changer leur timidité. Hein. J'en ai cité quelques-uns. Il y a, il y a une bonne méthode. Bah c'est, bah au début c'est difficile. Après tu te rends compte que c'est pas si difficile que ça. Non, et après tu te lâches. Faut être bien dans son corps. En fait, moi, non moi maintenant ça va. Moi tout va bien. Je suis pas du tout timide. Je vais aller voir une fille. Je vais aller la voir. Il y a pas de problème. Ouais, t'as confiance en toi. Bon après faut pas vriller lourdeau quoi. Ouais, non, pas lourdeau. Ouais, mais faut pas changer du tout au tout non plus. Ou être trop sûr de toi parce que. Ouais, mais c'est ça mon problème en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu vois un groupe de filles par exemple qui est, je sais pas, devant toi ou des filles posées dans un bar au bain, ouais, je sais pas. Je vais me faire engrainer par exemple par un de mes potes. Et vas-y, on va y aller. Donc tu vas les voir, mais tu fais ça toi, tu. Salut les filles. Salut les filles. Non, non. Et tu vas à plusieurs. Où est-ce que tu fais kikou les boys and girls? Ouais, en général, je demande à un pote à moi, et juste il m'accompagne, il parle même pas, et vas-y, je vais parler avec la fille. Ouais. Je vais la prendre dans un coin tranquille. Mais moi, mon problème, en fait, principal, c'est que vas-y, en ce moment, je sors un peu la nuit. J'ai découvert ça, il y a à peu près les boîtes de nuit, tout ça, les chichas. Ah, tu vas en chicha la nuit? Ouais, les chichas, les boîtes de nuit, tout ça, et vas-y, depuis, j'arrive plus en gros à me poser tout ça. Mais c'est un bon endroit pour trouver des meufs, la chicha, non? Ouais, mais en fait, tu as trouvé, mais c'est que des crasseuses, clairement. Ah super! On salue les meufs de chicha qui nous écoutent ce soir. Salut les crasseuses! Qui coulent les boys and girls! Qui coulent les boys and girls! Qui coulent les crasseuses! Ah, mais quand tu dis crasseuses, c'est quoi? Pour moi, c'est des putes, la vérité, parce que c'est des meufs. On va dire, la plupart du temps, nous, on avait un groupe de potes. J'expliquais, c'était quoi notre délire? C'est genre, par exemple, on allait à la chicha le mercredi soir, un truc comme ça. Oui. Samedi soir, on les ramenait en boîte. Après, vas-y, ça finissait au télo, des trucs comme ça, tu vois, des soirs à appartement. Ouais. Mais tous ensemble ou chacun avec sa meuf? Non, en général, genre, en fait, c'était des meufs. Elles étaient deux, trois, en général, ou même il y en avait une. Après, il y en a, ils ramenaient sa meuf. Tu vois, ça se débrouillait, en fait. Oui, mais c'était bon, chacun sa meuf. Mais en quoi c'est des putes? Bah oui. Bah, c'est surtout que c'était des meufs faciles, en fait. C'était des meufs. Ah, tu les rencontres. Oui, mais c'est pas des putes, ouais. Oui, c'est des meufs qui s'amusent comme vous, hein, en fait. Oh, bah attends, il y en a, elles couchent dès le premier soir, hein. Bah, j'ai attendu. Hein. Ouais, mais bon, moi, j'arrive plus à faire confiance aux filles, moi. Dans ce cas-là, t'es un garçon facile aussi. Non, parce que c'est pas pareil. Ah. Non, et puis t'es un peu con. C'est pas pareil. Je connais l'histoire, c'est pas pareil. Et puis t'es un gros con. Non, j'ai dit t'es un peu con de dire que toutes les nanas sont des crasseuses dans les chichas. C'est... Non, mais parce que, mais en fait, tu vois pas le comportement qu'elles ont. Moi, j'observe en fait. Et alors, je regarde en général. Et c'est les filles, en fait, maintenant, j'ai remarqué, hein, la plupart des filles, on va pas se mentir, hein. Maintenant, j'en vois beaucoup, elles provoquent les mecs. En gros, elles aiment se faire remarquer. Bah pourquoi elles auraient pas le droit d'aimer se faire remarquer? En plus ça facilite le travail pour les gars, je pense que les gars ça vous va. Mais ah ouais, mais après ça c'est des mecs ça. Après si c'est pour tirer un coup un soir, vas-y ça c'est bien. Mais après au bout d'un moment si tu veux te poser sérieusement, tu vois, pour moi je sais je vais pas trouver ma meuf là-bas, tu vois, ma vraie meuf. Bah va ailleurs. Ah, mais ouais, ça, c'est vrai, c'est pas con, ça. Hey, la Marie, dis donc. Bah, après, écoute, ça, c'est des fréquentations. Après, mes potes, ils m'engrainent, tout ça, tout ça. Et vas-y, ça. Mais est-ce que, bon, toi, ça t'éclate de leur chicha, draguer des meufs, de les ramener au lit, de baiser avec, ça, c'est pas désagréable non plus. Ouais, oui, il y a pire dans la vie. À un moment, en fait, je sais pas, tu vois, je vais passer mon permis, là, tout ça. Et je me dis, vas-y, faut que j'arrête les conneries comme ça, tu vois. Je grandis, tout ça. Et pourquoi? Ouais, t'as 18 ans, t'as le temps d'un faux. Bah, tu peux t'amuser profite aussi. Profite de life. Ah, ouais, ça va, oui. Même après. Ouais, mais vas-y, en fait, j'ai trop profité. Eh, carrément, je peux vous envoyer carrément des photos dans mon téléphone, vous allez être choqués. Vas-y, ouais, vas-y, envoie karim@karim.com. Pourquoi choqué? Ok, ben Karim, je vais t'envoyer après en email, tu vois. Vas-y. Envoie sur Romano, c'est mieux. Non, mais parce que je sais pas pourquoi, moi, mais. Non, bah, t'as Karim, c'est bien, tu vois. Tu voilà, parce qu'il m'aime bien. Ça. Connexion, t'inquiète pas, Maroc, ouais. Tout ça. Je connais. Moi, je comprends pas pourquoi t'as envie de changer. Parce que peut-être qu'un jour, tu vas tomber sur une meuf. Et puis cette meuf, tu te diras, ouais, elle est pas si crasseuse que ça, et tu vas tomber en love d'elle. Ouais, non, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que vu que je vais souvent à la chicha tout ça avec mes potes, c'est qu'il y a souvent des nouvelles filles, tu vois, le délire. Et nous, on se lance des défis, genre, ouais, va lui parler, tu vois. Et vas-y, après, tu vois, je vais passer à une autre meuf. Ah, ça s'arrête pas, ouais. tu vois, j'arrive pas à m'arrêter en fait. Je sais pas si tu captes. J'arrive pas à rester bloqué sur une meuf. Et là, c'est terrible ce que tu racontes parce que Cédric nous écoute et lui il rame et il t'entend dire. Les meufs, moi, je les enchaîne. Non mais en fait, c'est que t'as besoin de séduire. Hey, cousin, je vais traîner dans les chuchas avec toi, moi, je crois. Hein. Ah, il va te. Voilà. Ah, là, tu vas voir, tu vas en serrer moi des meufs. Ah, bah là, il y a l'avermoi, il va plus avoir une meuf dans la chicha. Il va tomber. Non mais je pense qu'en fait, t'as besoin de séduire parce que t'étais pas bien dans tes pompes avant, t'étais timide et là, du coup, tu te sens bien, tu te sens beau, donc tu fonces, tu vas chercher. Mais t'as raison d'en profiter aussi. Il y a ça aussi. Sauf si t'as envie de te poser, Ouais, voilà. Et genre, à un moment, tu vois, j'avais une meuf en vue, tout ça. Mmh. Et vas-y, vu que j'avais une réputation un peu de, on va dire, de mec à meuf bizarre, tu vois, parce que sur les réseaux sociaux, tout ça. Et bah, vas-y, la meuf, elle faisait pas confiance. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah, c'est logique, après, hein. Bah, moi, tu connais, vu que, vas-y, je me disais, ouais, je vais en avoir une autre après la semaine d'après ou dans deux semaines. J'ai pas calculé, je m'en battais les couilles après de sa vie. Bah ouais. C'est ça mon problème. Vous avez entendu ce que nous a dit Adil. Les gars, dites-nous si vous aimeriez avoir la vie d'Adil, bah niveau sexuel, les chichas, les potes, les défis avec les potes, les meufs, les crasseuses, tout ça. Allez, la vérité, c'est marrant. C'est bon délire. Hein, donc dites-nous où est-ce que vous aimeriez changer comme lui et vous aimeriez changer comme lui, qu'est-ce que vous feriez? Et les filles, dites-nous ce que vous pensez d'Adil du coup. Bah oui. Alors, mais déjà, il y a des mecs qui te traitent aussi. Hein. Pourquoi ils se traitent? Bah non, bah parce qu'ils sont pas contents avec les crasseuses dans les. Ah, c'est les crasseuses, les chichas. Défendez-vous, les filles, allez-y. Il a dit à la bonne couille. En mettant ta bite partout, c'est toi le crasseux. Ah, je pense que lui, il est plus aussi dit des trucs comme ça. Je pense qu'il a pas connu les films. Ça, c'est bon, ça va clasher là dans un instant là. Allez-y, tout le monde, vous nous laissez vos messages. Adil, on va revenir. Le temps d'écouter Drake en concert avec Skyrock. Les places sont en vente demain, je crois d'ailleurs en fait. Ouais. Ah, c'est parti. Place de concert pour Drake. Et puis, restez bien sur Sky parce qu'on aura sans doute bientôt du Drake à vous offrir. On se fait quoi? Le One Dance, c'est bien ça. Allez, One Dance de Drake. Le problème du mois que tu vas nous lire dans un instant. Il faut peut-être s'y mettre. En une demi-heure, on va résoudre le problème du mois. Là. Bah oui. Vous avez voté, préparez-vous et les réactions pour Adil. À bientôt, je vais le faire à quoi? Il y a 1h du matin, tout seul. On a eu plein de choses à faire, Romano. Ah non, mais ça va commencer. Et on a encore des témoignages sur les intempéries dans le sud. Là, on ira faire un tour. On était à Montpellier, on ira faire un tour juste à côté, dans un instant, du côté de Marseille. Préparez-vous et le problème du mois, la réponse. Déjà la lecture. La réponse à la question qu'on se pose tous. Mais lequel a été les titres choisis? Est-ce que c'est le God Pyramide? Est-ce que c'est celle qui mouille tout le temps, Noémie? Ou alors l'autre avec son soumis. L'anus extensible. L'anus extensible chaud et froid. On s'en saurait plus tout de suite, là. The Morning Show. Dans le Morning de Default sur Skyrock, Skyrock t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben, c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Fabien. Bravo, Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une... Une suprette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. Vous me donnez 200 €, on n'en parle plus. Eh ben, tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle, moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui, me Soprano? Soprambaba. Non, mais vous êtes un détranqué ou quoi, Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le Morning de Default tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty, Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1TB Collector Final Fantasy XV, la console Collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr sous condition de réservation. Concert Skyrock. Nouvelle tournée événement Skyrock. Skyrock. Maître Gims choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon, Amnéville, Nantes, Marseille, Paris. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Toutes les infos sur les réseaux sociaux de Skyrock. Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Premier sur Maître Gims. L'année n'est pas finie. Non, moment au 71777. Des conseils, des idées pour bien aborder l'avenir. Envoyez moment, M-O-M-E-N-T, au 71777 et nos astrologues sauront vous guider vers la sérénité. Le meilleur des futurs, des réponses à vos questions. Moment au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Ici, tu peux tout dire et tu peux tout faire. What the fuck? 21h, minuit, la radio libre de Difool sur Skyrock. Et ouais, c'est nous et c'est Drake maintenant. Drake en concert avec Skyrock les 12 et 13 mars 2017. On vous l'a annoncé cette semaine, place en vente dès demain. Drake tout de suite avec One Dance. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Take it slow, make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, Radio Libre en direct. On va faire un tour à Marseille où ça va, où c'est chaud niveau météo ce soir, ça vente. Ouais, tempête. Tant bien, on aura Fredo et Soprano demain en direct de Marseille à partir de 20h. Donc ne loupez pas le rendez-vous. Ça peut être sympa. En pleine tempête. Ils vont peut-être s'envoler en direct. Bah, ils ont le toit maintenant. Non, ça va, on est protégés maintenant. Ah, on a un toit. C'est le toit qui va peut-être s'envoler demain en direct. Et il tient bien, on le toit. On verra ça demain, hein, Samy. Demain 20h, 21h, Soprano en direct de Marseille avec Fred. En plus, ça change des défaites. Au Vélodrome. Tu sais, sur un truc bien, il n'y aura pas de défaites, tout. Par contre, ça ne change pas de d'habitude, il n'y aura personne en tribune. Ah, c'est vrai. Bon, vous serez à l'écoute, vous, demain, 20h, 21h, juste avant nous, hein, nous, demain soir, en direct aussi. On filera des FIFA 17 demain aussi, les prochains à gagner. Ouais. Demain soir, on va bien terminer la semaine. Lundi, le grand retour de Cédric dans l'émission. Cédric, tu reviens lundi. Et là, on est avec Adil, au téléphone avec nous, vous entendez derrière moi. Adil, 18 ans dans le 94. On va noter les messages qui ont été envoyés pour Adil. Ah, j'en ai quelques-uns, tiens, par exemple, Micmac. C'est pas avec ce genre de connard que le monde changera et que la femme sera mieux considérée. Pauvre type. Et le caméra jusqu'en dessous, c'est une fille. C'est à cause du coup des crasseuses dans les chichas. Ah, mais moi, pour moi, c'est ça. Maintenant, en fait, j'ai tellement été là-bas, en fait, que maintenant, j'observe tellement les filles. Voilà, ça devient grave, en fait. Il y a So Good qui dit merci pour les crasseuses. Moi, je vais en chicha régulièrement et je me considère pas comme une crasseuse, gros con. Exactement. Il y a Caméria, 18 ans, là. Va te faire foutre, bouffon. T'as qu'à pas sortir. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a trop de la chance. Ah oui, j'ai demandé au gars, là, si aller en chicha, baiser des meufs comme ça, tout ça. Il y en a plein qui ça plairait. Hein. Il a trop de la chance, Adil. Ouais, super. Ah, je lis le message. Non, mais t'as dit, après, tu fais l'effort. fort, je veux changer, tu vois. Pas je veux rester bloqué sur ça. Mais on nous dit, il va tomber amoureux un jour, c'est qui? Ça, c'était le message le plus positif. Un jour, il va tomber amoureux. Ouais, enfin. Et... Bah, j'espère. Ouais, ça, si tu pars dans l'idée que c'est une crasseuse. Et ça lui passera tout de suite. Ça va pas le faire, hein. C'est un mec facile, nous dit Leïla. Car il aime passer d'une meuf à l'autre. Il s'amuse, laissez-le vivre. Moi, je me suis marié à 20 ans et j'ai regretté. J'en ai 22 aujourd'hui, j'ai divorcé. Ah bah. Ah. Bon. Ça, c'est chaud. Et ouais, c'est Gars EEG qui nous laisse le message. Salut le Gars EEG. Non, ouais, c'est chaud. Non, mais bon, moi je trouve que t'as une. Il y a Micmac qui t'en remet une couche. Ah, Micmac, ah ouais, le célèbre Mac. Adil, j'ai largement léché plus de nichons que toi. Et je respecte les femmes. Elles ont le droit de s'amuser, de faire ce qu'elles désirent. Non, mais je respecte les femmes aussi. Oui, mais bah, je suis pas des masses, sur le coup. Ouais, super, non, le seul, ouais. Non, le seul truc qu'il a dit, c'est tout à l'heure, les filles de chicha, t'as l'impression qu'elles vont en chicha pour se faire sauter. C'est pour résumer. Ouais, clairement, c'est faire. Bon, ouais. Va ailleurs. Donc il a pas dit toutes les filles, machin, tout ça. J'ai pas dit toutes les meufs, c'était des putes. Je dis ça pour les filles qui arrivent maintenant et qui sont déchaînées. Espèce de connard, ta gueule. Ça, c'est les messages qui défilent les uns à les autres, là. Oh, t'as Ananas qui nous dit... Ce sont les mecs qui ragent, laisse tomber. C'est des mecs, ça te va. Un mec comme ça, non, c'est une meuf, là. Ananas, un mec comme ça, moi, j'y crache dessus. Non, mais il y a des mecs qui râlent, mais il y a des nanas aussi. Regarde ta gueule, après... Ça, je vous dis, ça va parle mal. Ça va clasher, là. Ça clash. C'est une pute, Adil. Ça saoule les gars qui traitent les meufs parce qu'elles sont soi-disant trop faciles, alors qu'il en est bien content. C'est émis. Les meufs qui fréquentent les chichas et les boîtes de nuit, tout ça, les soirées. Non, mais ce qu'on nous dit beaucoup, c'est que tu fais la même chose. Toi, t'es un garçon facile. Ouais, je fais la même chose. Bah, mais oui. Moi, en fait, j'ai remarqué juste que, avant, par exemple, quand moi, j'étais moins en confiance, les filles, en fait, je sais pas, elles étaient discrètes, tout ça. Et en fait, j'ai remarqué, plus ça évoluait, les années elles passaient. Bah, elles ont raison, elles s'éteignent aussi, les filles. Elles partaient en couille. Ouais, mais vas-y. Mais non, mais parce que déjà, t'as grandi. À 14 ans, t'allais pas en boîte, donc tu savais pas qu'il y avait. Ouais, Mais les meufs, avant que t'y ailles, elles étaient déjà comme. Ah oui. Elles étaient déjà pareilles, les meufs. Elles ont pas changé parce que t'es arrivé, hein. Ouais, non, mais t'as pas tort. Ah, tu vois. Je peux laisser mon Insta ou pas? Ah bah alors les filles, n'hésitez pas. En plus, tout à l'heure, il y a eu altercation avec Cédric sur le physique, alors on va juger sur pièce. Et oublie pas les photos, gros, et les vidéos. Ouais, t'inquiète même pas, je vais te les passer. Alors attends, je te passe Karim, donne ton Insta juste avant et tu nous envoies les photos. Vas-y, mon Insta c'est H-A-D-I-L. H-A-D-I-L, Adil. Tiré du 8 privé. Tiré du 8 privé. Très bien. Et juste, je vais faire. Ouais, privé. Exactement. Et je vais lâcher l'insta de mon pote là qui m'engraine à tout le temps. Vas-y, allez parler. C'est quoi après Adil-privé? Tiré-privé sans accent. L-du-8-privé. Ouais, ça va, t'as une bonne tête, ouais. Ouais, j'ai changé, hein, je te promets, copain. Avant, j'étais un petit gros porc. Ça va, t'es plutôt sexe. Bon, et ton pote, mais t'es vachement. T'as une coupe de cheveux, mon pote. T'as une coupe de cheveux, ça, frère. Cédric, tu le trouves. Cédric, tu le trouves pas beau gosse. T'inquiète pas, la coupe de cheveux, mon gars. Ouais, mais c'est à la mode un peu en ce moment. Je te promets que ça, t'inquiète pas, qu'avec les filles, ça passe. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, tu te kiffes, hein. Vous avez entendu Adil, il veut arrêter de séduire les filles, mais par contre la coupe de cheveux c'est fait pour en serrer plein. Hein. Bah tu te prends en photo dans ta glace là tous les jours. Eh beau gosse. Ouais, c'est pas la même pose en plus. Non, il y en a une qui est phénoménale, si vous allez voir. C'est Adil privé, donc la photo c'est autoroute 86. Là, laquelle? T'as le look coco. En effet, tu as le look. T'as le look coco là. Le petit chapeau, le bas de survêt. Ah, chapeau de vaille. Je revenais du Maroc. Ah, ça se voit. Ah ouais, ça se voit, c'était la hasse. La route, c'est tout. Galère, on n'a pas pris de douche, ça fait deux jours. Bon, bah, merci à toi, Adil. Voilà. Bref, je voulais juste passer le Insta de mon pote. Ah oui, c'est vrai. N2A2SERBM. Nasser BM. Ok. Et je fais une petite dédicace à Nasser, Dimo, Divry. Après, il y a Kido de Bruna, la portugaise, Mélanie. Comment toutes les meufs On va faire la liste des dernières du mois. Tu t'arrêtes au mois de septembre. Ouais, laisse tomber. Après, c'est une galère. Bon, merci Adil. Raccroche pas et tiens au courant de la suite là. Et je te rassure, t'es bien plus beau que Cédric. Ah ouais. En même temps, c'est pas difficile. Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Bon, et puis merci pour les messages à ceux qui se sont énervés, celles qui se sont énervées. Il y en a aussi qui disent. Je vous aime. Il y en a qui disent que t'as raison. Je t'en lis parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais Julie, enfin, il y en a plein qui aimeraient profiter de la vie comme toi. Mais regarde, il a raison sur une chose. Les meufs des chichas sont des crasseuses et c'est Julie qui le dit. merci. Mais non, pas toutes. Après. Ah bah t'as pas lu la fin. Ouais. Par contre, lui aussi, ah bah c'est un grasseux. Ah oui, voilà, très bien aussi. Mais puis non, ça va. Dans les boîtes, y a pas que des putes non plus. Hein. Ah non. Y a Bou qui envoie ressemble à Mojito. Ah ouais. Je sais pas si c'est, là, un compliment. Avec ton melon sur la tête. Non, pas sûr. Bon, salut Adil, raccroche pas. Et le problème du mois, Romano, t'es prêt? J'ai le temps de me. En même temps, vu qu'il est minuit moins le quart, j'ai le temps de me préparer. Là, je peux te dire, je suis bouillant, mais au taquet du taquet. C'est vrai qu'on a voté à 23h, il est 23h44. Aucun bug, allez hop. Foutez de la gueule du monde. Voici les résultats. Le problème du mois que vous avez choisi est le problème de Noémie qui mouille tout le temps. Avec 39% des voix pour Noémie, 27% pour l'anus extensible avec le chaud, le froid de Sandy. Après, il y a 17% pour le problème du mois de Juan Carlos, là où Jean-Carlo, qui paye des meufs pour faire marabre. Il y a 12% pour le problème de Franklin la tortue de Nice. Ah oui, c'est le mec qui se fait marabre, il a des traces. Ouais. Et 5% pour le God Pyramide seulement. Oh, dommage. Le succès pour le God Pyramide. Ah bah tant pis, hein, ils se démerderont. Hein. Et bien voici le problème du mois. Que vous attendez tous et toutes, les réactions en live sur le 41759, ouais. Sur l'appli Skyrock, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Noémie. Noémie, oui. Elle. Je m'appelle Noémie, j'ai 26 ans. Oui. Et je suis de Salindres. Voilà, je vous explique mon problème. J'en suis dans... C'est très clair. Elle a un effet... Ça va pas. Un gros problème. Je suis dans une relation avec mon homme depuis 2 ans. Ah. Tout se passe très bien sexuellement. Mais mon problème, c'est que je mouille sans cesse. Ah. Peu importe la situation. Mon string qui frotte un peu trop sur le clito quand je croise des jambes et c'est parti. Je ruine le tout. Faut qu'elle arrête de croiser les jambes. Ouais, elle te laisse une flaque sur la chaise. Non, mais c'est juste comme ça, c'est bizarre. Hein. Bah écoute, Marie, elle est jalouse. T'es pas mouillée comme jalouse, ça, Marie. Mais je trouve ça bizarre. Pareil, lorsque je porte une culotte et que je fais certains mouvements avec mes jambes, ça y est, c'est l'inondation de la culotte. Mais elle a peut-être un gros clito. Dernièrement. Mais jalouse, hein, quelle est mauvaise. Ah non, c'est tellement pas, non. Depuis quelques temps, oui. Je suis même obligé de changer une ou deux fois de culotte par jour, tellement je mouille. Je travaille dans un bureau, des fois je sens même l'odeur se répandre dans la pièce. Ah non. Je peux vous assurer que c'est de la mouille. Car une fois ça m'est arrivé lorsque j'étais chez moi, et j'ai mis le doigt dedans et j'ai goûté. Aucune odeur de pipi, bel et bien de la mouille. Et je tiens quand même à vous Mais il faut m'aider, putain. Mais on n'a pas le texte. Je tiens quand même à vous préciser que je n'ai aucun problème gynécologique puisque j'ai fait un contrôle dernièrement. Ah, enfin, c'est pas sûr. C'est ça, moi. Des fois, le soir, rentrant le soir avec ma culotte toute trempée. Je ne sais pas quoi dire à mon copain. Il a bien remarqué que je mouille beaucoup pendant les relations sexuelles, mais je n'ai pas osé trop lui dire que je mouillais continuellement. Je ne sais pas d'où ça vient. Sans même penser à quelque chose de sexuel, je mouille. Elle mouille. Comment te dire, mon chéri, rien m'a excité. Je voulais savoir si des filles et des femmes mouillaient comme moi, excessivement. Je ne sais pas si je peux m'en considérer comme une fan fontaine, parce que je ne mouille pas jusque-là quand même. Bref, je voulais avoir des avis sur des femmes ou hommes qui ont connu cela avec quelqu'un ou qui l'ont vécu eux-mêmes. Aidez-moi, je ne peux pas quand même me mettre une couche, je n'ai que 26 ans. Oh, c'est jeune, c'est vrai. C'est jeune ou vieux d'ailleurs. Hein. Aidez-moi. Parce que les couches, je suis tout merci. Petit ou tout vieux. Non. Ouais, mais on dit souvent quand t'es vieux, tu retombes en enfance. Hein. Tu peux mettre une service hygiénique aussi. Oui. Toi aussi, tu parles bien, Marie. Oui, bah, ça va, hein, s'il te plaît. Il y a Fleur qui nous dit, moi au contraire, je suis toute sèche tout le temps, même pendant l'amour. Ah, mais t'as pas vu du tout. Ah, c'est con. Ah, regarde mes photos pendant l'amour, peut-être que ça va ouvrir les grandes zones. Et tu veux que ça s'arrête, regarde Cédric, assèchement immédiat. bon conseil pour Noémie, des photos de Cédric. Non mais c'est chelou, non mais je comprends moi qu'ils sont emmerdés quoi. T'imagines tous les matins elle part dans son sac à main, il y a 3 culottes. Bah elle est obligée, ouais, qu'en même temps bon elle a raison, hein, plutôt que d'avoir la culotte trempée toute la journée. Tu veux quoi comme témoignage? Bon, et si par exemple les filles ça vous est arrivé, ou si ça vous arrive, vous êtes comme ça, vous savez pas pourquoi, vous mouillez excessivement. Vous ne pensez pas à du cul, vous êtes, je sais pas, dans les transports, au bahut. Ouais, comme ça dans la journée. À votre boulot, vous vous mettez à mouiller. Et ça mouille la culotte. Absolument, oui. Ou alors si vous êtes un mec et que vous avez déjà rencontré une meuf qui mouillait excessivement, n'hésitez pas. Comme ça, vous aussi. Non, on va peut-être pas s'occuper des mecs, Marie. On va s'occuper juste de la mouille. Ce non, soir. On va pas foutre la merde. Marie, Marie, du mois. Quand il n'y a pas de bite, il n'y a pas de bite dans le problème du mois. Elle t'en rajoute tout de suite. C'est ouf, ça. Donnez-moi de la teub. J'ai pas de solution, j'ai jamais entendu ce truc-là, moi. Bon, bah, vous nous faites. Tant mieux, Marie. Oui. Ça évite de mouiller les sièges de Sky. C'est clair. Bon, vous réagissez sur le 41759. Mais t'as déjà mouillé pendant l'émission, par exemple? Évidemment. Je pense pas, non. Tous les soirs à 21h quand elle me voit, Romano. Ouais, non, mais ça, mis à part avec Diffoul. J'ai quand même Cédric dans le dos. Hein. Ah. Ah oui, non. Alors, oh, là, ça fait quand même 3 mois que tu l'as pas. Ouais, 4 à peu près. 4 mois qu'il est pas là. Non, non, ça ne m'arrive pas, non. Ouais, parce que je sais pas, il est en train de se foutre de nous. Bon, une réaction, Cédric? Typé. Non, tranquille, moi ça va. D'accord, tu as compris le problème du mois. Ouais, la meuf qui mouille tout le temps, moi ça me ferait chier d'être à sa place, mais je mouille pas donc. Non, mais t'es jamais tombé sur une meuf qui mouillait tout le temps? Non. Mais tiens, elle mouille un peu ou pas? Bah non. C'est ça le problème, elle reste sèche tout le temps là. Bon, vos réactions et le problème du monde. On y revient tout de suite, vous laissez vite vos messages hein, au 41. Ah, il va falloir y aller. On y va vite, vite, vite et on s'en occupe. Mais on est gentil avec la Marie, Nico. Ah, Nico du 77. Ça va, t'inquiète. Qui fait le sauveur. Oh, c'est chou. C'est bien, Nico. Rien, elle est contente. Tout va bien, t'inquiète. C'est bon la mouille, c'est bien, nous dit des paniques. Bon, il y a Bob Mélie, c'est pas le sujet, mais lui, il pète tout le temps. Très bien. J'adore les femmes qui mouillent comme ça, j'aimerais bien. Connaître. Ah oui, bah Chachou aussi qui mouille beaucoup, mais. C'est F2X qui laisse ce message. Juste avec son mec, pas dans la journée, mais elle mouille beaucoup. Ah, Chachou, ouais, ça mouille. C'est Marie, bien. Tu te considères comme une grosse, moyenne ou petite mouilleuse? Oh non, normale. Normale. Non, non, pas de. Donc nous dirons moyenne. C'est moyenne. Ouais. Bon, tiens, en parlant de mouilleuse, là, on va faire un tour à Marseille. J'avais promis qu'on referait un tour dans le sud. Ah oui, avec les intempéries. On était à Montpellier. Merci d'ailleurs pour tous les messages que vous avez laissés de Montpellier. La radio, ça marche, a priori, là-bas. Mais il y en a, qui, ne peuvent plus sortir de chez eux, qui nous laissaient des messages. Tout le monde aura pas bahut demain, du côté de Montpellier. Ah ouais, ouais. Dans les régions où il, dans les régions où il pleut. Et donc, toi, Omar, t'es à Marseille. Vous, c'est, alors, c'est la pluie, peut-être, mais c'est surtout le vent chez vous, hein. Oui, là c'est le vent là en ce moment. Salut Omar. Salut Omar. Salut à tous. Coucou. Salut à tous. Voilà, je te serre la main. Non, la pince. Ah, là, c'est la pince. Oh merde, je suis trompé de blague. Je serre la pince par la main. Elle est vieille celle-là. Elle est vieille. La main. Alors Omar, ouais, donc à Marseille, c'est le... il paraît qu'il y a un vent de fou à Marseille. Oui, il y a un vent de fou là, franchement. C'est. Bah, après, c'est... on a l'habitude à Marseille, hein, le vent, mais moi je me rappelle à une époque. Mais pourquoi ils vous ont mis en alerte? Parce que c'est vrai que vous avez l'habitude du vent, mais là il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Oui, il y a beaucoup de vent, mais ça va, pas plus que d'habitude. Ça ah, va. C'est ça. Mais pourquoi ils vous ont mis en alerte? Ouais, peut-être que ça va. Et il pleut. Ouais, après ça va peut-être se lever pendant la nuit. Hein. Ouais. Ouais, bah ils annoncent la pluie. Après, comme on dit, c'est des prévisions météo, hein, on sait pas. Hein. Ah, parce que pour l'instant, à Marseille, il n'y a pas de pluie. Non, moi j'ai pas de pluie. C'est marrant parce que c'est pas loin de Montpellier. À Montpellier, ouais, il pleut, mais il paraît un truc de fou, on le disait tout à l'heure. Et toi, du coup, de Marseille, c'est pas localisé. Loin, il y a quand même combien de bornes? C'est vachement localisé. Il y a 80 bornes. Ah, je pense que ça va arriver, là. Ah ouais, Montpellier-Marseille, il y a 80 bornes. Non, 150 au moins, non? Non, il y a une heure et demie. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, parce que je sais pas, c'est ça. 80, là, t'as vu? J'aurais dit 150, moi. Je t'ai connu meilleur en géographie. Ouais, c'est clair. Non, moi, je fais Marseille-Montpellier en une demi-heure. J'ai fait le calcul rapide. Moi, je dirais 150, en courant. En courant. Voilà, comme Samy la série, même chose. Et ouais, donc pour l'instant, Marseille, ça va. Et toi, Omar, t'as déjà connu des intempéries de ouf? Oui, la neige. Oh, il y avait Marseille, centimètre de neige, la catastrophe. Hallucinant. Non, mais déjà à Marseille, c'est dès qu'il pleut, hein, déjà c'est la folie. Mais alors là, quand il a neigé en 2009, c'était l'apocalypse. Ah ouais, c'était l'apocalypse. Les grosses tempêtes là, quand les gens ils faisaient du snowboard sur la Canebière et tout là. C'est ça. Ah, la luge et tout. Ah, c'était marrant ça. En partant de la gare. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça à Marseille. Ouais. Non, c'est clair. Tiens, et à 10 minutes de Marseille, il pleut Vitrolles. Il pleut déjà, ouais. Ah, bah ça va arriver, ouais. Et des messages, ça mouille également beaucoup, beaucoup du côté de chez Elodie du 62, mais c'est dans sa culotte et avec son homme. C'est pour réagir au problème du mois, Romain. Ouais, très bien. Termine une émission humide ce soir. Ouais, très humide. Petite pluie sur Avignon et Arles, nous dit Yass du 13. Ouais. Et grosse pluie donc du côté de Montpellier. Et ouais, ils vous ont dit quoi la météo? C'est quoi? C'est la pluie? C'est le vent? Moi j'avais vu le vent, mais peut-être t'en sais plus que moi, toi, Omar. Bah par rapport non moi c'était surtout par rapport aux intempéries que ça m'a rendu fou. Tellement c'était hallucinant, il y avait des gens qui avaient abandonné leur voiture sur l'autoroute. Ah ouais, quand il neigeait là? Ah ouais, quand il neigeait. Je sais pas si vous avez appelé, mais centimètres de neige. Oh, putain. Il y avait des images, l'apocalypse. Il y avait beaucoup, je crois, il y avait au moins 15 cm ou quoi. C'est ça, 15 cm. 15 cm. Et le problème c'est que l'information. j'ai l'information, et j'habite pas loin de l'autoroute, et je suis sorti. C'est ça, je suis sorti, j'ai vu l'autoroute, je voyais des gens qui sortaient de leur voiture, qui laissaient la voiture comme ça. Et à Marseille, tu sais, la DDE, là, ils sont pas équipés pour la neige, comme il neige jamais, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, vous avez pas de déneigeuse, ouais, tout ça. Ouais, il y a pas de sableuse et tout, donc tout était bloqué, on devait attendre que les trucs qui descendent des de Paris, ouais. Ils ont nous mis des déneigeuses non, de mais Paris. Tu sais, genre des montagnes, des Alpes et compagnie, tu vois. Tiens, à Lyon, il flotte grave, actuellement, nous dit Mikey. Et il paraît qu'au Vieux-Port, il pleuvait à verse tout à l'heure, nous dit Yann. Et il y a Théophile qui dit que la pluie, elle arrive dans la nuit, là, à Marseille. Ah, ça va arriver, c'est sûr, ça va arriver. Mmh. Oui, et que si le 29, il fait beau en Bretagne, non, il fait nuit, là. Oui, bah, c'est ça. Oui, c'est vrai, il fait nuit. Oui, là, en Bretagne, c'est vrai, vous avez de la chance. C'est vrai, parce que les Bretons, depuis tout à l'heure, qu'on a dit que c'était le seul endroit où c'est beau. Ah, pour une fois, un peu. Ils en profitent, hein, tu sais, depuis tout à l'heure, les Bretons. Hein. Ça commence à se calmer à Montpellier, tiens, nous dit Spiker. J'espère que ça va pas recommencer dans la nuit, mais pour l'instant, il paraît que ça se calme à Montpellier, là. Et non, il pleut pas à Marseille. C'est vrai que le message que j'ai lu tout à l'heure, il venait du 62, mais j'ai vu ça après. Alors, juste une parenthèse. Oui. Je fais juste un gros coucou à Nounours et à sa femme, parce qu'ils sont de Montpellier, et ils sont sous la galère, là. Bon courage. Ouais, donc pensez à vous à Montpellier, soyez prudents, sortez pas. De toute façon, demain, il n'y a pas bahut. Si vous n'avez pas envie de bosser, vous avez une bonne excuse en plus. Hein. Restez à l'abri, ouais. Tu vois, Cédric, demain, si tu viens pas à l'émission, ou le matin ou le soir, tu pourras dire c'est à cause des inondations à Montpellier. Mais non, c'est à cause de la clavicule. Ah bon, c'est à cause de la clavicule. Ah ouais, clavicule. La vie cool. Ça, c'est les vieilles excuses du bahut, ça. Ah, t'as vu, nous on est d'accord, fait, ouais. Depuis un mois. Tout. Il se fout de la gueule du monde, c'est un enculé. Mais n'importe quoi, mais ta gueule, toi, parle bien. Bon, merci Omar, en tout cas. Ah, merci à vous. En tout cas, je vous kiffe. C'est gentil, Omar. Franchement, je vous écoute depuis que je suis en pyjama. Et là, maintenant, t'as 33 ans. Et là, t'as 33 ans maintenant. Maintenant, tu es en costume. Ah, bah, c'est cool. Ah, ouais. Bah, et en plus, j'ai rencontré ma femme grâce à vous. Allez. Ah, c'est vrai? Mais il y en a un paquet qui nous dit ouais, ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu l'as rencontré sur quoi? Sur Sky. Il y a plein de meufs que vous avez rencontrées, bah voilà, ou sur Sky, ou dans l'émission. C'est super. C'est cool, ouais. Juste pour réagir sur Adil aussi pour terminer, qui profite à fond de sa life. Vas-y. Qui profite à fond de sa life, il sait pas quand est-ce qu'il va rencontrer le grand amour. Alors voilà, et qui traite pas les filles comme des jambons. Merci Omar, salut Omar, ciao. Salut à vous l'équipe. Bisous. Allez, on reste à Marseille avec Jules à gagner, enfin Marseille, à Paris, à Amnéville et à Nantes. Les concerts de Jules du mois de décembre sont à gagner sur Sky. Si vous les voulez, c'est maintenant, vous envoyez roulette. Ouais, 7-20-20. Au 7-20-20. Vous envoyez donc le mot roulette au 7-20-20 et vous gagnez Jules. Place de concert à gagner, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est sur Sky, ça va tourner dans 2-3 minutes là. Oui. Le temps d'écouter. Booba, j'avais premier Booba, il est là. DKR. C'est DKR, le nouveau Booba. Et le problème du mois avec la réponse du problème du mois, ça arrive. De la mouille, de la mouille. Ouais. Ah, c'est humide ce soir sur Sky. Ah ouais, très. Et la famille. Quand Soprano sort son nouvel album, il choisit Skyrock pour te le présenter en exclu. Ouais, ouais, c'est Soprano. Pour sa nouvelle tournée qui démarre le 8 mars 2017 en France avec Skyrock. Planet Rap. C'est Soprano dans Planet Rap. Soprano, tous les soirs dès 20h. Et demain soir, Planète Rap Soprano, en direct du stade Orange Vélodrome de Marseille. À suivre en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Est-ce que pendant votre service civique, vous avez les études à côté ou pas du tout, Abderrahim? Non, j'avais fini ma licence, c'était en attendant de faire un master. Clément? Ce qui est pratique, enfin pratique entre guillemets chez les pompiers, c'est que c'est une garde. Moi j'ai choisi de faire 24 heures le week-end, donc comme ça pose aucun problème vis-à-vis des études. Et surtout, on n'est pas obligé de faire ses études en même temps. Il y a beaucoup de jeunes volontaires qui ont choisi de faire une pause dans leurs études, d'accord, y compris autour de cette table, de faire une année de service civique pour souffler, pour faire une pause et parfois pour réfléchir à leur orientation. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. Concert. Drake en concert Skyrock pour le In The Boy Meets World Tour. 12 mars 2017, Accor Hotel Arena de Paris, Drake et des invités exceptionnels. Drake with special guests. Le numéro 1, Drake en concert Skyrock. Info et place sur livenation.fr et point de vente habituel. Drake en concert Skyrock. Soulful, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Elle sort de Booba maintenant, nouveau son de Booba, c'est TKR sur Sky. Et Joe l'a gagné juste après, 7h20, vous envoyez roulette, ça va tourner. Et le problème du mois, il arrive aussi. Ouais. Qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Dans un gribord de bombardier, j'vais te casser le dos, pas te mailler. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon blessé sur le palier. Comme autre tu mets au, j'suis médaillé. Pas mon os négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut maillé, maillé, maillé. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis devant un plat de Thieboudienne. Même moi j'pourrais rougir de haine. L'esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom famille sera prise d'otage. À quoi sert de pion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert de pion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R, j'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération, boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moula l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mama Kosa, FL, Omar, Salvatrocha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hyper que de gauche à droite. Tyson, Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le rôle. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs. Difool, Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et le nouveau Booba sur Sky, Booba DKR. Gros son de Booba. Et attention, attention, Jules, gros concert de Jules et problème du mois. Avec vos réactions pour le problème du mois. Alors, il n'y a pas de fille. On n'a pas eu de fille qui nous disait qu'elle mouillait comme ça à n'importe quel moment du jour et de la, du jour et de la nuit. Eh bien, c'est plutôt rassurant pour vous, les filles qui nous écoutez. Autrement, ça fait grosse consommation de culottes. Hein. Mais je me demandais un truc, Marie. Tu sais, des fois, il y a les pubs à la télé, je vois le matin, là. Tu sais, les pubs pour les bonnes femmes qui ont des fuites urinaires. Oui, j'ai vu ça. Ça passe dans les émissions de France Télévisions. Mais les meufs qui font la pub, genre, elles ont 40 piges. Mais c'est-à-dire, mais à quel âge ça démarre chez une fille des... Moi, ça a commencé à 12, 13 ans. Ah ouais, merde. Non, mais je pense que c'est beaucoup plus vieux, ouais. Ah bah oui, c'est pour les mamies, ça. C'est pour les grannies. Après, y a mais a priori, non. Il hein. n'y a pas que les grannies. Non, parce qu'il y a des nanas qu'on est que les cougars également. Non, non, mais tu sais qu'a priori, il y a des jeunes qui ont. Des fois, par exemple, quand elles rient trop ou quoi, elles se pissent dessus. Ah, moi j'ai une cousine comme ça, quand elle rigolait trop, elle se pissait dessus. Mais à chaque fois? Bah, non, pas à chaque fois. Parce qu'imagine, chaque fois qu'elle rigole. Mais tu t'es pissé dessus, toi, Romano? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah ouais, tellement j'ai rigolé, ouais. Dans l'émission, ouais. Ouais, dans l'émission. Quelques gouttes de pipi qui sont répandues dans mon calbar. Alors non, c'est peut-être une maladie sexuelle qu'elle a chopée. Mais moi je pensais à ça dès le départ en fait. Mais ou alors elle a une d'ours qui nous laisse un message, un pseudo qui devrait exciter la Marie. Oh. Mais elle disait qu'elle était allée voir un gynécologue, qu'il n'y avait pas de problème. Mais je pensais à ça moi au début. Bah ou alors elle était juste foutue comme ça, l'autre elle était hypersensible de la chou. C'est horrible. Ou alors comme c'est comme si je sais pas, vous êtes un mec, vous mettez à sa place, vous vous bandez tout le temps et puis vous giclez. Ah, t'imagines? C'est ça en fait. Hein. Bah, elle est l'avoir. Hein. En faisant n'importe quoi. Mais comme ça, t'es dans le bus, tu bandes, tu gicles. Tu t'assieds, t'es au boulot ou en cours, tu bandes, tu gicles. sans rien faire comme ça. Ouais, non, merde, ça part tout seul. En fait, c'est ce qui lui arrive à la pauvre. Je te mets dans l'œil. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais. Oui, vous venez au tableau tout de suite. Excusez-moi. Ce qui s'est passé. Hein. Donc, il faut vraiment qu'elle aille voir un spécialiste pour à tout à l'heure. Ouais, mais bon, à part un gynéco, il n'y a rien d'autre. Hein. Ouais, bah, change de gynéco. Parfois, il y a un gynéco, il peut être, pas être bon, hein, Marie. Ouais, ça, t'as peut-être pas tort. Mais si elle a fait les examens, en général, tu non, sais. Non, mais sinon, qu'elle fout une couche. Bon, il y a Poupoule, il trouve ça bien. 31 ans, Poupoule. Moi, j'ai baisé une meuf. C'était sec comme le désert. J'avais la queue irritée à mort. Il aurait préféré tomber sur Noémie, lui. Bah, faut prendre du lubrifiant. Ça a râpé un peu. Comme du scotch brit. Elle devait pas être très excitée. Hein. Non, pas des masses, non. Une crunch brit. Elle a un défaut sous le capot, elle, hein, nous dit Nestiche. Non, mais moi, je pense aussi à un truc, une petite maladie, tu vois. Ouais. Ah, il y a ABLT972I qui nous dit elle enrhumait de la chatte PTDR. Ouais, bah oui. Ah, bah oui, ça coule comme un nez qui coule tout le temps, là. Book, ouais, mais ça va être hygiénique. J'ai revu mon ex et malgré qu'elle soit en couple depuis 4 ans, on a recouché ensemble et elle était mouillée tellement. Ah putain, il n'y a pas la fête de ton message. Tellement, j'ai regardé s'il n'arrive pas excité, après. Quoi. Non, mais regarde, Renan 49, ce qu'on disait là sur les fuites urinaires. Oui. Ma copine a quelques fuites depuis qu'elle a fait une fausse couche. Ça arrive aussi après les accouchements. Non, mais ça ne s'arrête jamais. Bonjour à vous qui êtes en train de faire un bébé. Non, c'est ce que je voulais dire. C'est en fait le périnée, en fait, n'est plus musclé, donc tu n'arrives plus à te retenir. Mais donc, Marie, tu es dessus étant donné que tu as fait un gosse. Non, mais moi j'ai eu une césarienne, donc j'ai pas eu de problème avec mon périnée. Bah, t'as bien fait de faire la césarienne. Mais cela dit, j'ai une copine qui a, je sais pas, elle doit avoir 35 balais. Bah, elle se pisse dessus. Oui, non, mais elle se fait également caca dessus. Non, elle se pisse pas dessus, mais en fait, elle a une vessie de vieille de 60 balais. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle pisse, mais genre. Mais t'as des copines, Marie, mais c'est hallucinant, quoi. Mais moi, il y en a une, je me pose, il y en a une qui est normale. Ouais, c'est ça, c'était la même question. Bah, c'est dingue, t'as vu, normal. Ah, sont. Hein? Oui, elles sont toutes normales. Non, mais la meuf, elle a 30 piges et tu nous expliques qu'elle a une vessie d'une meuf de 60 piges. Bah, ouais. Oui, tellement qu'elle a bu. Non, mais c'est sérieux. Non, c'est pas une ivrogne. Non, mais quoi, elle a un problème. Elle a pris de la cam. C'est la jumelle de grande chatte que j'embrasse. Mais non, elle a pas pris de cam. Non, mais elle est comme pas, ça. C'est chelou. Non, mais elle est comme ça depuis longtemps. En plus, sa mère est gynécologue, donc tu vois, elle est bien suivie. Hein, ah, bah, qu'elle change elle aussi. Donc, moi, ce que je conseille à Noémie, c'est de changer. Qu'est-ce que nous propose le problème du roi? J'imagine la mère. Bonjour, je suis gynécologue. Je n'ai pas raconté, ma fille. Décide une vieille de 60 piges. Non, bah, elle en a 30. Ah, bah, les deux parents sont médecins, donc ça va. Ah, les deux en plus. Ouais. Ah, bah, putain, j'irai pas les voir. C'est pas les chausseurs, les chaussées. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Bon, Romano, qu'est-ce qui répond au problème du mois? Ah, bah, c'est Marinette01 qui répond. Qu'est-ce qu'elle dit, Marinette? Ma chère Noémie, pas d'inquiétude. Non. Nous sommes toutes différentes. Ah, l'autre, elle change trois fois de culotte par jour. Elle se pisse dessus. Enfin, elle se mouille dessus. Mais pas d'inquiétude, ma chère. Nous sommes toutes différentes les unes des autres. Notre sensibilité est propre. Je ne crois pas que tu sois une femme fontaine. D'ailleurs, je déteste ce mot. Comme toi, je suis sensible à la moindre sollicitation et au frottement. Mais je ne crois pas que nous soyons les seuls. Même avec une culotte classique, il m'arrive de ressentir des petits plaisirs quand je porte un tailleur ou un jean serré. C'est même plutôt agréable. Ça me donne même parfois envie de rentrer plus tôt câliner mon mari. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Tout va bien, ne t'en fais pas. Bah, tout va bien. Tout va bien. Ça coûte cher en culotte. Hein. Si ton mari est inquiet, change de culotte, mets-en une propre avant de le câliner quand tu rentres le soir. Comme ça, aucun souci. Très bien. Et elle pense pas aux serviettes, quoi. Tout connement. Ah, ouais, les couches. Personne n'a dit les couches. Heureusement que vous l'aviez dit tout à l'heure, les couches. Non, mais c'est vrai, ça va être protège slip, là. Ah, bah là, il faut un sacré protège slip, elle, hein. Ah ouais? Ça prend une couette. C'est pas après, t'as les serviettes pour l'armure, le bordel. Il lui faut une éponge géante, quoi. Donc, le problème du mois, eh ben, ça y est, c'est géré. Merci pour les messages. On l'a fait en speed, c'est bien. Romano, semaine prochaine, nouveau problème du mois. Ouais, bah, j'espère qu'on le fera un peu plus tôt. Oui, bah, on a eu plein de choses à faire. Oui, bah, écoute, moi, je me plains. Bon, demain, on se fait piquer. Lundi, c'est le retour de Cédric. Ah ouais, c'est vrai que demain, il y a ça, quoi. Cédric, tu reviens lundi dans l'émission. Ouais. En direct. Et une grosse soirée. Ça, c'est super. Exceptionnelle, avec des invités. Avec une épreuve également. Avec l'élection du gros con de l'émission. Question pour un gros con. Les deux finalistes sont Cédric et Karim. C'est nous. Vous répondrez à plein de questions. Ouais. Et puis bon, plein d'autres surprises, mais on peut pas tout dire, Cédric, sinon c'est plus des surprises. Hein. T'es content, Cédric? Ouais, grave. Eh oui, grave. Nous aussi. Tu vas voir lundi soir, tu seras le plus heureux des hommes. On est grave contents, nous aussi. Bon, Ça t'entend. Et grave. Je vais faire un gros câlin. Je suis trop heureux. Ah bah, t'as l'air. Vivement lundi. Ah ouais. Cool. Non, moi, je suis contente de te voir. Bah, tu diras peut-être aussi, on va rigoler. Bah ouais. Tu diras peut-être plus ça à minuit, Marie. Oui, c'est possible, mais bon. Je suis contente. Lundi soir, retour. Et là, Inès, Paris, 16 ans. C'est toi, Inès. Allô? Oui. Ah, bonjour, Inès. Bonsoir. Bonsoir, oui, on peut dire bonsoir, oui, minuit 8. Oui. Tu ne ouais. mouilles pas ta culotte à longueur de journée. Alors Inès nous appelle avec sa maman, Romano. Ah, pardon. Bah, demande peut-être à ta maman. Bonjour à... Bonjour à la maman. Ça va la famille? Ça va. Bonjour la famille. T'es pas obligé de répondre à toutes les questions de Romano. Non, non, laisse tomber. On va passer à la suite. Pète les plombs. Bon, allez les filles, c'est parti. On fait tourner la roulette. C'est Jules. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Et y a pas que la maman, y a qui aussi? Y a le père et tout. Y a qui avec toi, Inès? Il y a mon frère et ma mère. Ah, ouais. Le frangin. Salut la famille. La maman, Inès. Alors vous allez nous faire un stop familial pour réveiller tout le quartier à minuit 9. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est beau. C'est bien. Bravo la famille. Je ne sais pas dans quel quartier vous habitez à Paris, mais les voisins vous auront entendu. C'est bien. Oh, on peut la refaire. Oh, bah, vous allez pouvoir crier là parce que vous avez gagné les places pour Jules. Voilà. Salut les voisins. Oh putain. Et Jules à Paris, tu sais que c'est complet, Inès. Et les places, on en a encore. Tu en as deux pour toi. Tu pourras aller le voir voilà. Fin décembre. Merci, merci, merci. De rien, Inès. Merci Sky, vous avez assuré là. Salut la maman. Salut, salut. Salut le frangin. Et le plus calme, c'est le frangin quand même. Ouais, ou alors il a une voix de fille. Mais bon. Salut la famille, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, merci. De rien. Et demain, on fait tourner demain matin dans le morning entre 6h et 9h. La roulette retourne. Ouais. Avec Jules à gagner. Profitez-en demain, dernier jour pour gagner Jules. Et à partir de samedi, on passe à une autre tournée Skyrock. Ah. Qu'on vous offrira dans la roulette. Surprise. Oui, je peux vous donner un indice. Il a pris feu dans l'émission. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est toi. Je viens de dire son nom. Qui c'est, quoi. Non, j'ai dit il a pris feu dans l'émission. Ouais, c'est vrai. Je n'en dirai pas plus. Bon, demain, on est de retour entre 21h et minuit. On sera en direct demain soir avec vous. Cédric, tu seras là aussi avec nous en direct de la maison après avoir fait un petit tour de France tout au long de la journée entre 9h et 21h. Ouais, c'est ça. Un petit passage à la plage aussi. Des petites promenades. Entre bien la virée, quoi. Ouais. Bon, demain matin, non, on sera là. Enfin, nous, pas Cédric, hein, mais. Non, bien sûr que Romano, non. Romano, tu seras là. Attends, bien sûr que non. Karim, tu seras là demain, tu vas te lever. Ouais, Inch'Allah, man. Et puis... Ah, c'est Cédric, surtout, ne viens pas. Hein. Pas la peine de lui dire, Romano. Hein. Il ne prendra pas le risque. Rassure-toi, il se soigne. Ouh là là là là. Bon, Cédric, demain soir, on te retrouve à 21h. Bah, toute l'équipe aussi. Ouais. Demain, n'oubliez pas, 20h, 21h, c'est Planète Rap avec Soprano en direct de Marseille, du Vélodrome. Yes, à la maison. À la maison. Donc, écoutez bien Planète Rap. Nous, on arrivera juste derrière. Grave. Et puis, Pamela sera là, c'est vendredi. Évidemment, je serai là. Loupez pas le rendez-vous. Le morning, demain matin. Les 1 500 € à choper. Profitez bien du son de Sky toute la nuit. C'est parti. Rapper R&B non-stop avec Priska. Ouais, et Kenny West. Ah, elle est bien accompagnée, dis donc. Hein. Comment tu dis Priska, Kenny West, Kanye. Bah, attends, mais on n'entend pas. Ta gueule, le belge, on l'a pas entendu. Ta gueule. C'est Kanye. Kanye West. C'est vrai que. Le Y et après le N, en fait. Ouais, c'est K parce que c'est K-A, N-I-R. N-I-R parce que N-I-R. Il est niais, Kanye West. Kanye West sur Skyrock, c'est parti, c'est Skyrock. Skyrock, yeah. Encore un morceau que vous avez découvert sur Sky. Oh, damn. Passez de bonnes nuits. Good night. Et bah, nous demain dès 6h, entre 6 et 9. Et puis dès 21h, ciao. Bisous. Ciao. Et à demain. Salut. The Morning Show. Dans le Morning de Default sur Skyrock, on t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Fabien. Bravo Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une... Une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. Vous me donnez 200 €, on n'en parle plus. Hein. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui le Soprano? Soprambaba. Non mais vous êtes un des tranquilles ou quoi? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le Morning de Default tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. Skyrock. I feel it fade. When no one ain't around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. When ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. I feel it. I think too much. I feel it. Your love is feel it. What a rip, what a rip, what a rip, what a rip. I feel it. Can you feel it? Can you feel it? Just fade I away. Feel it. On vient d'écouter Fade à l'instant sur Skyrock. Contente de vous retrouver cette nuit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se prépare tranquille pour le week-end qui arrive avec du bon son comme toutes les nuits. C'est le son de Skyrock sur Urban Music Non-Stop. Et on va y retourner avec Mac Miller qui passait il n'y a pas longtemps dans les studios de Skyrock. Chez Difool dans Radio Libre, les photos, les vidéos sur nos réseaux sociaux et le skyrock.fm. On va écouter Deng, Escrew également avec Demar. Et tout de suite, en souvenir, Fetty Wap avec Trap Queen sur Skyrock. RDF Production. Me, boy, yeah. 1730, I'm like, hey, what's up, hello. Sent your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set it go, talking about your Lambos. A 56 a gram, 500 grams, no. Man, I swear I love her, how she work the damn pole. Hit the strip club, we be letting fans go. Everybody hate her, we just call them fans, though. In love with the money, I ain't never letting go. And now you're high with my baby, baby. I just left them all, I'm getting fly with my baby, yeah. And I get robbed with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. Snatch a Ferrari and buy my boo a lamb. I just might snatch her a necklace, drop a couple on the ring. She ain't wantin' for nothing because I got her everything. It's Big Zoo up on the band. Don't remind me where I can't go. Remy Bush got the stamp, though. Kind of hell in the bands, though. Boy, how far can you bands go? Fetty Wap, I'm limit 50,000 K. How I stand, though. If you checkin' from my pockets, I'm locked. Cooking pies, I'm like, hey, what's up, hello. Seen your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch out for the bands go.

Le son de Marseille à l'instant sur Skyrock, on vient d'écouter Alonso avec Binta. Alonso, membre des Psychiatres de la Rime, qui serait de son album Un Solo qui est dispo, Ami de Saint-Antoine. Soprano, bah, c'est son acolyte hein, des Psychiatres. Soprano, il sort son 5e album solo dans quelques heures, la vendredi. L'album va sortir l'Everest et c'est une émission en direct de Marseille ce soir pour Planète Rap, pour la dernière de Soprano. Donc ça n'a pas manqué hein, ce soir au micro de Fred, 20h-21h, en direct du stade Orange Vélodrome à Marseille, où Soprano donnera d'ailleurs un méga concert l'année prochaine dans le cadre de sa tournée Skyrock. Il y a toutes les dates dispo sur skyrock.fm. Pour la suite du son, on y retourne. On va écouter The Weeknd, on va écouter PNL et tout de suite c'est le tout nouveau John Legend avec Love Me Now sur Skyrock. Pulling me further, further than I've been before, making me stronger, shaking me right to the core. From above, the world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I want you to love me now. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Sur le rap. Sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Nique ton buzz.